Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir. Bravo les super-héros, vous êtes bien tous les mêmes. Les super-héros d'Indestar, c'est les PK Avengers. Jusqu'à très tard ce soir. Jusqu'à 23h, voire même 23h30 même pour donner l'heure. Mais minuit, des fois, ça dépend des moments en vrai. Hein. Non, on n'a pas encore fait quand j'étais la minuit. On n'a pas été très très loin. Quand on a reçu les 6 personnes, les 6 jeunes. Oui, mais c'était pas PK Avengers. Ah oui, c'était une émission spéciale le vendredi. Mais t'as fait minuit quand même. Oui, mais pas sur PK Avengers. Voilà. Donc, on est sur PK Avengers Artist avec Wood Mike. T'as vu, là, je l'ai bien dit. Hein. Ouais, carrément. Alors. Et ouais. Oui. Pense à toujours parler dans le micro vu que il est là mais il t'est posé dans les fauteuils Indestar, dans les nouveaux fauteuils qui sont confortables. Ouais, ils sont bien. T'as vu, on est bien Indestar, on est bien reçu. Ouais, carrément. Il y a que Daniel qui a pas le droit à un nouveau fauteuil. Oui, non mais moi c'est normal, j'ai demandé à garder mon vieux. C'est aussi peut-être parce que t'es le moins bien gradé. Il est traditionnel. Ouais ouais, voilà, c'est ça. Non non, mais on va pas s'étaler sur les explications. Voilà. En fait, il y a une raison mais ça intéresse personne à part moi donc tu as le droit de t'étaler dans son fauteuil autant que tu veux. Un orchestre peut s'étaler dans un fauteuil. Donc c'est d'où le nom fauteuil d'orchestre. Mais bon, vas-y, on te laisse la parole là. À quelque chose. Donc, ce soir, pour discuter avec toi, donc on a Thierry, notre intervieweur décalé. Oui, ça va être très décalé. Je pense que personne ne va comprendre les questions, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est les réponses. Alors déjà, là, j'ai pas compris ce que t'as dit, donc ça commence bien. Donc, on a Thierry, j'ai dit. Qu'est-ce que t'as dit? Ouais, je préfère. Oui. Pourquoi toi, on te comprend mieux? Ouais, enfin ça dépend, on comprend pas forcément les règles des quiz que je fais généralement. Et comme toujours. C'est souvent ça, parce que je suis très impartial, apparemment. Quelle blague. On se prend des points mais on sait pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Alors, la seule règle qu'il y a avec Teddy, il y a pas de règle. C'est une bonne règle, je trouve. Moi ça me va, c'est cool. C'est un petit quiz qui tourne sauf autour de toi. Sauf quand c'est à ton désavantage, là t'es moins content, mais bon ça c'est... Voilà. Des joueurs. Oui. En théorie, tu auras un avantage parce que c'est un quiz qui tourne autour de ton univers, de ce que tu aimes par rapport au questionnaire que tu as rempli, que vous n'avez pas et que moi j'ai. Mais sa vie n'est pas forcément simple. Par exemple, tiens, pour voir. Daniel, tu nous as préparé quoi pour Wood Mike plein de choses. Alors, on va parler musique, ça va vous étonner. Hein. Quelle surprise. Avec une de ces. Je vais peut-être dire idole, ou du moins idole de beaucoup de monde. On va aussi parler un petit peu photo, je crois. Oui. Bah, je sais pas, c'est toi. Un petit peu. Oui, un petit peu. C'est prévu. Et puis, on va parler beaucoup de Wood Mike. On va expliquer un peu, parler de sa vie quand même aussi. Un petit peu, ça nous intéresse un peu. Oui, un peu. Non, parce qu'on est très curieux, très mauvaise langue. C'est alors. Pas du tout l'invité de ce soir. Non, pas du tout. Donc, avant d'en revenir à ça, on va terminer le petit tour. Océane, tu nous as prévu quoi ce soir? Pour discuter. Oui, je suis toujours là. Toute timide, oui, je suis toujours là. Joyeux anniversaire. Merci. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce qu'elle nous a appris qu'elle avait 20 ans. Oui. C'est pas qu'elle était vieille, d'après elle. Oui, d'après elle. En même temps, il y a des émissions de télévision qui ont 6-7 ans qui sont vieilles pour Kevin. Pour ceux qui ne comprennent pas, il faut aller revoir le podcast Science sur indestar.fr. Il y a presque moins que des vieux, quoi. Alors, qu'est-ce que t'appelles vieux? Bah, vieux, genre 20 ans, quoi. Tu te fais des ennemis aussi. Là oui, t'as des ennemis. Hein. Tu veux avoir ton micro de coupé pour la soirée là ou non, c'est bon. Non, par contre, je sais que ce soir tu vas emmener Wood Mike au restaurant, si j'ai bien compris. Ouais, on va faire un petit dîner tous les deux. Petit dîner aux chandelles. Oh. Alors, chandelles, on m'avait prévenu de surprise. Là, c'est une surprise. Idestar, c'est plein de surprises. On s'attend pas forcément à tout ce qui va se passer. Il y a un peu de tout, oui. Oui, il y a un peu de... D'ailleurs, tu veux nous parler quoi, toi, Kevin ? On va aller dans le futur avec moi. On va aller... Non, on va y retourner. Oui. On va encore vieillir. Retour vers le futur. On va retourner vers le futur. Bah, je sais que t'aimes bien cette trilogie. Ouais, totalement. Ça m'inspire énormément, ouais. Oui. Mais avant ça, je propose qu'on parle un peu de toi. Et pour ça, Daniel, je crois qu'il sait très on bien même. Parler de toi. Oui, Daniel on et aime. Kevin même. Oui, on est même deux. Oui, on a dit on va le prendre sous un feu croisé, tant qu'à faire. Hein. Alors, j'ai cru que t'allais dire autre chose au début, ça allait être très bizarre. Ils vont expliquer qui est Wood Mike. Ouais, alors, mode PK Avenger, évidemment. Mode PK Avenger, ça veut dire que... Ouais, attends-toi au pire. Alors, voilà. Surtout n'hésite pas à intervenir, hein. Ne fais pas le timide. S'il y a des erreurs, n'hésite pas à nous rectifier. Parce que sinon, les gens vont croire que les conneries qu'on raconte sont vraies. Ok. Et fais gaffe, vu qu'on en dit beaucoup. Je coupe quand même. Ah, voilà. Si c'est décalé, couper, décalé. Ah, S'ils okay. disent que t'es parachutiste, que tu sautes tous les soirs, tu, vois, ah tu peux leur dire non, ça, non. tu vois. Non, okay, là tu peux. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut que je. Ah ouais, tu voilà. peux les interrompre. Okay. Hein, ouais. Si okay. par exemple, dans ce qu'on oui, dit, il y a une erreur, tu nous coupes. Par okay. exemple, on donne un exemple. Tiens, oui. tu commences par une question, oui. Kevin ouais. Quel est le point commun entre le Roi Lion, Henri Matisse, Johnny Cash? Bon mec. Bien, t'es le dit. Point commun, le point commun. Oui, okay. bah oui, bah, mec, c'est, ouais. c'est toi, c'est notre invité, oui. Par exemple, c'est ça. Voilà, alors. Rentrons dans le plus sérieux quand oui. même maintenant. Hein. Alors, Wood Mike est né le 17 février 1992. C'est vieux ah. c'est... Alors, il est né le petit. Alors, je dis petit, excuse-moi, parce que tu m'as pris avec âge, l'expression ouais. je suis petit dernier. Alors, personnellement, j'ai horreur de cette expression parce que j'ai eu droit aussi. Mais je dis petit parce qu'à l'époque, t'étais pas grand. Ouais, c'est ah, pas faux, mais je suis pas ouais, je suis toujours pas grand. Ouais, mais C'est ouais. bien du côté de Bourges que t'es né. Exactement. Voilà. Donc nos infos sont bonnes. Hein. Mais il s'est passé quoi un 17 février À part ta naissance, oui. tu sais ou pas? À part ma naissance, ouais, il y a Ed Sheeran qui est né. Billy Joe Armstrong aussi. Le chanteur de Green Day. Bon, il le sait, je croyais oui. y apprendre un scoop. T'as raté ton coup. Et en ouais. fait, t'es né au printemps. À Bourges, pas au printemps de Bourges, mais au printemps à Bourges. Au printemps à Bourges, ouais, on est en... ouais, c'est l'hiver, mais il fait toujours beau à mon C'est un hiver printanier, tu vois. C'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un printemps à Bourges, d'ailleurs. Oui. Hein, exactement. Pour ceux qui n'ont pas compris. Alors, le 17 février 1863, est né quelqu'un qui a créé une organisation qui. Alors, peut-être pas l'organisation directement qui t'intéresse, mais tu as œuvré dans l'humanitaire. Ouais. Sais-tu ce qui s'est passé le 17 février 1863 1863 C'est vieux, d'accord, t'étais pas né. Nous non plus, on te rassure. Alors, Abraham Lincoln. Non, c'est Henri Dunant. Okay. Henri Dunant a réuni la conférence à Genève qui allait être à l'origine de la Croix-Rouge. Ça okay. s'est passé un 17 février. D'accord. Certes. Mais il y a eu d'autres choses aussi le 17 février. Thomas Edison. Donc forcément, il a fait des choses aussi. Enfin un qui avait la lumière. Oui. Et à tous les étages. Et quelque chose, il a inventé quelque chose d'important. Le phonographe à cylindre. Oui, pour la musique, pour les chanteurs, c'est oui. très intéressant. C'est quand même l'origine de beaucoup de choses. Voilà. Il y a eu d'autres choses aussi. Il y a eu la naissance de Taylor Hawkins, batteur du groupe américain. Pas Taylor Swift. Non, pas Taylor Swift. C'est peut-être un peu jeune. Mais batteur donc du groupe américain des Foo Fighters. Alors ce qui est assez curieux, c'est qu'il est né le même jour que Billy Joe Armstrong. En 1962. C'est vrai que oui. Ouais. C'est qui ? Alors on a 20 ans d'écart, mais c'est une grande inspiration pour moi. Billy Joe Armstrong, à son âge. On a trouvé des choses quand même rapport qui ont peut-être influencé quelque part ta carrière finalement. C'est un chanteur ? C'est un chanteur, Billy. Billy Joe Armstrong, oui. Chanteur et guitariste du groupe Green Day. Okay. Tu sais pas ça, Teddy? Je connais ni Green Day. Mais tu sais rien, vraiment. Non, mais il s'occupe de Peck Avenger en musique. Moi, je fais les boutons, mais alors là, voilà, c'est déjà pas mal. Faut que ça soit les autres qui les fassent. Ouais. Alors, Mike, t'as grandi au milieu, faut bien le dire, des batteries, des mandolines et des pianos. Totalement. Ah. Ouais. J'avais une mandoline, moi aussi, mais c'était pour cuisiner. Je me disais, les deux premiers éléments, il est né dans une cuisine. C'est ça le délire. Ouais, et la cuisine, justement, dans ta famille, c'est quelque chose d'important. Trop important, toute ma famille est plongée dans la cuisine. Donc, plongée, la cuisine. Allez, pas mal. Bravo. En même temps, la musique, c'est de la cuisine aussi. Hein. Exactement, ouais. C'est de l'art, je le dis souvent. Ouais, alors en effet, c'est pas idiot qu'il soit en scène dans la cuisine, parce que en cuisine aussi, il faut suivre la partition pour avoir de bonnes notes gustatives, évidemment. Ah, merci. Ça, c'était très drôle. J'espérais que quelqu'un en rigole quand même. Mais d'un autre côté, Mike dit que ça ne valait pas un clou de devenir marteau. Ça y est, il rigole, il a compris. Pourtant, c'est bizarre, je rigole pas quand tu dis. Non, mais toi, c'est normal. Tu peux la refaire. Bah, ça valait pas un coup de devenir marteau. Il va expliquer. Pourtant, dans l'atelier de menuiserie de ton père, donc de ton papa, que t'as eu la révélation. Tu t'es enfoncé un clou avec un marteau. Exactement, non. Non. C'est le bois, on travaille énormément de bois. Mais tout commença par un rock des années 50. Oui. Exactement. Alors, est-ce à dire sur une radio concurrente. Voilà, on avait toujours dire le poste. Oui, ton papa s'appelle Johnny et c'est un Bigood menuisier. Johnny Bigood. Ouais. Tu peux nous raconter quelque chose dessus? Alors, ouais. est-ce que ton nom de scène donc viendrait de cela, le fait que tu es Wood au début de ton alerte nom? Spoiler. Alors, c'est pas de Johnny Bigood, mais c'est ni Chuck Berry, c'est c'est le bois qui cette matière que j'adore parce que il y a une senteur, il y a une il y a tout, une texture. Bah, et puis tu as des instruments que tu utilises qui sont aussi faits de bois. Hein. Le bois et la musique. La résonance. Mais rassure-nous, t'es pas fait de bois. Ma langue, oui. Mais dis-moi, comment tes parents ont réagi lorsque c'est ton grand frère qui leur a appris que tu voulais devenir chanteur et pas cuisiner? Pas cuisiner ou cuisinier? Cuisinier. Ouais. Oui. Ouais. Non, j'ai mangé le i. Voilà. C'est une anecdote. Et quand tu es le dernier de la famille, que tu as toute la famille qui est dans la cuisine, à chaque fois, on me disait le petit dernier, il va être il cuisinier. Va faire comme les autres. Et je me souviens d'une fois où je n'ai rien dit du tout. Et mon grand frère, mon frère aîné qui était à côté de moi, il me fait. Il leur répond à ma place, en fait. Il fait non, moi, il va être chanteur. Il va être chanteur et puis je le regarde et puis je me dis ouais c'est pourquoi ça en fait, je vais être chanteur. je vais tout faire en tout cas. Putain, heureusement qu'il a pas dit autre chose. est-ce que tu joues de la batterie parce que ça aurait pu être un rapport avec la cuisine? Je fais pas mal de batterie. Ouais. C'est des instruments, cuisine, hein. Oui. Instru aussi. Ça marche les cuillères quand on tape sur les gamelles. Totalement, avec les cuillères. C'est ce que j'apprends à mon fils en ce moment. On tape sur les gamelles. Ouais. Il tape sur les gamelles et c'est ça. Alors, à 16 ans quand même, tu t'es lancé. Je comprends pas, il y a une histoire de tremplin, t'as voulu devenir skieur professionnel, saut au tremplin. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas trop compris. Le tremplin, ouais, 2008, on fait un tremplin. Le délire, c'est que dans notre petite ville, parce que c'est une toute petite ville, ils ont fait une fête de la musique le 21 juin 2008. Et ce jour-là, ils ont mis des scènes partout dans la ville. Et nous, on avait, je dis nous parce qu'avec mon premier groupe Eliga, on était trois. Et on avait envie de jouer de la musique, vraiment faire de la musique. Donc il y avait des scènes et on baladait les batteries, les guitares un peu partout pendant toute la journée. Entre temps, on a fait un concert avec le pote guitariste, avec l'école de musique, donc guitare classique. Et après, on est revenu sur scène et le soir, il y a eu un tremplin. Tremplin, donc concours, il y avait des mecs d'Orléans, des mecs de Tours, il y avait des mecs de Paris, et nous on était là, tous les petits jeunes qui le premier groupe, qui débarquaient. Et le délire, c'est que le soir, le jour, au moment du tremplin, il y avait un passage de 30 minutes, et là tu joues et tu tronches à côté, histoire d'attendre le soir le verdict. Et nous, le délire, c'est que on a fait ces 30 minutes, c'était super chaud. Et instantanément, on s'est pas rangé comme les autres. On est parti sur une autre scène. Donc on a couru, on a pris. On s'est barré. Le batteur, il s'est barré avec la batterie. On n'avait pas le permis à l'époque, donc tout le monde a suivi. On a pris la guitare. Mon pote guitariste avait pété une corde. Bref, on se met sur une scène. C'était une remorque. On se met dessus. On commence à s'accorder. Mon pote, il change sa corde. Et là, le problème, c'est que 5 minutes après, il y a des mecs, tous les potes qui viennent. Ils viennent devant la scène. Ils disent, mais les gars, il faut revenir sur scène. Je dis, mais attends, on va jouer là. C'est parti. Là, on va refaire un set. C'est parti, quoi. Mais non, mais mec, vous avez gagné. Mais attends, on va jouer. Attends, on refait un concert. Venez tous. Mais tu comprends pas. Et là, il me prend. Donc, j'étais sur la scène. Il était en bas. Il me prend les épaules. Il me dit... Mec, t'as gagné le tremplin. Vous avez gagné le tremplin. Et là, je me retourne vers Gaëtan, le guitariste. On se regarde. Et il y avait le groupe juste avant qui rangeait son matos. On regarde la guitare à Gaëtan qui était avec une corde cassée. Et là, le mec, c'était le groupe éphémère en trois lettres. Et là, il lui donne sa guitare. Le mec d'éphémère, il donne la guitare à Gaëtan. On se regarde. Et là, on s'est fait une course-poursuite. On a couru avec nos guitares à la main. Mais on a vraiment fait toute la ville. Tous les gens nous voyaient. Et puis voilà, on est arrivé sur l'esplanade avec cette scène. Tout le monde nous a accueillis, mais comme des héros. De dingue, quoi. Comme Les héros du jour, les héros du jour. Ouais, c'était ça. Et puis on est revenu sur scène. Et puis ouais, c'était un gros délire. On avait le trophée, gros délire. Ouais, grosse anecdote. D'accord. Donc on ne peut pas parler de toi sans évoquer un voyage aussi qui a une grande importance. Nilakotai dans le Tamil Nadu, un état du sud de l'Inde. Donc désolé pour la prononciation, mais je ne sais pas celui-là. C'était en live, mais il a pas répété en fait. Hein. J'en étais très loin ou pas très loin, Woodnack? C'est très loin, mais ouais, Nilakotai dans le sud de l'Inde. Ouais, oui, l'Inde, c'est très loin, je confirme, il n'y a pas de problème. Il y a eu une expo en photo aussi, en noir et blanc. Mais pourquoi le noir et blanc? Parce que les fleurs de jasmin, elles sont blanches? Elles sont blanches, c'est un monde, un pays riche, coloré. C'est un voyage sensoriel, tu as des senteurs qui inondent, vraiment un voyage sensoriel, des couleurs partout, des pubs partout, il y a des panneaux publicitaires mais colossaux. Et c'était le parti pris, c'était je suis parti en Inde, je pensais pas du tout faire une expo, je voulais pas faire une expo, enfin je me suis pas dit ça de base. Ouais. Mais j'avais tout le temps avec moi mon appareil photo, ma caméra, un peu comme j'irai dormir chez vous. Chaque fois que je me baladais dans les marchés, dans les villes, dans les villages. Il y a toujours un lit pour dormir à la maison, il n'y a pas de problème. C'est plus pratique quand même. Maintenant, c'est j'irai chanter chez vous. C'est ça. C'est ça. Et le délire, c'est que je me suis aperçu en fait en revenant de l'Inde que j'étais braqué sur les regards des Indiens, les mains, les pieds. Je faisais beaucoup de photos et beaucoup de portraits. Et donc après voilà, j'ai décidé d'en faire une expo parce que c'était tout un truc parce que le président de l'association Asie me disait mais Michael, il y a beaucoup, ça fait 15 ans qu'on fait des expositions, on a 20 000 photos, en quoi ton expo peut être une expo En quoi ça peut être différent, en quoi, qu'est-ce que tu peux apporter? Et je lui raconte cette histoire des regards, des portraits, des mains, et il me dit bah écoute, ça n'a jamais été fait. Et en plus de ça, je lui dis, écoute, cette expo sera totalement noir et blanc. D'accord. Ça veut dire, donc j'ai créé ma patte artistique à travers cette expo. Et il me dit, bah écoute, c'est inédit parce que toutes les photos, les 20 000 photos que nous avons jusqu'à présent, c'est en couleur. Donc là, voilà, c'était enlever la couleur. C'était enlever la couleur. Le délire, c'est ça, c'est d'enlever la couleur pour capter toute la lumière. De ses visages, de ses regards, de ses vies. Les mains, c'était tirer la vie à travers voilà, tout ce travail qui sont dans les mains. Oui, parce qu'on avait imaginé d'autres choses aussi, du noir et blanc. On s'est dit, c'est peut-être aussi parce que les notes de musique sont noires et blanches. Hein. Exactement. Ça pouvait être ça aussi. On a même été imaginé, les artistes ne roulent pas sur l'or. On s'est dit, il n'a pas de sous pour acheter un appareil photo du bureau de couleur. Hein. Il n'avait plus de... Ouais, je suis toujours en argentique et là pour le coup j'ai eu un numérique et donc j'ai joué avec les défauts du numérique. Parce qu'il y a des défauts dans le numérique. Totalement, ouais, les pixels, il y a des choses qui sont que j'ai pu. Ah oui, suivant les définitions. J'ai pu contourner. Suivant les définitions, oui, peut y avoir. Totalement. Très joli coup d'œil alors pour repérer ça quand même. Bah, il faut un bon dictionnaire pour les définitions, non? C'est mieux, oui. Et alors, il y a une autre histoire aussi sur ça, sur le noir et blanc, mais on pourra peut-être le dire plus tard. Alors, suite à ces photos, on a constaté que tu aimais beaucoup l'école parce que tu y es même retourné pour exposer. J'y suis retourné pour exposer. Alors ça, c'était top parce qu'après après un super vernissage à la Galerie Pictura, on m'a appelé pour cette école. Et puis là, voilà, montrer l'expo, voir tout ça... faire voyager les enfants, voilà, c'est ce que je cherchais aussi. Voilà, d'ailleurs, oui, c'est vrai, là, c'était prévu un peu plus tard dans la biographie, mais non seulement il y a ça, mais tu enseignes aussi, donc tu retournes retourné. Ouais. Voilà, tu retournes vraiment, t'adores l'école, alors. Hein. C'est fou. Mais tu enseignes quoi? Moi, c'est ça, la vraie question que je pose. Bah oui. Les profs de musique. Ah, exactement. Et de guitare, plus particulièrement, il me semble. Alors j'ai été prof de guitare, j'ai commencé comme ça, prof de guitare, prof d'éveil musical pour les tout petits. Guitare, ça allait de 7 à 314 ans. Ouais. Parce que ouais, voilà, pour moi on peut jouer de la guitare de 3 ans à 314 ans. D'accord. Et t'as inventé. C'est bon pour toi, Daniel. J'y suis retourné là. C'est bon, voilà. Là je suis enseignant en collège, musique. Ouais. T'as inventé aussi ce qu'on appelle le Photo Music Tour, mais c'est quoi le Photo Music Tour? C'est une expo photo en spectacle à Tours? Photo Music Tour, c'était au passé parce qu'il y a eu cette pandémie. Ouais. Mais Photo Music Tour, c'était, je mettais l'expo dans un lieu et je faisais le concert. Voilà. Au même endroit. D'accord. Un concert. Donc, le concert n'avait rien à voir avec des musiques de l'Inde. C'était des musiques que vous allez entendre ce soir. Ouais. Mais voilà, c'était mettre de la musique et l'expo. Et puis, ouais. C'était en entendant les hologrammes, on peut dire. Ouais, parce qu'on a imaginé que la photo c'était toi sur scène. Voilà. Et puis comme il n'y a pas d'hologramme, bah, une photo géante au lieu de l'ancêtre. T'avoir sur scène. Ça peut permettre des choses. Les gens comme ça ils t'écoutent en te voyant quand même. C'est quand même. Ça peut être une solution. Oui, c'en est quand même. Faire 4 concerts en même temps dans plusieurs villes, on va y songer. Voilà. Alors bon, on rappelle que tu es auteur, chanteur, compositeur, multi-instrumentiste français. Photographe, dessinateur même je crois aussi, cuisinier. peintre, cuisinier. Fait de la peinture sur le, c'est le côté noir et blanc en fait. Ça a été, c'est tiré du dessin au marqueur noir sur feuille blanche. Ça évite de se tromper sur les couleurs, t'as raison. Voilà. Donc alors, selon tes termes, donc mêlant la old folk des années 50-60 à la bonne pop moderne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment en es-tu venu à construire un tel univers ? Sur musical ou... Musical, oui. De mélanger. Bon, je sais que on peut faire du métal rap, on peut faire plein de choses. Mais ça, donc, métal on est en France. D'accord. La country, c'est déjà pas quelque chose de courant. C'est pas commun. Chez nous, du moins. Et donc, la folk, mélanger donc, tous ces courants-là, donc, c'est un petit peu... Comment, est-ce que ce sont des morceaux de musique que tu as entendus, qui t'ont inspiré, donc, comme on a parlé de Johnny Cash, on a parlé de gens comme ça, est-ce que c'est en les entendant que t'es venu cette idée, et éventuellement après en gratouillant sur ta guitare, que tu as fait des essais ? Le truc c'est que la folk, la country, elle est venue à moi, j'en écoutais forcément, parce que papa il adore la country, mais... C'est venu à moi, c'est-à-dire j'étais à fond dans le rock au début. Pour moi, à l'âge de 8 ans, je disais à mon grand frère, je fais écoute, quand je serai jeune ado, je ferai du rock et puis je ferai à 40 ans du reggae parce qu'il faudra avoir de l'expérience et être posé. Et pour le coup, voilà, j'étais à fond dans le rock, rock français, et après ça a viré rock californien, punk rock, surf rock. Ouais. Jusqu'au jour où j'ai eu un drame qui a fait que j'ai écrit en 5 minutes une musique folk, ma guitare et un harmonica. D'accord. Je vais, pour finir, une dernière chose à évoquer. Tu as déjà collaboré avec des gens quand même connus de la scène française. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Ouais, j'ai eu la chance de partager des scènes et des répétitions top avec Taras Bulba. Donc Taras Bulba, c'est mené par Mathieu Paulus, qui était à la base appelé Abraham Sirinix dans Les Négresses Vertes. Donc c'était suite à la mort de Ennio, le chanteur, Les Négresses Vertes, voilà, ils étaient orphelins. Ils voulaient faire de la scène, toujours continuer la musique. Ils ont lancé Taras Bulba, le plus grand big band français. Qui est basé à Montreuil, et je suis allé sur Taras Bulba grâce à mon frère aîné qui aime Kaza, qui chante du reggae à fond. Il m'a entraîné dans cette aventure où là j'étais guitariste, donc là j'étais plus sur le devant de la scène, mais guitariste rythmique, soliste. Et dans ce groupe il y avait Mathieu Paulus le tromboniste, mais il y avait aussi beaucoup de gens, dont Ben des Maximum Quet, qui est pas très loin d'ici, en plus il est dans la Touraine. Par contre, vu qu'aussi avant l'émission on s'est eu au téléphone et tu nous as parlé un peu d'un rêve, c'était une émission un peu décalée, une interview décalée un petit peu. Totalement. Ça tombe bien vu qu'on a Thierry qui est là. Je vais te cuisiner. Voilà. Mais avant d'aller cuisiner, on va écouter Gifla Zombie, qui est une reprise des Cranberries. On va avoir soin des stars. Kevin, le plus geek des animateurs de Peck Avenger, jusqu'à 23h sur Indestar. C'est le seul de l'émission à avoir une chaîne Twitch. Nous sommes sur Indestar, donc jusqu'à 23h, même 23h30, au rythme où c'est parti. Oui, c'est bien parti pour effectivement. La demi-heure de PK, on va l'appeler maintenant. Oh, la demi-heure, tu peux... Vas-y, augmente, mets le 3 quarts d'heure. Bon, le 3 quarts d'heure, alors ouais. PK. Mais ce soir, donc, c'est pas une émission classique, vu qu'on a Wood Mike avec nous. C'est vrai. Yes. Où, là, justement, on a fait un peu une bio approximative. Bah approximative, vous me connaissez trop bien, les gars. Ouais, approximative, bien comme il faut. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça allait, on n'a pas fait trop d'erreurs. Limite, vous me connaissez mieux que moi. C'est hallucinant. Alors là, ça peut être. J'en apprends sur moi ce soir. Écoute, ouais. Bon, écoute, tu auras des interviews à préparer, tu nous appelleras. Oui, et on te donnera les détails. Je suis aussi bluffé par tout ce qu'on peut trouver sur toi. Moi, j'avoue qu'en très peu de temps, effectivement, on peut apprendre pas mal de choses. Et en plus, on peut écouter des choses. Enfin, oui. Voilà, t'es quelqu'un qui a mis quand même un peu de choses. Qui a donné beaucoup d'infos, qui a divulgué. D'ailleurs. Si on les a loupés, Oui. C'est ça que tu allais dire ? Alors, non, j'allais dire si quelqu'un a des questions, il peut nous appeler au 09 70 407 306. C'est vrai. Et si on les a loupés, ces infos, si on a loupé la bio approximative, qu'est-ce qu'on peut faire ? Allez sur indestar.fr pour écouter les podcasts qui sont sur Spotify, Deezer. Ouais. Oui. PK Avenger a des podcasts. Oui. Alors, podcast, tu réécoutes à l'infini et au-delà. C'est ça. Exactement. Okay. Non, ça, c'est Buzz l'éclair, ça. Oui, à l'infini et au-delà. C'est pas faux. Il a la référence. C'est et là, pas c'était Kaamelott. Référence à Kaamelott. Un collab là-dessus. Laisse tomber. Ouais. Mais donc là, on va un peu quitter le monde des références pour se diriger vers le monde de l'interview décalée de Thierry. Oui, on va pouvoir. Qu'est-ce que tu nous as trouvé ? On peut avoir l'impression que je raconte n'importe quoi parce que j'ai posé des questions qui partent dans tous les sens. Mais je pense que c'est à toi de donner les réponses que tu veux pour qu'on apprenne des choses sur toi. Et de toute façon, si tu ne me dis pas ce que j'attends, je compléterai. Parce qu'on va bien dans le sens que l'on veut. Je te suis. Voilà. Je te suis. Et en toute chose, il y a son contraire, donc on peut dire tout et son contraire. Je peux commencer par une question ? Vas-y. Oui, vas-y. Pas en chocolat ou chocolatine ? Et figure-toi que non, que je l'avais pas écrite, mais juste avant là, qu'on écoute une musique, je me suis dit, et si je la rajoutais celle-là ? Et j'avais même pensé, Daniel ou Kevin, en fait, tu vois des questions un peu comme ça. Du coup, t'es pas au chocolat ou chocolatine ? Alors ça va. Bah écoute, je vais juste te raconter parce que j'adore aller à Osgore, j'adore aller sur la côte. Ouais, basque. Ouais, côte basque. Et là, pour le coup, je me suis fait rembarrer. Je me suis fait rembarrer là cet été. Je demande des pots au chocolat, s'il vous plaît. Et puis là, on me dit. Et puis et là, je suis tombé devant la boulangère, mais la plus stoïque et la plus horrible de France, oui. Qui me dit avec un regard ultra sombre. On n'en vend pas. C'est chocolatine ici. Ouf. Chocolatine. Je regarde, fait bah oui, je vais prendre ces chocolatines alors. Oui, c'est truc. Chocolatine. Voilà. Bon bah 3 pains au chocolat s'il vous plaît. Cette ça finit comme ça et je suis reparti. Et là elle te donne des pains de 400 grammes avec des tablettes de chocolat à côté. Ouais, c'est ça. Et vous allez les faire vous-même. Donc à savoir ça, c'est la question que Teddy pose à tout le monde. Ah mais je savais pas qu'il avait une vraie anecdote. Souvent les gens, tu vois, ils vrai, sont vrai. Bah ouais, du coup ouais, c'est comme ça. Décalé mais vrai. Bah je t'avoue que ça m'arrive aussi de le faire par chez nous mais on s'en inverse. Je dis ah bah non, on en a pas de ça des chocolatines. C'est salaud. Là pour le coup, j'ai un collègue qui un collègue de français qui en a eu marre aussi de cette question et qui a mis dans la salle des profs une carte de France avec voilà les pains au chocolat et voilà la région chocolatine, voilà on sait où on va maintenant. Mais du coup, t'es team pain au chocolat. Du coup, je prends des croissants maintenant, je prends plus le risque. Ça marche aussi comme ça. Je croyais que t'apprenais à parler l'étranger directement sur la carte, c'est pour ça. Totalement. Non. Mais bon. Si quelqu'un sait qu'à un endroit en France, on n'appelle pas les croissants des croissants, appelez-nous. Ce serait intéressant. Histoire de. Voilà. Je vais creuser l'histoire, mais je crois que. Ouais, attention. Ça peut. Je vais rechercher pour plus tard, mais. Peut-être que dans une région, les croissants ont une forme, peut-être aussi qu'il n'est pas une forme de croissant. Il s'appelle pas croissant, et... ouais, bon. Ça m'étonnerait pas du tout. Je suis sûr d'avoir déjà entendu parler quelque chose du genre. D'accord. Je verrai ça plus tard. On en redira dans avec dans le nombre de spécialités, alors, s'il y en a autant que des fromages. On confie la mission au journaliste d'investigation Teddy Anonymous. Sur la boulangerie, je veux bien. D'accord. Bon, alors vas-y, va étudier et nous, on va revenir à nos moutons. Oui, on va se faire une petite mise en jambe, même si l'émission est déjà démarrée. C'est-à-dire qu'avant d'aller dans les questions, tu pourras développer. Là, je veux pas de développement, je vais te donner des alternatives parce qu'il faut faire des choix. Et en fait, tu vas me dire, sur les deux mots que je vais te dire, tu vas m'en donner un. Et je m'arrêterai à peu près à une dizaine de mots. Et là, tu pourras en choisir un ou deux pour donner des explications. D'accord ? Donc, oui. C'est comme un top chrono où tu me dis, par exemple, je te dis acoustique ou électronique ? Acoustique. Bon. Photo ou vidéo ? Photo. Son ou image ? Les deux. Audio ou vidéo ? Les deux. TV ou radio ? Ouais, radio. Naïf ou abstrait ? Abstrait. Crayon ou peinture ? crayon ou peinture ? Crayon ou peinture ? Crayon peinture. Bon, en un mot. Pique-nique ou resto ? Pique-nique ou resto ? Pique-nique. Vin ou apéro ? Vin. Apéro. Sachant que tu peux prendre le vin en apéro. Thé ou café ? J'aime beaucoup les deux, allez, café. Sucré ou salé ? Le café ? Tu vas peut-être mal calé. En même temps, j'en ai fait une petite dizaine. Bah, fais-moi une synthèse. Le café salé, j'ai pas testé. Explique-moi quelque chose par rapport à ce qu'on a fait, quelque chose qui te concerne et qui peut intéresser les gens pour connaître un peu quelque chose de toi. Dans tous tes goûts, parce que j'ai été beaucoup dans la cuisine. Hein. Donc, salé ou sucré ? Ouais, quels sont tes goûts culinaires ? Je suis beaucoup trop gourmand là pour le coup. C'est ce que je disais à mes parents et à mes frères. C'est vous êtes les cuisiniers. Moi, je fais ma part. C'est-à-dire, moi, je vais manger derrière. Donc, je suis le public. T'as pas le plus mauvais boulot quand même. Hein, qui consomme, ouais, comme un grand gourmand. Ouais, tu es partage ou est-ce que tu manges beaucoup seul ? Comment je partage à fond. Je préfère, ouais, totalement, partager. Et il y avait des questions au départ un peu sur les techniques et les arts. Alors je sais que tu touches à beaucoup de choses et je t'ai entendu parler d'art dans notre interview notamment. Mais quelles sont les techniques que tu préfères ou celles que tu utilises le plus ? Qu'est-ce que tu penses entre les arts ? Est-ce que tu as des préférences ? Comment tu gères tout ça ? Parce que tu touches à beaucoup de choses, mais... Ouais, je pars d'une esquisse, toujours une esquisse. Je pense que c'est le mot vraiment pour tous les arts, c'est-à-dire d'un trait de crayon par rapport à ce que je vois. Je fais une photo sur un dessin et ouais, je pars de ça. C'est quoi un artiste pour toi ? Un artiste ? Ah, ça c'est une question. Un artiste, c'est une remise en question. L'artiste, c'est... Tiens, je vais te répondre sur une journaliste qui m'a questionné il y a quelques jours. Je lui dis un peu tout mon parcours et puis là elle me dit vous êtes donc un artiste complet. Et là je la reprends, je fais non, je suis pas complet, je suis juste curieux, amoureux, passionné. Et à partir de là, c'est parti. T'es pas comme Lepin, c'est ça ? T'es pas complet. Hey ! D'ailleurs, c'est pas le boulanger qui doit la faire. C'est moi qui suis censé la faire. Mais j'en profite pour saluer tout le pain qui nous écoute tous les jeudis soirs, notamment. Le pain ? Oui. Bah oui ? Bah oui, vu que les personnes peuvent manger en nous écoutant et souvent on a du pain en mangeant. C'est vrai. Vu qu'on pense jamais au pain, bah moi j'y pense. J'ai jamais vu de pain avec des oreilles. Mais bon, oui, mais ça peut arriver. Ouais, bah ça t'empêche pas de faire un pain avec des oreilles. Sachant que les Français de la France profonde vont manger du pain avec des féculents, ça les dérange pas. C'est ça. Les Français tout court, c'est ça. Bah oui. Du pain avec des nouilles. Moi. Des pains avec des nouilles ? Vraiment ? Mon Dieu, j'en connais qui font ça. J'en connais qui font ça. Mais oui. Deuxième petite série. On refait. Et puis après, tu commentes. Direct ou podcast ? Ouais, les deux sont pas mal quand même. Parce que j'adore l'énergie du direct. Parce que t'as des faux pas et puis c'est marrant. Rien n'est plus vivant que après, le direct. Après le podcast, c'est vrai que j'utilise beaucoup le podcast. J'ai pas mal de routes pour aller au travail. Pour le coup, ouais, ça me permet d'écouter plein de choses que j'ai ratées. Et puis, le podcast de l'émission, tu pourras le réutiliser comme tu voudras. Mmh. Totalement, sur Spotify notamment. Oui, ou sur indestar.fr, tu trouveras tous les liens. Allez, on se fait une série sans commentaire, tu commentes après. Français ou anglais ? À quel niveau ? Ah ben, français ou anglais. Au niveau que tu veux. Français. Allez, intérieur ou extérieur ? Extérieur. Chaud ou froid ? Chaud. Nord ou sud ? Bah, sud. Faune ou flore ? Les deux. Réel ou virtuel ? Réel. Pain ou brioche ? Ça sent la chocolatine. Pain. Mon influence, t'es. Vélo ou voiture ? Vélo. Instagram ou Twitter ? Non, je dirais même skateboard. C'était pas dans la liste. Sortez de ma boulangerie immédiatement. Instagram ou Twitter ? Instagram. Citadine ou SUV ? Oula. Alors attention. Bah, j'aurais dit la citadine, mais là je suis un nouveau papa, donc je vais te dire SUV. SUV citadine. SUV citadine, ça existe. Je crois que tu viens de. Alors oui, si, c'est sûr que ça existe. Ouais. Mais bon. T'as pas écouté Starter, toi. Ça... Starter, l'émission du lundi de 21h. Dernière question route. Nationale ou autoroute ? Nationale. Ouais. Ok, tu commandes ce que tu veux. Okay. Tu commandes ce que tu veux maintenant. D'accord, alors je tenais juste à dire, effectivement, le lundi, il y a une émission qui s'appelle Starter, de 21h à 22h, et en vrai, on a une petite haine des SUV, hein, des SUV, comme on est bien. Ouais. tu peux écouter si tu veux un podcast, hein, c'est sympa. Voilà, c'était la petite promo. D'accord, ok. Mais... C'est une émission écolo ou... C'est une émission non. sur les bagnoles. C'est une émission D'accord. sur les voitures. Ouais, effectivement. Une émission moteur, on va dire. Oui, oui c'est ça. Moteur, ouais, sachant que nous sur aurons des bientôt une spéciale qui ne sera pas sur les voitures, mais sur les avions. Oui, hmm effectivement. Qui sera, je sais qui pas, sera un vendredi prochain, d'ici un mois, je crois. Mm-hmm. D'accord. On va bien s'amuser. C'était la petite promo gratos. Ouais. C'est ça, ouais. Il faut. Je vais te donner des petits papiers. Okay. Où il y a écrit par exemple questions existentielles, questions culinaires, etc. Tu vas choisir un thème qui t'inspire ou pas. Et de toute façon, comme les questions seront complètement à côté des thèmes, tu ne sais pas à l'avance ce que je vais te poser et tu répondras comme tu pourras. Okay. Tu peux piocher comme tu peux regarder, ça n'a aucune importance. Mais voilà, j'ai fait une dizaine de thèmes différents. Je dois lire ? Ouais. Question artistique. Question artistique, ça t'étonne ? Bon. Très original. Dada ou Dalida ? Qu'est-ce que c'est que le dadaïsme ? Ça te dit quelque chose ? Dada, les années 20, pas les années 20 maintenant, mais il y a un siècle. Dada, c'était quelqu'un qui voulait totalement se libérer des contraintes. Vous savez, il y a des genres en peinture, en photo, etc. Et lui, il voulait absolument sortir de ça. Donc, je me disais, est-ce que t'étais plus à la liberté à outrance, ou est-ce que, comme Dalida, t'avais un espèce de destin un peu tout tracé ? Alors, j'espère que t'iras pas jusqu'au tragique, mais voilà. Est-ce que t'aimes les choses tracées, ou est-ce que tu te dis non, on verra bien et tu fonces quoi. Oh, je fonce. Je préfère ne pas savoir ce qui se passe après. Ça permet d'y aller. Est-ce que tu as l'impression que ça s'est passé un petit peu comme ça ? Moi, je sens un peu quand tu te dis bah tiens, oui, j'avais quelque chose de tout tracé dans ma famille à la cuisine, je pouvais tout à fait suivre et en fait, j'ai pas totalement suivi, même si je fais une sorte de cuisine. C'est vrai. Il me semble que ton voyage en Inde aussi n'était pas forcément prévu ou tracé comme il s'est fait. Il me semble avoir lu et entendu des choses dessus, mais je te laisse raconter parce que c'est quand même plus intéressant de ta bouche. Ouais, totalement. C'est pas prévu du tout. Mais c'est ce que j'aime aussi. Je suis un mec de challenge qui se lance toujours des défis. On ne sait pas. Je suis en mode Hakuna Matata. C'est-à-dire, je prends... Ouais, j'y vais. Et comme tu disais, la curiosité... Alors moi, je me dis, donc pas dans un mauvais sens, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit, tu as une ouverture d'esprit suffisamment grande et puis tu n'as pas peur de toucher à tout. Donc, c'est de l'opportunisme dans le bon sens, quoi. Tu te dis, tant qu'il y a de la création à faire, allons-y, essayons, puis on verra bien ce qui se passe. C'est ça. Et je pense que c'est comme ça que, d'ailleurs, tu peux rencontrer le plus de monde possible et avoir le plus d'ouverture. Hein. Je pense que c'est ce qui fait qu'on est là d'ailleurs nous sur cette radio aussi, hein. On n'est pas venu par hasard. Ouf. Mais c'est vrai que avec le recul, c'est vrai que tu te dis que ouais, peut-être que tout était tracé finalement, parce que je... Tu crois au destin ? Quand tu veux être Bah écoute, c'est assez bizarre parce que je suis là ce soir. En tout cas, il y a des connexions. Ah bah c'est sûr que c'est bizarre, ça, hein, d'être ici. Mais c'est Non mais tout est connecté, après plus ou moins, tu peux te rendre compte, en tout cas par un moment tu peux te dire effectivement, si je suis dans le milieu artistique, c'est parce que j'ai peut-être ce goût pour la liberté. Enfin, on peut toujours voir les choses comme ça, comme on peut aussi pas se poser de questions et vivre les choses. Extraordinaire dans ce métier. D'ailleurs, j'ai utilisé le mot métier. Avec l'art, tu peux être, je le dis souvent à mes élèves, c'est tu peux être n'importe qui, tu peux être n'importe où, quand tu veux, où tu veux, et c'est extraordinaire. Tu peux être qui tu veux, peu importe les arts, peu importe voilà, que ce soit un acteur, que ce soit un peintre, un danseur, un musicien. C'est extraordinaire et ça donne, voilà, tu peux tu peux lancer plein de choses et tu peux voilà. Et il y a en fait ce côté universel hein, que quand tu choisis une langue, tu peux te heurter au fait qu'il n'y a pas de transversal, sauf que on se rend compte souvent que les langues, à moins d'être lointaines, ont des croisements hein, on se retrouve avec des choses communes, mais quand tu choisis quelque chose de visuel ou sonore ou bon voilà, c'est ce que j'aime dans ce, pour moi c'est un langage universel, la musique notamment. Quand je suis allé en Inde, je parlais pas le tamoul qui est la langue de base, ils parlaient anglais avec un anglais très hindou, donc c'est très marrant. Oui. ils disent pas be free, ils disent be free. Et par contre, ouais, autant je savais pas parler tamoul, autant je savais pas parler français. L'anglais était compliqué au début, il a fallu quelques jours pour vraiment s'imprégner de l'anglais indien. Et autant quand je lançais une rythmique, quand je lançais l'harmonica, bon. Mais c'est Bob Marley qui le disait. Regarde avec la cuisine, et si on n'arrive pas à communiquer, on se met à table. Et il y a plein de choses qui se passent, et les regards à ce moment-là communiquent. C'est ton destin d'ailleurs, t'aurais pu être cuistot demain. Je crois que ton destin avait prévu que tu sois cuistot demain. J'aime beaucoup cuisiner aussi. Il aime beaucoup manger aussi, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Question Thierry. On pourrait continuer. Oui. Il t'en reste combien à faire, vu qu'autrement j'allais te proposer. Ouais, allez, encore une, et puis. D'accord. D'accord. Mais après, si on se fait pas tout, c'est pas grave. Non, mais je pense, enfin, vous avez vu une petite question qui a l'air comme ça de rien, mais on peut aller chercher plein de choses. Allez, on en fait une, et puis après, on ira écouter un peu de musique. Oui. Ouais, où tu regardes, tu dis tiens, par tu exemple. Choisis, tu pioches bon, au hasard. Tu as fait au hasard et tu es tombé sur artistique. Je pense que là, le hasard n'existe pas. Bah déjà, quand on sait qu'il est né 20 ans après une de ses idoles, jour pour jour. C'est peut-être pour ça que c'est son idole. Il a peut-être choisi pour ça. Peut-être, va savoir. Regarde, moi, par exemple, mon joueur de foot. Il y a beaucoup de papiers intéressants. Oui. De toute façon, c'est Thierry, donc. Les ça questions peut être peuvent être intéressantes. Voilà. Le personne n'est pas très intéressante, mais le reste y est. J'hésite entre ces trois. Je dirais en tout cas que j'ai suffisamment d'ouverture d'esprit pour aller chercher dans tous les coins et recoins du monde, même les choses que tu aurais cachées. Entre ces quatre-là. Eh bien, écoute, allons-y, tiens, allez, philosophique. Alors, la question philosophique. Si tu étais un animal, resterais-tu à l'état sauvage ? Si tu étais excellent. Un animal, resterais-tu à l'état sauvage ? J'adore cette question. Ouais, moi aussi. Ouais. Alors, à l'état sauvage, parce que, attends, les animaux sont beaucoup plus intelligents qu'on ne le croit. Là, c'est état sauvage, mais l'état sauvage, finalement, il s'ouvre totalement avec l'humanité. Donc, il y aurait un peu des deux. Ouais. Tu serais quel animal, Hugo ? Quel animal ? Pourquoi tu t'es imaginé là ? Franchement, en tortue de mer. Ça, je m'y aurais pas attendu. Ça a été cherché beaucoup trop. Ouais. Juste pour savoir, pourquoi la tortue de mer, c'est un lien ? Par exemple, vu que moi je sais qu'il y a des personnes où leurs animaux préférés c'est les tortues, est-ce que. La tortue lutte, du coup ? Tortue de mer, on est d'accord, c'est celle-là. Hein. Ouais, j'adore le lion. J'adore le paresseux. J'adore aussi, la tortue de mer. Je trouve que cet animal est majestueux. Alors, pas toutes les tortues, mais la tortue de mer, je trouve qu'elle est extraordinaire. Surtout dans l'eau, j'aime l'eau, j'aime nager, j'aime le surf, tout ça. Mais la tortue de mer, je trouve que c'est majestueux et ça vit très longtemps aussi. Alors, la tortue de mer, est-ce qu'elle vit en groupe ou est-ce qu'elle vit en solitaire ? Alors, c'est ça qui est paradoxal pour le coup. Pour répondre à ton paradoxal, t'as une question paradoxale. Elle vit solitaire. D'accord. Il y a un côté groupe, mais ça se regroupe. Pour se reproduire. Parce que ce qui m'intéressait là, sur le mot sauvage, si tu veux, c'était se dire sauvage, je veux pas dire comme Bafondia, ce sont des sauvages, une connotation négative. Ouais. Ça peut être loin des humains, mais parfaitement organisé. Il y a des animaux qui vivent parfaitement organisés. Après, qui se cassent pas les couilles en permanence comme on le fait, mais qui réfléchissent à des choses bien plus importantes, mais qui sont capable de prendre soin les uns des autres sans avoir besoin d'organiser une énorme société. Non, c'est ça. Ouais, je pense qu'il faut rester naturel, authentique et vivre. Ouais, tu dis, on se casse bien assez les couilles. C'est vrai que ouais, faut... je suis très Hakuna Matata, c'est-à-dire. Ouais, ça se voit. Hein. Oui. Faut... Ouais, non, mais c'est vrai. Remarque... J'adore le Roi Lion à ce niveau-là. Tout à l'heure, c'est mon prophète. C'est ce que j'allais dire. Tout à l'heure, tu parlais du lion, Hakuna Matata, ça va totalement avec le lion. Attends. Ouais, c'est ça. Il y a un truc qu'il faut savoir là-dessus. Oui. J'ai un côté lion. Rafiki, il prend Simba dans ses, dans ses bras et il montre à tout, enfin tout le monde a cette image-là, on est d'accord. Oui. Quand il prend le lion et voilà, il montre. Est-ce que t'as fait la même chose avec ton fils? Moi, je l'ai fait, j'avoue. T'es monté sur le rocher. J'ai rêvé ce moment. Je l'ai tellement rêvé ce moment que. Je l'ai pas fait. Ou je l'ai fait dans ma tête. Je l'ai fait, ouais. Je l'ai fait dans ma tête. J'ai chanté. Mais non, ouais, j'attends un moment dans pas longtemps. Tu vois, il a 11 mois, il va avoir un an dans quelques semaines. D'accord. Là, je pense qu'à ce moment-là, ouais. Bah, la tortue va nager dans le bonheur. Moi, j'ai fait. Fais-le par surprise à sa mère en mettant un pied sur le lit et tiens, voilà. C'est ce que j'ai fait. J'espère, chérie, que tu n'écoutes pas en direct, du coup, tu es au courant de la surprise. La boulette. Ouais. Ouais, faut se laisser vivre, faut. Mais toujours dans le partage. Oui, je serai pas solitaire. J'aime mes moments de silence, de pensée. Alors silence, c'est intéressant. Mais j'allais t'interviewer, te dire, il y a des sons. Il y a des gens qui travaillent sur les sons sous-marins, la musique même sous-marine. Ils essaient de détecter un petit peu ce que peuvent dégager les êtres. Moi, j'ai étudié ça il y a pas très très longtemps, mais c'était pas sous-marin. C'est quand on a parlé, quand j'ai parlé des arbres, on a parlé des champignons, etc. Et qu'il y avait des gens qui mettaient des électrodes et qui essayaient de percevoir des choses. Le bruit de champignons. Et il y a des gens, en tout cas, une circulation de quelque chose, hein, puisqu'ils se sont rendus compte que genre les arbres par exemple communiquaient, enfin se diffusaient les nutriments, etc., à travers les champignons. Il y avait une circulation de quelque chose, et comment capter cette circulation? Est-ce qu'il n'y avait pas des ondes différentes qui pouvaient faire des sons, etc.? Bon, mais sous la mer, on sait qu'il y a des sons. Et je me dis, bon, toi qui es intéressé par ça, et quand j'écoute ta musique, c'est vrai que je trouve qu'on est bercé par des sons qu'on n'a pas forcément l'habitude d'écouter. Écouter, mais peut-être quelque chose à faire là-dessus. Oui. Et... C'est John Cage qui disait que dans le silence est un son. Parce qu'il n'y a pas. Finalement... Comme le blanc est une couleur. Ce que j'allais dire, c'est comme au Japon, il y a un proverbe, c'est le silence est d'or. Et la parole est d'argent. C'est les deux vont ensemble. Si le silence est d'or, c'est une très belle musique de Blancas que j'aime. Si t'as de l'argent, je prends. Non, mais on a de la musique. Ça va, il nous laisse. C'est en fait, ça va avec tout. On a besoin du silence pour apprécier le bruit et la musique. Et dans une musique, on a besoin qu'un instrument s'efface un peu pour avoir cet état de manque. Je pense à la basse notamment qui pulse énormément de bout en bout. Et à un moment, on enlève la basse pour créer ce manque. Alors, c'est instantané, donc on ne le sait pas, on ne se dit pas qu'on est en manque de basse. Mais à un moment, on va avoir la basse qui va revenir. Et là, on va faire beau. Et puis on va oui, on a besoin de variations comme dans la vie, c'est-à-dire que les gens qui pensent que le bonheur c'est quelque chose de constant, non, tu peux pas le ressentir vraiment si tu n'as pas des variations, hein, et donc des moments où tu vas regretter les choses. Ouais. C'est marrant. La nostalgie est importante. Oui. Ouais. C'est marrant quand même que t'as parlé de musique. Ça me permet d'écrire aussi. La nostalgie, on a besoin. Oui, il a dit, c'est marrant que t'aies parlé de musique. C'est marrant que t'aies parlé. Parce que c'est peut-être ce qu'on va écouter là maintenant. Je reviendrai. Oui, bien sûr que tu reviendras. Bien sûr, cette interview n'est pas terminée. Mais j'aimerais bien savoir ce que ça donne. Voilà, Mike avec une guitare et avec un looper motion. C'est bien ça. Je me suis pas trompé. Loop Station. J'étais pas loin. Ça peut se faire aussi. Loop pour la boucle. Oui. Non mais ça c'est. Oui, parce qu'il fait des boucles de son. Ça, oui. Ça c'est comme le pain au chocolat et puis la chocolatine pour Teddy. Hein. Il invente des mots pour. Oui. Donc moi ce que je propose c'est qu'on t'écoute. Tu t'installes et on va brancher la vidéo parce que on va enregistrer. Bien sûr. Oui. Et tout ça sera disponible effectivement sur notre page Facebook, sur notre YouTube, notre chaîne YouTube. Vous aurez plein de choses à réécouter et à revoir. Beaucoup de choses, oui. Voilà. Et à diffuser. On te laisse t'installer. Après, on te laisse t'installer. En attendant, on va faire ce qu'on fait de mieux. Ouais. Meubles IKEA, meubles. Non, c'est bon, j'arrête. J'ai acheté des meubles IKEA par contre. Non, vraiment. Lundi. Fallait la faire, elle. J'ai acheté pour mon fils. Et achetez-les avant que ça augmente parce qu'ils ont annoncé une augmentation de à peu près, je crois, 10% sur tous les meubles. Alors, petit aparté là-dessus, IKEA, faut savoir qu'il y a un truc assez. bizarre. Je suis passé la semaine dernière acheter, enfin, je voulais acheter des meubles, hein, des armoires pour mon fils, voilà, pour faire dans sa chambre. Ouais. Et il se trouve que il les avait pas, ils étaient en rupture de stock. Ouais. Donc bon, je me suis, ouais, je repasserai. C'est quand que vous avez de nouveau du stock? Oui. On dit le lundi 24, c'est bon, pas de problème. D'accord. Ok, bon bah je reviendrai ce jour-là. Du coup, lundi 24, j'y retourne. Voilà, hop, je vais voir la même personne. Ouais. Et j'ai dit bonjour, je viens voir si vous avez des armoires et tout. Mmh. Bah non, on les a pas reçus. Vous avez été voir sur internet si le transporteur est arrivé? Oui. Je regarde, mais je travaille pas Ikea. Mais j'ai pas internet. Non, non, je travaille pas Ikea. J'ai pas vérifié vos livraisons, bordel. Et elle me dit, ah, mais si, si, on le dit à tous les clients. Ah, ouais, alors. Ah. Personnellement, vous m'aurez dit d'aller voir sur internet, je m'en rappellerai. C'est sûr, parce que je l'aurais pas fait. Donc, mais la meuf, fallait que j'aille, comment dire, vérifier pour elle si ils ont, ouais, reçu les produits. Fallait que t'ailles faire son boulot, quoi, limite. Ouais, non, mais c'est ça. Du coup, j'en ai eu marre, j'ai pris deux autres trucs et je me suis barré. Et ton fils, ça a été, il s'amusait, ouais, ouais, tout autant. Disons qu'on a, on a l'impression que c'est un peu comme sur les sites internet où tu sais pas s'il y a des gens derrière et tu as la quantité restante, le délai de livraison, etc. En fait, tu te dis, c'est encore pour supprimer du personnel ou quoi, là? Ouais, non, c'est n'importe quoi. Dans tous les cas, je tiens à rappeler que vous pourrez écouter cette émission en podcast sur indestar.fr, oui, sur Spotify, avec sur Deezer, Podcast Addict. Voilà. Sur toutes vos plateformes de podcast, voilà. Ça y est, Indestar, c'est partout. Voilà. C'est pire que des champignons. Wood Mike, où est-ce que tu es prêt? À fond. On a entendu des morceaux la de guitare. La question, c'est est-ce que vous êtes prêt? Alors, je oui. sais pas. Moi, oui, personnellement. Est-ce que le matos est prêt? C'est ça la vraie question. To all when then you want to feel the second without shine sense collect wrench stuck me all the time. You're only one and you're not person that the embrace to all when then you that the embrace to all when then you. From passionate guy, but I'm not a roader. Let's go. Every night right away. I have to find you down the way. I fall out to the letter. I fall out to the letter. All out you tell me. I want you in my memory. Don't be afraid, I have good mind. I'm far from being passionate and got another water. Yes, I. Wouh! Je crois qu'on va appeler les pompiers. Il y a un incendie dans le studio. C'est l'incendie d'Indestar, c'est oui, normal. C'est... À Indestar, il y a toujours ça quand on a des artistes. Ouais, c'est le feu. Wood Mike, t'as mis le feu. Ah oui. Ça fait super plaisir parce que ça fait deux, trois. On compte plus les années maintenant de pandémie. Et ouais, ça fait du bien de faire de renouer. Avec un public, un petit public, mais un grand public en même tu temps. Tu dois faire un live. Ça fait du bien. Non, mais attends, il y a tous nos millions d'auditeurs qui sont là. Ah non, mais attends, c'est vrai, c'est mais vrai. Mais quelle énergie, quelle patate tu donnes. Je veux dire, puis nous, on a la chance d'être juste à côté de toi. Waouh, wow, ouais. Tout ce qu'on a pris, c'est énorme. Là, je suis un peu bousculé. Je ne sais pas comment ça va s'enchaîner dans les questions. On l'a pris dans la gueule, dans les oreilles, partout. Mais ça fait du bien. Merci beaucoup. Ouais. C'était Eager Eye, la musique. D'accord. J'ai cru qu'il allait dire c'est tout pour moi. Salut. Le petit lâcher de micro après. Eagle ça, Eye. Ça fait du bien. Eagle Eye, regard désireux. Regard des yeux. Désireux. J'ai. Mais t'as compris quoi? Yeux d'aigle. Non, mais en même temps, Jedi. C'est. Qu'est-ce qu'on va leur demander ce qu'ils comprennent à l'anglais? Quand tu vois comment ils lisent les titres qu'on diffuse. Ah non, mais toi tu sais pas. C'est ah, vrai non, que. Ben non. Ah bah oui, tu t'en es pas rendu compte, on n'a pas beaucoup diffusé encore. Attends, t'auras le temps de le voir tout à l'heure, mais c'est vrai que les lancements de Kevin sont un peu spéciales de musique. Alors, non, l'anglais, lui, c'est... Et le pire, c'est que je fais des efforts. Oui, c'est vrai. Ça le pire. Eh bah encore, peut-être n'en fais plus. D'accord. Non, moi, ce que j'avais... j'ai une petite question. Là, tu nous as interprété ton titre Eagle Eye, je me suis pas trompé. Eagle Eye. Eagle yes. Eye. C'est bien tel. Est-ce qu'on peut le retrouver quelque part, ce titre? Alors là, pour le coup, ce qui est assez fou, c'est... Non. Ouais. Dans les bonnes boulangeries qui vendent des pains au chocolat. Uniquement en podcast, chocolat. En podcast bientôt. Ouais. Non, d'accord. C'est un titre de l'album que je faisais sur scène. Ouais. Je dis faisais parce qu'il n'y a plus de concert en ce moment. Ouais. Mais ouais, là, en fait, ce soir, je vais dévoiler. C'était une avant-première. Tout mon set. Ouais, tout mon set, mais il y a quelques musiques que je dévoile enfin. Voilà, parce qu'il n'y avait que en concert que je la jouais celle-ci. Et tu dis en podcast bientôt, mais oui, en podcast très vite, puisque nous allons avoir ne serait-ce. Nous allons filmer, hein, et nous allons avoir demain, en plus le podcast radio. Demain donc, ou après vous allez pouvoir réécouter, revoir. Vous allez pouvoir en exclusivité. Ouais. Le voir et l'entendre. Autant que vous voulez, et puis vous pourrez lui envoyer des messages. Allez, il a des sites. Ou même déjà, si ce soir vous voulez réagir, n'hésitez pas à nous appeler au 09 70 407 306. Ouais. Et encourager les artistes qui ont la patate comme ça, ça fait du bien. Mais Puis ça fait du bien de t'avoir avec nous ce soir. C'est plutôt cool. Mais c'est un grand grand plaisir partagé en tout cas. J'ai entendu un mot tout à l'heure. J'ai entendu le mot album. Oui. Et je veux savoir. Je veux tout savoir. Album. Je commence par quoi? Comment ça a commencé? Tu parlais d'un site là pour le coup. C'est vrai qu'on a tous vécu, nous les artistes, chanteurs, interprètes, mais tous, avec cette pandémie, on a eu 2 ans avec les confinements, etc. Ouais. On a pris le temps. Là, pour le coup, j'ai pris le temps. J'ai pas chômé là, pendant ces 2 dernières années pour travailler sur l'album, travailler sur le site internet, Instagram aussi. Il n'y avait pas de concert, mais on n'a pas chômé. Je crois que les réseaux par moment ont même surchauffé parce que beaucoup de gens ont essayé de communiquer avec l'extérieur sans être à l'extérieur quoi. Ouais, c'est parti très très vite, en très peu de temps. Et c'était aussi, il y avait des à-coups des derniers concerts, les dernières petites tournées, derniers tremplins aussi. Ouais. Tu aurais même pu faire de la cuisine en chantant, quelque chose comme ça. Parce que je suis en train de penser aux gens qui se sont mis sur leur balcon, mais même d'autres, même des acteurs qui ont joué toutes sortes de personnages dans leur cuisine, dans leur appart, qui se sont aménagés des mini-salles de sport, enfin, qu'on fait de tout et n'importe quoi, et finalement qu'on fait des sketchs. Ouais, totalement. Pour le coup, moi j'en ai fait un. Ça finit en sketch. J'ai voulu faire un live un peu comme tous sur Facebook, et en fait ça a foiré grave. Ça a vraiment chié. Mais après... ça a l'air saigné, tout ça. J'étais en décalé, c'était n'importe quoi. Donc voilà, j'ai appris ça, le live. Instagram, Facebook, etc. Ça a permis de faire des tests. Oui, vu que tu parlais de live, vu que moi je suis sur cette plateforme pour le live, mais Twitch, t'as jamais. Entendu parler. Alors c'est autant c'est vrai qu'il y a tous ces réseaux Facebook. Oui. C'est vrai que j'ai un Facebook, j'ai un Instagram, j'ai un Twitter. Il y a tous ces trucs comme Twitch, etc. Ouais. Mais j'aime bien me concentrer sur un réseau. Sur un seul réseau, ouais, et faire bien. De toute façon, tu peux pas. Déjà deux, c'est déjà beaucoup à gérer. Déjà deux, c'est compliqué. Il faut vraiment choisir. Et là, moi, j'ai un peu de mal, j'avoue, avec la radio. Là, je reprends les communications Facebook pour qu'elles soient bien, etc. Texte, mais Insta, une fois de temps en temps. Enfin, sinon, je vais voir les autres. Gérer toutes les communications sur tous les réseaux. Moi, je communique pas, c'est réglé. Je voudrais faire une exclue, là, une info. Le PK, quand même. Attention. Heureusement que Thierry est là, parce que s'il y avait que Teddy. Oui, c'est vrai que... Teddy me vanne beaucoup pour mon anglais, mais en français, il est pas mieux, limite. Ah, mais je communique même pas, comme ça, c'est réglé. Mais c'est vrai que je suis pas très communicatif. C'est à ce moment-là que je vous laisse, les gars. J'ai merdé. Là, c'est le règlement de compte, là. J'avoue, ça me dérange de réclamer des publications, mais cette semaine, je l'ai fait parce que je me suis dit, si personne n'annonce ce qu'on fait, ça va pas aller. Encore le rater. Il y a une publication qui était faite, mais qui dépendait pas de moi. C'est ce que j'allais dire, c'est pour ça que ça a été fait. Oui, mais c'est parce qu'en fait, fallait quelqu'un d'un plus haut level pour le faire. On va peut-être. C'est pour ça que j'ai demandé au président qu'il a fait ça. On va peut-être refermer l'instant règlement de compte, quand même. Oui. On tirera à balles réelles plus tard. Non, en tout cas, qu'est-ce que vous pourriez dire Finalement, j'ai pas parlé de l'album. Oui, mais l'album, il est en cours de préparation. On l'a commencé en 2020. D'accord. 2020, on a pris le temps, en fait. Après, on a été coupé finalement à cause des couvre-feux, etc. Ouais. Parce qu'on n'est pas dans la même région. Ouais. J'enregistre à La Perret à Maitré avec Rudy. L'ingé son qui me supporte bien, qui supporte tous mes coups de gueule sur ce que je veux. Et non, je dis coups de gueule, mais en fait on est c'est vrai que les caprices de star, mais hein. c'est top parce qu'il me connaît, il sait ce que je veux, il sait et puis c'est un partage. J'ai toujours vu la musique comme ça, c'est-à-dire même s'il y a eu d'autres groupes, etc. Même si je compose, si j'écris, si je chante, je laisse toujours les pattes pour les autres. Je veux pas imposer quelque chose. Il y a juste deux trois trucs, il faut absolument qu'il y ait ça parce que je les entends, en fait, les musiques dans la tête. Mais après, voilà, c'est chacun peut rajouter forcément son grain de sel pour venir à la cuisine. T'entends des trucs dans ta tête. Donc ouais, c'est cool, ouais. C'est un partage, c'est vraiment un partage. Et puis c'est des putains de moments, quoi, en studio, live. Donc la manière, la création, le procédé de création artistique est un truc très exaltant, très vivant. C'est jouissif. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est puis l'album, là, je le vois comme c'est un enfant, c'est un bébé que j'ai chéri vraiment depuis des années. Et que tu vas porter en haut de la falaise. on sait pas où on va, mais on y va. Ça, et c'est ce que ça prend un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est on sait pas, mais en attendant, on se fait kiffer, on se fait du bien, quoi, et on vit. C'est ça qui est important. Est-ce que tu aurais envie, que ce soit possible ou pas, est-ce que tu aurais envie de collaborer avec quelqu'un qui est déjà un peu plus connu pour un projet? Ta collab de rêve. Ouais. Peu importe qui. Je sais pas pourquoi j'attendais cette question. T'as le droit de dire Teddy, Thierry. Alors je te déconseille. Pour le coup, j'ai chanté Whitney Houston. C'est pas Whitney Houston, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Je te déconseille tout le monde qui est ici dans le studio. Je ne pensais pas forcément à une star internationale. Peut-être quelqu'un qui est passé par où tu es passé. Je peux faire des suggestions. Commence à être connu. Je peux faire des suggestions. Non. Des artistes. Des anonyme. Artistes, des stars, genre Ted Baker, MC Tukif, non, non. Big D, non, non. Non. J'ai cru que t'allais dire Big Deal. Non, non. Ça aurait pu. Alors, tu vois, tout ça, ce sont des personnages qui sont joués par le monsieur qui est assis discrètement. Alors non, il y a pas. Non. Il y a Théo qui doit nous écouter. D'ailleurs, on l'embrasse s'il nous écoute. Il y a Teddy qui en fait un et Daniel qui en fait un aussi. Voilà. Ted Baker, c'est moi. C'est mon nom de scène. Et Big D, évidemment. Ah, un appel. Un petit coup de fil. On va décrocher, on va voir ce que ça donne. Alors, si j'y arrive. Allô ? Oui, allô ? Bonjour, qui est à l'appareil ? Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Oui. Qui es-tu ? J'en ai connu. Bonjour, oui, là, j'écoute la radio depuis tout à l'heure, là. Oui. Et vous dites à Wood Mike que la plus grande star avec qui il a joué, bah c'est moi. Mais... Je suis son frère aîné. Oh non, le frère de Wood Mike. Ah, on a parlé de toi déjà. Ouais. Oui. Comment t'appelles-tu ? Comment ? Oui. Mkaza. J'ai pas compris. Mkaza. D'accord. Eh ben, d'accord. Enchanté, bienvenue sur Indestar. Donc oui, c'est toi la plus grande star avec qui Wood Mike a chanté ? Bah ouais, je crois, hein. mais il l'a pas dit, c'est pas cool. J'ai pas répondu à la question. Eh ben, tu vois, c'est vrai qu'il a pas répondu. Je viens de lui poser la question avec qui il voudrait. Eh ben, ça se trouve, il allait dire. J'y ai promis le Zénith à Paris, puis je l'ai emmené à Fonzé, dans un petit village. Ah bah oui, mais t'as pas précisé si le Zénith c'était le point le plus haut du soleil, peut-être à Fonzé, voilà, sur une petite colline. Et ben, mettez la foule, mais on en parle encore de Mike, et c'est pas une tortue, lui c'est un timon. Tu le mets sur un rocher avec une guitare, tu vas avoir de la femme partout. Il attire les sirènes. Parce qu'il est beau gosse en plus, non ? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Si vous allez voir les images du live, effectivement. Oui, mais il est déjà pris, il faut le dire aussi. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est ballot. Alors, mes timons sur Pumba, bah là, c'est. C'est la totale. Là, c'est plus sur le rocher, alors c'est carrément sur Pumba. Ouais, là, c'est fini. Moi, j'évite d'imaginer parce que c'est bizarre. Quand il est avec son Pumba, ouais, ça me dit. mais c'est qui son Pumba ? Parce que j'aimerais bien savoir. Bah, c'est lui. C'est le petit gros, c'est son frère. Ah, bah, d'accord. D'accord. Et donc, voilà. Toi aussi, tu chantes un petit peu, toi ? Un petit peu. Ouais. T'es dans plus... la cuisine ? Oui, c'est ce que j'allais dire, plus dans la cuisine. Dans la cuisine, ouais. La cuisine à fond, mais il chante énormément. Ouais. Voilà, c'est un speed dingue. Tu chantes dans la cuisine, en gros. Non, tu chantes dans la cuisine. J'ai une meilleure question. T'écoutes du Wood Mike dans ta cuisine ? Ça m'arrive d'écouter du Wood Mike, ouais. Ah, c'est un bon supporter. Ça, ah bah ouais. Bon. Eh ben, c'est un truc de fou, là. C'est un truc de malade. Mon frère, mais tu me fais trop plaisir. T'imagines même pas, tu me fais tellement plaisir, mon frère. Mais ouais, non, mais c'est la sortie de mer. Parce que, c'est un truc de fou. Que toi et l'océan, c'est cool, tu vois. Toi, t'es un chanteur d'air, en fait. Voilà, tu chantes de l'air. Tu vas partout. Tu te mets sur un petit courant et puis hop. C'est un courant d'air, alors on a compris. C'est le vent voilà. qui m'emporte. Voilà. Ouais, et non, mais là, Timon, c'est. Je préférais te voir en Timon, quoi. Ouais, toi, t'es. En vrai, je crois. Le pire, c'est que j'y ai pensé. Tout le monde qui sort des trous, tu vois, tac. C'est un suricate, Timon, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Excellent. Non, mais c'est un truc de malade, là. C'est cool, elle est sympa, la radio, c'est cool. Bah, merci. Eh ben, on te remercie, en tout cas. Des bons petits animateurs, j'espère que vous faites des millions d'audience ce soir. Oh, des milliards même des fois. Voire même plus. Hein. Il suffit que les podcasts soient emportés par le vent sur tous les océans et voilà, parce ça sera distribué. Et en plus, ce soir, on a tous les suricates et les qui nous écoutent. Alors, et les surimi aussi. Et mon frère, t'écoutes en live, mais il y a les petites nièces, c'est top. Ah bah ouais. Ma belle-sœur, mes nièces. Et, si le reste de la famille veut appeler même à 2h du matin, vous y allez. Hein. Oui, c'est vrai. Non, ça fait trop plaisir. On sera peut-être plus là quand même à 2h, mais il n'y a aucun problème. Vous pouvez tous nous appeler. Je vois pas 09 70 407 306. De rien, Teddy. Faites exploser le standard. Et faire comme le frère de Wood Mike, surtout. Et d'ailleurs, on te remercie beaucoup. On te remercie, oui. C'est génial, merci. Bonne soirée à vous. Eh ben merci. Merci à toi aussi, merci de nous avoir appelés. On te fait des bisous. Salut, ciao, ciao, dédicace à tous les auditeurs qui vous écoutent. Oh, c'est gentil. Merci mon frère, je t'aime. Ciao, ciao. Salut. Salut. Merci beaucoup, super. Qu'est-ce que tu veux faire après ça, toi? Tiens, question culinaire. On m'avait dit que déjà qu'il je rirais dans cette émission, mais putain, je pleure aujourd'hui. Déjà qu'il on a la totale. Non, mais si tu veux, on peut te laisser un peu de temps pour t'en remettre. On peut mettre une musique. On peut mettre une musique. Comme ça, on aura le temps de redescendre un petit peu. Voilà. Comme ça, la pression. Et puis après, je te cuisine légèrement. Je profite pour faire une dédicace à un autre frère. Ouais, David, voilà mes deux frères. Si ça se trouve, on l'aura tout à l'heure. Si ça se trouve, oui. À tous les frères de sang et tous les frères de cœur. C'est ça. Ouais, les frères de cœur aussi. Mais non, franchement, ça fait waouh. Putain, ça marche le standard sans déconner. Ça. Ouais, alors ça marche quand je c'est un vrai numéro bouton, et tout. Ouais. Ouais. C'est une vraie radio, les gars. Si je l'allume, ça marche. Oui, parce que des fois, il oublie en fait. Bah, j'oublie tout le temps. Mais en attendant, on va voir Chromeo Greenlight. Oui, ça c'est de la musique sur Indestar. Le jeudi soir, 21h, passé au niveau supérieur. PK Avenger, level 2. Nous sommes sur Indestar, donc pour PK Avenger artiste. Oui, ça redémarre. Ça y est, ça. Oui, okay. Ouais, bon, c'est fast. Hein. Ça y est, on est à fond. C'est ultra calé, mais je voulais la faire. À force, oui, on est réglé. Oui. Donc les premières, tu voulais pas faire la reprise à la place de Kevin. Non, si je voulais juste. Pourquoi pas après. Hein. Ah, mais tu vois, il s'installe. Faire le mec pas calé. Il se dit d'un seul coup, il y a des gens qui m'écoutent, ça se passe bien, j'ai mon frère qui m'admire. Et moi, je vais prendre la place de Kevin, il se dit. Non, mais faut tout, si tu veux, tout à l'heure, tu pourrais faire un lancement. Moi, je trouve ça intéressant. Oui, Mike qui fait de la radio à la place de Kevin. Par exemple. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, t'affole pas. Mais là, on va aller faire un petit tour dans une saga que t'aimes bien. Bah, dans une trilogie, même. Trilogie, ouais, que j'adore. Je vais mettre une musique qui bouge plus. Alors, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il fait, là? Je veux une musique qui bouge plus. D'accord. Pour Retour vers le futur, bordel. Oui. Marty mais... Bon, je me suis dit, on va pas faire un truc tout simple, juste expliquer ce que c'est. J'ai été chercher des anecdotes. Mon de Dieu. Par exemple. Yes. Alors, t'as quoi comme anecdote? Retour vers le futur. Ouais. J'en ai... Vas-y. J'en ai 6. Donc évidemment, la dernière, c'est par rapport à la DeLorean, vu que je me suis dit que c'était mieux de finir avec ça. Ah bah, il se trouve que j'ai peut-être une question dans mon quiz qui concerne la DeLorean. Mais bon, ouais, mais c'est bon. Mon petit côté starter. Ça, ouais, ça mais change du toi, SUV. Ça y est, ça quitte plus. Ça change du SUV, effectivement. Une DeLorean SUV, ça doit non, pas non, être non, mal. Non. Arrêtez les conneries. On va commencer avec l'américain. Comment ça, c'est une citadine. Oui, mais on va commencer par l'américain Calvin Klein et le français Pierre Cardin. Calvin Klein. Oui. Ouais. Donc, lorsque Marty se réveille, donc Marty qui est un des personnages principaux, lorsqu'il se réveille dans la chambre de Lorraine, elle l'appelle Calvin Klein. Pourquoi? Parce qu'il y a son... C'est... Pierre Cardin. Pierre Cardin. Oui, justement, j'explique après. Donc, c'est parce que c'est écrit ça. Elle sur ne sait pas comment il s'appelle, donc elle dit le nom qui est sur les sous-vêtements. Chose que tout le monde ferait dans ces cas-là, j'ai presque envie de dire. Oui, bien sûr. Ah, il y a le nom de cousu dessus, waouh. Le film a été diffusé dans beaucoup de pays, et les marques, forcément, n'étaient pas toutes mondialement connues. Ouais. Donc, par exemple, pour Calvin Klein aux États-Unis, nous, en France, oui, pardon, c'est Pierre Cardin. Ouais. Et en Espagne, c'est Levi Strauss. Bah, je l'ai pas vu en espagnol, mais. Non, moi non plus. Ouais, même si tu le vois pas en espagnol, maintenant tu sais. Maintenant que... tu sauras que c'est. Ah ouais, le délire, je vais le regarder en espagnol juste pour ça. Juste pour ça. Levi Strauss. Ouais. Okay. Et c'est en québécois aussi, ça. Alors en québécois, je te l'encourage. Tabernacle. Tabernacle. Le coup excellent. Du caribou. Tout est drôle en québécois. C'est... Ouais, c'est ça, tout passe. Forcément, ça c'était un peu la première anecdote pour un peu se mettre dans le bain. Voilà. Pour descendre au bon niveau. C'est dans le slip de bain. Par exemple. Donc après, il y en a une autre où forcément il y a des marques, toujours des marques, et encore des marques dedans. Donc retour vers le figure, donc figure sur le podium des films qui ont effectué un très grand nombre d'un placement de produits. Que ce soit Nike, Mattel, Pizza Hut, Toyota, Black and Decker, etc., etc. Mais il y a également la marque Pepsi qui a créé le Pepsi Perfect spécialement pour le film. Ok. Ah, parfait. Oui. C'est trop la réponse. Ça... Ok. Parfait. Alors là, on en revient. Autant pas, on veut tous les Nike de Marty McFly, hein, c'est sûr, mais ouais, Pepsi Perfect. Ça te tente pas? Non, non c'est, mais je, ouais, je sais pas ce qu'ils peuvent changer dedans en fait. Ah, bah, c'est perfect. Bah, hein, c'est juste perfect. Voilà. Perfect et sans bulles ou avec trop de bulles. Alors, oh, du Pepsi ouais, sans bulles. Je connais pas le Pepsi Attention. Perfect. Par non. contre, je sais qu'il y avait un Coca-Cola qui était fluo. Bleu fluo. Oui, il y a eu une histoire de ah Coca bon fluo. Ouais, oui. Ils l'ont ah arrêté bon, très vite. Ouais, ouais, ouais. Bah, il siffle le truc. Fallout s'en est inspiré d'ailleurs pour faire le Nuka-Cola. Oui, le Nuka-Cola, ouais. Et ouais, bleu fluo, ça tenterait pas non plus? Non, ça, là tu me dis Coca bleu fluo. Moi je pense tout de suite à la brosseur qui s'appelle oui, le Steph. Ah non, Steph. Autant pour non, moi. Non, pas ouais, le Steph, tu sais, ce petit bonhomme avec des lunettes sur la bouée. Non, tu vois pas? C'était un soda dans les années 90. Ah ouais. Ah ouais. Ah mais je suis jeune hein. Mais il y a il y a une marque de soda Power quelque chose, je sais pas quoi là qui Power fait Raid. Des trucs vert fluo bleu machin. Ouais, oui, c'est Power Raid. Ouais, Power Raid. Ouais. Alors faut pas confondre le Coca bleu fluo avec Oui. Ouais, il a été vite supprimé parce que ça marchait pas. Donc c'est pas la seule marque qu'on voit dans Retour vers le futur 2 lorsque Marty se trouve en face d'un cinéma bah du cinéma même de Hill Valley. On peut percevoir plusieurs affiches. Donc il y a E.T. l'extraterrestre notamment dedans. Lol. Oui. E.T. ok. Oui. Rencontre du troisième type, dont okay. Spielberg est le réalisateur aussi. Ouais. Ce même cinéma a d'ailleurs diffusé Les Dents de la Mer. Oui. Également, donc de Spielberg également. Également. Des films voilà. Les Dents de ta mère. Il y a un dentier sur l'affiche. Oh. Et il y a une autre vitrine qui présente des objets anciens. On a donc un jeu vidéo des Dents de la Mer ainsi qu'une peluche Roger Rabbit dont le film est réalisé, je vous le donne dans le mille. Par Spielberg. Putain, ça a été étonnant. Oui, en même temps, Spielberg, il en a fait des choses. Eh, oui. Il faut qu'on fasse une émission en cinéma et qu'on aille chercher. Story. Il y en a une de prévue, un cinéma, Thierry. Ah bon? Ouais, non, mais il faut. Alors, je sais plus la date, mais il y en a une. Il faut faire une spéciale qui dure 6 heures. Tu l'animeras T'aimes bien le cinéma, toi, Wood Mike? Co-animerais. Ouais. Ouais. J'y allais très souvent avant la pandémie. Oui. Et puis, ça, c'était avant. Puis après il y a eu la pandémie et puis le fait d'être papa aussi. Ouais, j'ai arrêté le cinéma, mais ça. Mais manque, pas la ouais, chanson, c'est... tant mieux pour nous. Non, pas la chanson, mais ouais, j'adore le cinéma, me plonger dans une salle. Alors quand tu feras des clips, cool. tu reviendras au cinéma. Ouais. Ouais. Bon. Ah putain, c'est comme Game of Thrones là, c'est ambitieux, mais. Mais ouais, ouais. Non, mais parce que je suis en train de penser à une jeune artiste que nous avons reçue, qui habite pas très très loin d'ici, il y a peu de temps, oui. Qui nous a laissé des super photos dédicacées. Et par contre, excusez-moi, j'ai plus le nom en tête. Héloïse May, voilà. Et quand elle est venue la dernière fois, elle était en train de tourner un clip et c'est voilà, elle était comment dire éblouissante et effervescente parce que c'était super excitant à faire quoi. C'est vrai. Et ben on lui fait des bisous. Oh, ah, t'es toi aussi t'as du mal. On lui fait des bisous. T'as plongé toi. Ah oui. J'allais dire on lui fait des poutoums. Ça a rien à voir. Non, rien à voir avec l'homme politique non plus. Non. Non, on lui fait des bisous, Héloïse, mais. Non. C'est tout. On va pas le faire comme d'habitude. Est-ce que vous avez une idée de combien de fois le scénario a été réécrit? Tu le réécris en permanence, même en direct. Des fois, oui. Tu changes les trucs. Non, le nombre que j'ai, c'est plusieurs dizaines de fois. J'ai pas le nombre exact. Ouais. C'est beaucoup de fois. Avant que le film donc, soit tourné, le scénario fut retravaillé sur de nombreux points. Bah, par exemple, on va prendre un... Non, un exemple, justement. Ouais, voilà. Par exemple, on va prendre un exemple. Ça fait beaucoup d'exemples. Marty donc, réussit à repartir en 1985. C'est très vieux, Thierry. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un grand sourire à Thierry, vu que forcément... Ouais, parce qu'il y avait 7 ans, c'était. Voilà. Il y a mais c'est même pas d'expliquer cette vanne. T'as pas besoin d'expliquer, moi je suis connu. Oui, c'est pas faux. La blague un peu moins. Oui, donc il repart en 85 grâce à l'énergie fournie par la foudre qui frappe l'horloge de ville, mais à la base c'était l'explosion d'une bombe nucléaire qui devait fournir la puissance dont Marty avait besoin. Ils se sont peut-être dit que c'était un peu trop. Hein. Mais ça n'a pas marché. En fait, c'est pas la bonne centrale qui a pété. C'est Fukushima, c'était trop loin. Ouais, c'est ça. C'est un... bah, 85, c'est plus. C'est Tchernobyl. Ouais, ah, c'est non, mais on était bon. Hein. Oui. Ouais. Pas très très loin. Ah non, attends. Oui, non, mais oui. C'est, oui. C'est 86, je crois. Ouais. Oui. Bon, ça, c'est un détail voilà. Annexe. Après, là, j'en ai deux sur Michael J. Fox. Ouais. Donc, celui qui joue Marty. Qui joue Marty. C'est, il a pas très mal fini, lui. Mmh. Oh. Bah, on va commencer par celle un peu triste. Donc, dans le troisième film, il y a une scène où Marty a un nœud coulant autour du cou. Sauf que cette scène, il y a eu un petit problème d'organisation. Que bah, il s'est étouffé. Il y avait un socle qui était prévu en dessous de ses pieds, sauf que là, il n'y avait pas le socle. Ils l'ont pendu en fait. Ah bah, il a perdu connaissance carrément. Ah ouais, bah ils l'ont pendu. Ouais. Ouais. Jusqu'où il pousse le réalisme, et c'est quand même fou. Hein. T'imagines, il a fallu une journée de repos complet à Michael J. Fox pour qu'il puisse reprendre le tournage. Chochotte. Oh, attends, un bon saut de flotte froide dans la gueule. Par exemple. Il t'est à peine pendu. C'est pas grand chose. Non, mais on n'a pas idée de dépendre quelqu'un qui vient d'être pendu aussi. Bah, qui a dépendu mon pendu. Voilà. Alors qu'au Moyen-Âge, on pendait les gens et après, au cas où ils auraient été encore vivants, on les noyait. Et après, on les découpait en morceaux et on laissait tout. On voilà, les cramait pas non plus. Et on laissait les bêtes venir manger les restes et après, on vérifiait s'ils étaient encore vivants. Ce sera pour les. T'en as toujours un, ce que j'allais dire, t'en as toujours un qui va dire regarde s'il est pas mort quand même. Ah, ouais, c'est s'il ça. Il bouge encore. Donc la deuxième pour Michael J. Fox, donc Marty, donc quel personnage principal de la saga, drôle, malin, débrouillard et qui porte mieux que n'importe qui la doudoune. Susceptible. Oui, susceptible. Super aussi. Doudoune. Oui. Associé aux gens basket. Ouais. C'est lui qui assure la dynamique du film. Pourtant au début du tournage, c'est un autre acteur qui était prévu. C'est Kevin. Non. C'est la doublure. Non. C'est lui qui était pendu. La doublure québécoise. Non. C'est lui qui était pendu. Ouais. Perdu vu que j'étais pas né en plus. C'est Eric Stoltz qui était prévu. Connu pas. Bah on l'aurait peut-être connu dans ce ouais, cas. On l'aurait peut-être connu. Pas. Oui. Et il a raté sa au chose. Final, c'est Michael J. Fox qui a été choisi. Comme pour les gens. Le mieux quoi. On peut dire même. Ah, c'est vrai que ils ont tourné la trilogie quand même en quelques années. Oui. Ils ont enchaîné les gars. Ils ont fait un travail formidable et tout ça en. En peut-être 20-30 ans dans le temps et en 3 ans finalement. Oui. C'est vrai. Non, ils ont tourné tout le temps. Enfin en 4 ans parce que 85. Mais qu'ils 89. Ont tourné la série et le film en même temps. C'est ça. Un, ouais. C'est un chef-d'œuvre, un classique. Ils se baladent sur des années. Oui. Ils font le tout sur. Et la dernière anecdote, justement, qui concerne la DeLorean. Ouais. À votre avis de base. Qu'est-ce qui était prévu à la place de la DeLorean pour voyager dans le temps ? Un SUV ! Parce que ça se passe en 2022 ! Non, perdu ! Une de chevaux. Non. Perdu ! Je le dirai pas, je le sais. Non, moi aussi, je sais. Oui. Parce que t'as parlé un petit peu trop fort en préparant le sujet, en fait. Hein. Sinon, je le saurais pas. Il a parlé plus fort que toi ? Ça arrive, hein, des non, fois. Non, c'est que je me taisais, en fait. C'était un réfrigérateur qui était prévu. Oui, pas un congélateur. Hey, après, ça me rappelle. Ça a quand même les lapins crétins qui ont pris ça il y a pas si longtemps. Machine à laver. Ah, c'est avez... machine à laver. Ouais. Bien joué. Moi, ça me rappelle le frigo d'Indestar où des fois tu te dis que les produits ont dû. Ouais. Ah, a... Sauf que ils l'ont pas fait à cause d'une chose. Les enfants qui voyaient le film, ils avaient peur que les enfants aillent dans le réfrigérateur et, ouais. Et s'enferment dedans. Voilà. Comme quand on monte des trucs sur les machines à laver, attention. Ouais, bon. Donc, après, il y a un autre truc qu'on peut rajouter. Alors, je me rappelle plus quelle voiture c'est, mais il y avait une autre voiture aussi qui était prévue avant la DeLorean. Alors moi j'ai juste le frigo. Celle-là tu l'as pas. Ouais je sais. Ouais, t'as juste le frigo. Une corbillère. C'est triste hein. Mais j'ai plus la voiture par contre. Tu sais qu'il y avait une autre bagnole ça, qui passait avant la DeLorean. Quand on sait que je connais la DeLorean via ce film, mais sinon je. Ah non mais elle a fait un flop total. Justement. En termes de vente, la DeLorean. C'est pas une Ford Mondeo. Oh pour tout dire, on avait tous ça. Et justement ils ont pris la DeLorean. Parce qu'elle venait de sortir en fait. Elle venait de sortir et elle a pas marché surtout. Oui. C'est surtout ça et non, le problème. Elle bah tu parles les gens qui l'achetaient, ils espéraient voyager dans le temps, bah, ils après, se sont fait niquer, ouais. Après à choisir, je préfère. Fallait faire devant. Daniel. Après à choisir, je préfère voyager dans une voiture qui a un peu plus qu'en jette que dans un réfrigérateur quand même. Non mais tu sais que ça marche le voyage dans le temps dans les voitures ? Oula. Vas-y. Non parce que ça m'arrive moi de partir d'Amboise. Il est 20h, je roule. Et une demi-heure plus tard, je suis à Tours. Hein. Voyage dans le temps, j'ai fait des kilomètres. Et il s'est passé une demi-heure. Le pire, c'est qu'il est content de sa blague, en plus. Ouais, je crois que c'est de famille. Hein. Bon, allez, on sort ça rigoler quand même. Oui. Ah, ah, voilà, ah, ouais. T'en avais une aussi. En parlant de rigoler, tout oui, à l'heure, tu chose, nous parlais de quelque chose, oui. Oui, je me disais. Bon, t'avais surtout pioché les thèmes philosophiques, ça m'étonne pas, il n'y a pas de hasard hein, quand on voit comment on réfléchit, mais je me suis dit, tiens, on a parlé de nature tout à l'heure sur un rocher, etc. Et j'avais une question nature. Et j'avais relevé la question que les enfants se questionnent ou plein d'autres gens se disent, pourquoi les manchots n'ont pas froid aux pieds? Mais en fait, c'est pas tellement cette. Parce qu'ils en ont pas? Si. Ils ont des pattes? C'est pas, oui, c'est, ils n'ont pas de genoux. Oui. Ouais. C'est vrai. C'est pas tellement la réponse à, mais je me disais, et toi, as-tu froid aux yeux? Est-ce que j'ai froid aux yeux? Mais tu prends dans le sens que tu veux. Bah. Et dans quel sens ça se prend? Ça dépend. C'est vrai que les masques ne sont pas sur les yeux. En ce moment, parce que là les masques tiennent chaud, c'est cool. Il faut bien trouver. Non, est-ce que t'es quelqu'un qui a peur d'affronter ce qui t'arrive, c'est ça, avoir froid aux yeux ouais, ou pas? Non, exactement. Ah, ouais, sur. Est-ce que j'ai froid aux yeux? Non, je reprends souvent une phrase. Je pense à mon frère. Je pense souvent. Ça n'empêche pas d'avoir peur hein, d'affronter les choses. Tiken Jaffa Coli, qui dès mon adolescence, en fait depuis mon adolescence. Je me dis plus rien ne m'étonne. D'accord. Et tu sais que je pensais que t'allais me sortir le titre d'une de tes chansons, ou en tout cas un refrain que tu dis hein, que tout everything will be better, hein, donc tout ira pour le mieux. Tout va bien se passer, c'est mon Hakuna Matata à moi. Tout va bien se passer dans cette musique. Je parle de la vie. Arrête de te morfondre. Arrête, reste pas dans ton coin là, te morfondre. Et puis viens boire un verre avec nous et viens danser. Et ouais, on sait pas de quoi. Demain est un autre jour. Je finis par ça. Demain est un autre jour. Donc on peut très bien trouver toutes les bonnes raisons de se plaindre, mais on peut aussi trouver toutes les raisons d'avancer, de continuer à avancer. Exactement. Il faut ouais, peu importe. On sait. C'est quoi la vie? C'est du bonheur, mais c'est aussi il y a des merdes. Tu sais qu'il y aura des merdes parce que pour apprécier le bonheur, il faut qu'il y ait des merdes. C'est un peu comme le son et la musique. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est en fait être optimiste. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Bon, l'un va pas sans l'autre. Être positif. Exactement. Tu peux comme pas. Voilà. Oui, et accepter. Et accepter. Tu l'as compris. Accepter les épreuves, c'est-à-dire pas, c'est que ça ne devienne pas des obstacles, mais que ça reste des épreuves que tu franchis et dont tu tires quelque chose. Il faut, ouais, exactement. C'est comme ça que j'avance. Il y a des moments qui sont carrément plus dramatiques que d'autres, mais c'est là qu'il faut se recentrer, analyser un peu les choses, mais prendre beaucoup de recul en même temps. Il faut vraiment voir les choses de loin. Et l'entourage est important. Hein. Quand on voit le soutien de ton frère, on a été tous énormément touchés. Ouais, ça m'étonne pas de lui parce qu'il m'a toujours soutenu, quoi. C'est un truc. Oui, mais il y a des gens qui soutiennent dans l'ombre, il y a des gens qui n'osent pas faire le témoignage exactement qu'il a fait, et ça c'est très important, c'est très fort. Ouais, c'est top. Ça fait. Moi je sais qu'il me soutient depuis toujours, et ce qui est extraordinaire, il disait que c'est la plus grande star avec qui j'ai joué, et en fait le délire avec mon frère, c'est qu'on n'a pas besoin de faire une répétition. Ouais. Je prends la guitare, il a sa voix. On est tous les deux, on se regarde, on n'a même pas besoin de se regarder, on sait qu'on va faire le son, on le fait, on y va. D'accord. Et ça répond un peu à ta question, c'est-à-dire, on n'a pas froid aux yeux, on se lance, on ne sait pas la hauteur du ravin, on y va. Et tu vois, sur Facebook, on parlait des lives tout à l'heure, sur des soirées qu'on peut faire, c'est vrai que c'est facile de... Il adore les lives, il adore faire des lives Facebook, pour le coup, il est plus high-tech que moi, à ce niveau-là. Et c'est vrai que le lendemain, il me dit, mais on est à 1000 vues. Mais arrête. Et ben ouais, c'est en fait, on se lance et on se fiche de. Ouais. On kiffe le moment, et c'est ça la musique. Nous qui sommes spectateurs, on a une demande de choses comme ça, spontanées. Tout est tellement contrôlé maintenant. Hein, c'est réglé, ça. Si tu c'est pour pas ça que dans j'ai cadres, hésité à venir à la radio, parce que je sais que c'est ultra contrôlé. Pour les médias privés qui ont de la pub, etc. Tout est contrôlé à la minute près. Ouais, t'es mal tombé alors si tu voulais que tout soit contrôlé. Ouais, non, mais le truc, c'est que, tu vois, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps, un peu avant le confinement, finalement. Tu vois, tu dis, j'ai l'impression que c'est il n'y a pas si longtemps, mais il y a quand même 3 ans. J'avais la folie de faire les choses, de me lancer, peu importe ce qui se passe, on y va, parce qu'il faut se lancer, il faut tenter. D'accord. Après, Après, si j'ai appris une chose à travers la scène, à travers les festivals en 2019, parce que ça s'arrêtait après, c'est la rigueur. Il faut toujours une rigueur. On a besoin de cette rigueur. Sans cette rigueur, en fait, c'est mort. On n'est pas crédible, on n'est pas pro, etc. Donc on a besoin de cette rigueur, mais voilà, dans cette rigueur, j'ai quand même besoin de temps pour... Ouais, il faut avoir conscience de ce qu'on fait, ce qui n'empêche pas de... C'est millimétré, mais improvisé. Parce que de toute façon, si on ne s'accorde pas la légèreté, comme là, si tu veux, on discute, évidemment, on a des fiches avec des questions, etc., pour se reposer, mais si on fait de la lecture, ça ne sera pas du spontané comme on fait. Il nous faut des choses desquelles on démarre et après on part dans le sens où on veut. Enfin, nous on a cette liberté et on est heureux que tu apprécies ce moment. J'apprécie ce moment tout simplement parce que c'est aussi moi, c'est ma personnalité. C'est-à-dire, j'aime pas quand c'est trop millimétré. C'est pas bon non plus. C'est pas bon parce que t'es pas naturel, t'es pas. Après, c'est bien d'avoir du temps. Peut-être. Mais pour le coup, tu n'es pas toi. Ouais, peut-être. Si tu rentres dans le... Il faut que je cale dans le cadre des autres. Hein. Mais le plus dur, c'est Oscar Wilde, que j'adore, qui disait lui-même, arrêtez de... Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Donc c'est dur d'être soi-même. C'est pas facile. Et d'assumer... Parce que des fois on est son pire critique. Ouais. Des fois, oui. Ah. Et c'est ça, et je suis... De toute façon, moi, je veux pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit moi, donc... Ouais, ce serait dur, la vie. Déjà, on n'a pas des chemises hawaïennes. Non. Oui. Moi, je t'en ai proposé une chawaïenne. Ouais. je dois avouer que pour l'instant, ce soir, j'ai une petite concurrence, parce que c'est pas une chemise classique qu'il a, Mike. Il y a quand même... C'est le hawaïen cubain. Il y a quand même quelque chose... Il y a une certaine décoration. Mais ambiante, quand je te dis qu'il va, il va finir par prendre la place, ou alors il va venir avec oui, nous. Oui, ah, oui. Voilà. Prêt pour voilà, tu as presque ce qu'il faut pour remplacer Daniel. En attendant, Daniel, vu que tu parles beaucoup, tu vas nous parler de Johnny Cash après. Oui, je vous en parlerai Cash. On va parler Cash, super. Voilà. Mais avant, on va écouter Madeline Bailey, Bad Habits. C'est bon, je l'ai bien dit, Thierry. J'ai pas compris, mais c'est pas Ed Sheeran, sur Indestar. Version de Ed Sheeran. Peck Avenger, c'est comme dans Aladdin. On chante, on danse, on tchache, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Mais en différent. Nous sommes sur Indestar, donc si vous venez d'arriver, vous avez raté quoi, la moitié de l'émission à peu près, on peut dire. Oh bah là, oui. Une partie en tout cas, à coup sûr. Hein. Donc, si vous l'avez raté, n'hésitez pas à aller sur indestar.fr pour écouter le podcast. On est peut-être pas à la moitié, on a peut-être encore 3 heures à faire, non? Peut-être. On va laisser planer le suspense, qu'en pensez-vous? Hein? Ouais? Alors j'allais dire un truc, mais non pas à la radio, on va dire. on vit l'instant présent, et franchement, c'est super. Et l'instant présent, on a Wood Mike avec nous. Yes. T'es toujours présent, oui. Toujours. T'es pas un cyborg, t'es pas un robot, t'es pas un non. fake. T'es un vrai Wood Mike. T'es pas l'hologramme, c'est bon. T'es pas Terminator, t'es pas la photo sur scène qu'on parlait tout à l'heure. T'es un Reback. Non, t'es pas Johnny Cash non plus. Là, je pensais vraiment pas, je suis. Parce que j'ai eu un délire avec un super copain. Qui. ouais, je suis le vrai. Voilà, je l'ai dit. Je l'ai dit à la radio. Ça y est, c'est fait. On a un délire sur les DJ en fait. On se souvient d'une affiche où il y avait DJ Fou, le vrai. Ouais. Et voilà, c'est moi le vrai. D'accord. Tu le dis, donc tu l'es. Voilà. Exactement. Vu que tu parlais du vrai, on va voir le vrai Daniel qui va nous parler de Johnny Cash. Ouais, surtout de l'entendre, en effet. Mais ça, on l'entend assez comme Daniel, ça. Oui, c'est Daniel, oui. Voilà. Big D. Ouais, alors Johnny Cash, Big D, yes, alias pour certaines chansons, en effet. Alias chemise hawaïenne pour d'autres. Voilà, également. Alors, Wood Mike est un amateur de country, de folk, et le chanteur référence. Pardon, excuse-moi. Il aime bien jouer au cowboy. J'adore les westerns. Ma jeunesse était dans. Il y avait beaucoup de westerns. Et là, pour le coup, je suis un inconditionnel d'Ennio Morricone qui nous a quittés notamment en 2020. Grand inspi. Il y avait beaucoup. J'aime beaucoup la musique de film. Je suis un. D'ailleurs, je vous laisse. Cinéphile. Compositeur. Ah, compositeur. Ah, oui. Musique de film. Bah, comme ça. Et finalement, voilà, je suis pas allé au-delà dans les études. Alors, j'avais les critères, mais j'avais envie d'être sur scène et puis faire de la musique. Et je sais qu'un jour je le ferai, d'accord, parce que j'aime trop ça. Mais les westerns m'inspirent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il y a ce côté nature qu'on parlait tout à l'heure. Il y a le côté, voilà, très... pas trop de fioritures, voilà, on va pas trop ornementer. Et puis il y a le ragtime, il y a les saloons, les cowboys. J'adore Woody. je suis en fond avec Woody et Buzz l'éclair, c'est pour ça en ce moment avec mon fils. Là, D'où le vers l'infini et c'est pas de patrouille. C'est pour ça, là, il est à fond avec les figurines. C'est pas de patrouille. Non, je suis heureux, il est dans Buzz l'éclair. Ouais, mais ouais, Woody, les westerns, moi ça me parle, j'adore les Santiago, même si j'en ai pas. Ouais, alors avant de parler de Johnny Cash, qui est quand même l'une des plus grandes vedettes de la country américaine, je voudrais quand même vous raconter une petite anecdote. Parce que, bon, on va pas vous cacher, quand on reçoit un artiste, on se renseigne un petit peu, on lui pose quelques questions. C'est quand même mieux. Et on lui a demandé, entre autres... Voilà, et on lui a demandé, entre autres, quelles étaient ses inspirations au niveau aussi, au niveau artiste. Et là, sur la liste, je commence à... Alors, je m'attendais à des chanteurs. Et sur la liste, au départ, je vois Johan Miro, Basquiat, Matisse, Frida Kahlo. Et là, j'ai eu un doute, je me suis dit... Mais c'est pas des noms de chanteurs, ça. Bah oui, alors j'ai commencé à chercher des chanteurs qui auraient pris des noms de peintres. Ouais, ça aurait pu. Et en fait, non, c'est là où on voit quand même toute l'étendue du artistique de Woodmike. Il n'y a pas que des chanteurs, il n'y a pas que des musiciens, il y a d'autres références pour un monde tout en couleur, comme on a compris, et pas que en noir et blanc, contrairement à la photo. Alors, bon, je vais pas rappeler qui sont les peintres, c'est peut-être pas nécessaire. En folk et country, bon, il n'y a pas que Johnny Cash, il y a Mumford & Sons. Si je dis Robert Allen Zimmerman, par Woodmike, est-ce que quelqu'un pourrait me dire qui c'est? Alors, Robert, oui. Ouais. La suite, non. Non. On compare souvent. En fait, c'est Bob Dylan. Ah bah là, ça me dit quelque chose. Ouais. Ouais. Ah oui. Bon bah oui. Bah, je l'ai pas dit au départ. Oui, bah oui. Bon, lui, il a fait aussi beaucoup de choses justement. C'est pour ça que peut-être il y a quelque chose qui vraiment t'intéresse. C'est un auteur, compositeur, interprète, musicien. Il est peintre, sculpteur, cinéaste. Ouais. Il est même poète. Donc il fait énormément. Il touche de à tout, quoi. Il touche à tout, oui. Il est très complet et c'est le seul et unique qui a le prix Nobel de littérature. Ouais, en 2016, exact. 2016, c'est le seul. Et ça a été un fiasco total parce que donner le prix Nobel de littérature à un artiste, un chanteur, ça a été un fiasco total. Ça a été des années de recherche pour dire est-ce qu'il est vraiment légitime. Et en fait, il est vraiment légitime dans le sens où tous ses textes, c'est un poète. Il est très très humain, très humaniste. Il y a beaucoup de recherches dans ses textes. Aimer son pays et aimer l'humain, et c'est ce que j'aime chez lui. Ouais, et il y a beaucoup de recherches dans ce qu'il fait. C'est pas juste je prends une page, j'écris les mots qui me passent par la tête. Non, ça part toujours comme ça. Puis il reste authentique et il va être marqué par des événements ça va être marquant. Moi, la musique de Bob Dylan qui m'a le plus inspiré, qui m'a touché le plus, c'est une des qui n'est pas très connue, c'est Emmett Till. La mort de Emmett Till. Je te confirme, je la connais pas. Non, elle est connue. C'est étonnant que Teddy connaisse pas. Dis donc, c'est étonnant. Je connais Bob Dylan, je crois que c'est un guitariste. C'est l'histoire d'un petit black qui se fait lyncher, qui finit par mourir des coups, et il va en faire une musique très très touchante, comme une poésie. Finalement, il va faire une lettre. Donc voilà, un blanc qui va être pour le droit, en fait, pour la paix, contre toutes ces ségrégations, Bob Dylan est très très engagé, c'est ça qui m'inspire énormément. Surtout qu'il a commencé à une époque où l'Amérique était encore même pas que l'Amérique d'ailleurs. Hein. Non, on parle de l'Amérique, mais c'est pas que l'Amérique. Il y a avant d'écouter un premier morceau de Johnny Cash, j'ai quand même aussi parlé de Ed Sheeran, qui est aussi de quelqu'un qui t'inspire. Et si on écoutait éventuellement un morceau de Johnny Cash pour se mettre un petit peu dans l'ambiance country, hein, Teddy? Oui. Oui, hein. Oui, oui, oui. Non, mais t'es ah, moi, j'y étais pas du tout, hein. Non, mais il est dans les chocolatines, là. Oui, oui, oui. Voilà, on écoute quelques secondes, c'est She Used to Love Me a Lot. C'est hein, vraiment des morceaux. She used to love me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe. Ouais, mais c'est de la vraie country, ça. Oui. Yes, c'est de la vraie country, ouais. C'est du cash. C'est pas du Taylor Swift. Ah, pas du tout, non. Mais elle chante de la country aussi. Ça empêche pas. Alors, Johnny Cash est né en... Ah bah... On n'est pas très loin quand même. Hein, Le 26 février. Exact, j'étais en train de vérifier. Ça, c'est pas un bête country. Hein. Non. Ouais. Oui, non. C'est Le électro. 26 février, une très belle date. 1932, à Kingsland, dans l'Arkansas. Attends. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi 26 février, pourquoi 26, c'est une très belle date? Bah c'est au mois de février. Ah bah balance, ouais, maintenant, c'est trop tard. C'est la date de naissance de mon fils. Ah, il est né en février, moi aussi. Pas la même année, bien sûr. Mais ouais, ouais. Comme Tex Avery. Il n'est pas né à Bourges non plus. Non plus. Parce que sinon, ça fait un deuxième. Ah non, mon fils, oui. Je confirme, Johnny Cash n'est pas né à Bourges, hein, je confirme. Hein, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. On pourra bientôt, c'était un joyeux anniversaire, il aura un an. Bientôt, ouais. C'est exact. Donc, Et nous, un peu plus. Un an de plus aussi, oui, c'est exact. Tu n'as pas tort. Donc, Johnny Cash était un chanteur, acteur, guitariste, auteur, compositeur, country, surtout de la country, il l'a fait. Il s'est marié, on verra tout à l'heure. Bah, tiens, oui, deux fois d'ailleurs. Alors, ce qui est un peu curieux, c'est que Johnny Cash, lui, avait une voix un peu caractéristique par rapport aux autres chanteurs de country. C'est plus le baryton quand même que quelqu'un d'autre. Et c'est son œuvre musicale quand même fait en grande partie référence au thème justement de la douleur, de la rédemption. C'est quelqu'un qui a chanté aussi, qui a été que sur ce thème quasiment. C'est très finalement c'est ouais, il fait de la country, mais c'est très blues parce qu'il va il va parler de tout ça. Côté très nostalgique, il faut savoir que Johnny Cash il est il va être proche des peuples qu'on appelle coupés du monde, et il vit une enfance très très heureuse. Il est avec des voilà une belle famille, une famille aimante. Enfance difficile mais très heureuse. Mais, voilà, ouais. Très était... très difficile parce qu'il travaillait dans les champs. À voilà, 5 ans, à l'âge de 5 ans, il a commencé à aller travailler dans les champs. Mais à ramasser très famille. Le coton. À ramasser le coton. Exactement. Effet. Exactement. Donc c'est quelqu'un qui a œuvré, qui a même chanté dans des pénitenciers. Ouais. C'est le côté, c'est mon côté Johnny Cash à moi. Parce que j'avais ce projet aussi de faire dans les pays. Mais il a chanté dans les prisons sans y être enfermé. Exactement. Il a pas fait de conneries. Il a juste été enfermé le temps de chanter. Après, ils l'ont foutu dehors. Et c'était courageux pour l'époque de faire ça. Même encore maintenant, je pense que il y aura pas beaucoup qui voudraient le faire, à mon avis. C'est intéressant ton commentaire sur ce que tu voulais faire, parce que moi je t'ai entendu dans une interview et tu disais que si t'avais pu aller chanter dans les prisons, si t'avais pu aller chanter dans les hôpitaux pour les enfants malades et plein d'autres choses. Hein. Vous connaissez vraiment tout. On se documente, on recherche. Hein. Ça se voit pas les cernes qu'on a là, on n'a pas dormi depuis. Non, mais là, tu es sous l'œil de. Tu es sous l'œil des Peck Avengers, là, t'es foutu. On sait tout, on est fait. C'est bien, par contre, Daniel. Je tiens à te féliciter. T'as pas encore une fois, pour une fois qu'il dit ça. T'as pas encore dit une seule fois Peck Avenger. Pour une fois. Ah, mais je fais attention. Hein. Mais pour une fois. Bon. D'ailleurs, ça, apparemment, ça a inspiré des jingles. Hein. Lui aussi, fait des efforts, Kevin. Ça dépend pourquoi. Oui. Alors, je sais pas si tu savais, mais en fait, quelque part, il avait pas de prénom quand il est né. Ses parents, ils ont pas donné de prénom. Ah, c'est possible. Ouais, ils n'étaient pas d'accord sur le prénom, donc ils l'ont appelé JR. Ok. Voilà, c'est pas une connerie. Jean-Régis. Jean Reno. Je pense à Dallas. Voilà, après, voilà. Ou le JR de Dallas. C'est ce que j'allais dire, peut-être qu'il y a une référence, parce qu'on verra juste après. Il a quand même aussi une carrière cinématographique, Johnny Cash. Ouais. D'accord. Ça peut être Junior aussi, JR. Ouais, Junior. Ouais. Et vrai, aucun des prénoms n'a marché, parce que quand il est arrivé, qu'il s'est engagé dans l'armée, ils n'ont pas voulu JR Cash. Hein, donc il a pris un prénom. Et c'est là que les prénoms John Ray sont arrivés, sont apparus. Magiquement, peut-être, je n'en sais rien. Je n'étais pas là. Ah. Alors, son plus jeune frère aussi, Tommy, est chanteur de country. Hein. Si Il a l'air de le savoir, vu la tête qu'il fait. Ce qui est assez bizarre, c'est que la country, elle est venue après. J'ai fait de la country, j'ai composé de la country, composé de la folk. Et c'est après que j'ai écouté ce genre. Et vraiment, c'est après que t'as mangé des Kinder écouté. Country aussi. C'est ça. Ah. Mais c'est non, mais c'est vrai. Quand tu parlais que t'aimais les country, j'ai compris maintenant. Hein. Oui, c'était les Kinder. Je déteste les Kinder. Par contre, si tu veux faire du placement de produits, y a pas de problème. C'est ce que j'allais dire, les gars, vous avez des sponsors, les gars. Ikea, Kinder. On aimerait bien avoir un petit peu de pognon, s'il vous plaît. Ouais. Alors, il a appris la musique avec sa mère et un ami d'enfance. Et il s'est même produit à la radio, justement, la radio à l'époque était importante, avant même d'être sorti de l'école secondaire. Donc il a commencé vraiment très tôt. Est-ce que tu... Alors, il s'est passé quand même un événement, c'était le 4 décembre 1956. Ouais. Il y a eu une séance d'enregistrement totalement imprévue qui a réuni Johnny Cash avec trois autres chanteurs. Oui. Oui. Alors moi, oui, j'ai des... il est d'accord. Mais qui sont-ils? June Carter Jackson. Non, non, ça c'était... Ah, mais il n'y avait pas Elvis? Si, il y avait Elvis. Elvis quoi? Presley. Ouais. Vraiment? Ouais. Oui. Ah, je savais pas. Non, tout à l'heure on écoutera avec June Carter. Y a c'est un pas duo. Plutôt Elvis avec un autre gars qui s'appelle Johnny Carter. Alors, il y avait Elvis Presley, Jerry Lee Lewis qui était... Jerry Lee voilà. Lewis, ouais. Bon, et un qu'on connaît beaucoup moins en France qui était par Carl Perkins. Qui est beaucoup je moins. Je connais qu'un seul, maintenant c'est Elvis. Tiens, après tout, t'as parlé de June Carter, on les écoute en... Ouais, ouais, ouais, sans problème. Ils sont en duo, là, ouais, avec Johnny Cash. C'est Jackson, le titre. On a l'impression, effectivement, qu'ils ont sur un cheval. Bah ouais. Ouais. Exact. Pour expliquer, Teddy faisait la personne sur le cheval. Et il continue de le faire. Ouais, grave. Ça fait bien. Mais voilà, c'est tout de suite, c'est dansant, c'est chantant. Mais oui, puis ça sent la bière. Ça, c'est country. Donc, ah, John Carter, whisky. C'est. Voilà. Oui, c'est, whisky, oui. John Carter, c'est sa raté, deuxième t'es. Épouse, c'est sa deuxième femme. Enfin, la bière artiste d'Anna, le whisky, quoi. Enfin, on mélange. Oui. Hein. La bière au whisky. Alors, donc, ah oui, j'ai oublié de vous préciser quand même. Il a enregistré aussi un album live dans une prison. Ouais. Mais à l'époque, ils l'ont censuré en fait. Parce que entre les écarts de langage de Johnny Cash et les réactions des prisonniers qui assistaient au concert. Alors, depuis, ils l'ont Décensuré avec. Ils ont arrangé tout ça. Hein, voilà. Alors, au début des années. Tu connais son surnom à Johnny Cash? Surnom J.C. Johnny Cash? Non, il était toujours, si je te dis, il était toujours habillé en noir. Avec un titre de film connu. Alors, Black quelque chose, mais. Black Impala. Non, c'est. Il y a In Black à la fin. Man in Black. Man in Black. Man in Black. Je l'ai dans. Comment je triche? Non, pas du tout. Non, mais il l'avoue, c'est bien. Donc, il y a eu cette chanson qu'on écoutera à la fin parce que c'est un petit peu. Ça sera un petit peu un hommage à lui. Donc, il était connu comme étant le Man in Black. Et d'ailleurs. Les uniformes noirs de la marine des États-Unis sont depuis surnommés des Johnny Cashies. D'accord. Okay. Voilà. Parce qu'ils sont tout noirs. Oui. Ah, voilà. Ils sont en cachemire ou... c'est peut-être pour se cacher des ennemis, je sais pas, c'est possible. Oh, oui, en cachemire, oh, en cachemire M-I-R-E, quoi. Je sais pas si c'est pour ça, les gars. Eh ben, tant pis, c'est foutu. On t'a attiré dans notre piège, maintenant c'est... C'est fini. T'auras le droit à l'humour de merde jusqu'à la fin. Oui. Surtout qu'on a deux spécialistes en plus. En même temps, si tu ne te rends compte que maintenant, on a toutes nos chances. Alors, je vais juste parler de ce qu'il a fait au niveau acteur. Il a commencé quand même, fait un premier rôle en 1961, où il est devenu acteur pour un film qu'on ne connaît absolument pas en France, donc on n'en parlera pas. Ouais. Par contre, en 1974, il a tourné dans le 7e épisode de la 3e saison de Columbo, Le Chant du Cygne. D'accord. Et là, il était aussi avec sa femme June Carter. Certes. Voilà. Ma femme me disait... C'était pas celle-là. Et il a remis ça avec sa femme dans La Petite Maison dans la Prairie, l'épisode 1 de la... Saison 3 aussi, d'ailleurs, tiens. Il doit être abonné aux saisons 3, peut-être. Va savoir. Alors, ça, tu vas peut-être pas être surpris. Toi, tu y es pas encore à la saison 3. Non, je suis qu'à la saison 1, encore. Alors, tu vas pas être surpris d'apprendre qu'il a joué dans une série qui s'appelait Le Nord et le Sud, avec, je sais plus, avec Patrick Swayze, je sais plus qui. Il avait le rôle de l'abolitionniste. Il y a des gens qui jouent des rôles à contre-courant. Oui. Oui, ça va tout à fait dans le personnage, oui. N'est-ce pas, hein? Carrément. Hein. Hein. Donc, on le voit aussi dans un épisode du Muppet Show. Dans les Simpsons aussi, il parle... il prête sa voix à un coyote de l'espace, Kiki d'Homer Simpson, dans une quête spirituelle, etc. etc. Oula. J'ai oublié aussi, il a fait un autre, d'autres apparitions dans une série, toujours avec sa femme June Carter, dans Dr. Quinn, femme médecin, avec Jane Seymour. Wow. D'accord. Qui fait série un petit peu western, ouais. Pas, très, ouais, pas violente, mais bon. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, j'ai quand même. Je vais finir par une anecdote. Ouais. Hein? Ah, j'ai oublié, on a oublié le titre numéro 3 quand même. Oui, c'est vrai. Ouais. Si on a un 3, autant le mettre. Oui, oui, oui. Oui, c'est mieux quand même. Rider in the Sky, quand même, qu'on se fasse un peu de country. C'est sympa, n'est-ce pas? On est au bar. C'est ça. Ouais, tournée générale. Ouais, c'est ça que j'aime dans la country. On crache par terre et on boit un coup. Et on lance le verre là, du bout du bar, tu le fais glisser jusqu'au bout là. C'est ça. Et tu le rates. Voilà. D'ailleurs, c'est pas très Covid de cracher par terre. Non. Covid très libre. Bah, instantanément, tu vois, t'as une grosse voix. Ouais. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que oui. Ah, faut s'imposer. Hein. Oui. Quand on pense à country, c'est vrai qu'on a envie de poser sa voix. Alors, j'arrive pas à le faire. Non. Une petite, je te crache sur les bottes. Une petite anecdote. En 2015, un certain Chris Hamilton, Johnny Cash était déjà décédé à l'époque, à sa façon rendu hommage à Johnny Cash. Donc, il avait joué un concert. Dans une prison, encore une, de Folsom, en 1968. Et ce chercheur a trouvé, aux alentours de cette prison, une araignée, une tarentule. Donc il l'a appelée la Aphonopelma Johnny Cashy. D'accord. Donc, parce que c'est une tarentule qui chantait de la country. C'est possible, l'histoire ne dit pas tout. En crachant par terre. Sur les bottes de... Je vous laisse imaginer que la tarentule pouvait peut-être chanter dans la prison aussi et faisait des chœurs. Ça, c'est, c'est toujours faisable. Et si ça t'inspire une chanson, vas-y. Hein. Bah, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Oui. Ce que je te propose, vu que. Attends. Non, on a encore la chanson. Mais justement, j'allais en venir. Ah. Pendant que la chanson 4 est mise, est-ce que ça te dirait de te réinstaller pour faire un autre live après? Je peux m'installer. D'accord. Je peux m'installer. Ouais, mais va-t-il le faire? Je sais pas. Oui, nous allons écouter, tu dis, Man in Black. Man in Black qui vraiment est la rien chanson... Rien à voir avec le film? Non. Rien à voir avec le film. Non, c'est au singulier, là. Qui définit quand même l'homme en noir qui était Johnny Cash. Ah, Man in Black, c'est les hommes. Wonder why I always dress in black. Cowboy. Why you never see bright colors on my back. And why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down. Alors c'est chouette parce que il dit tout le monde se demande pourquoi je suis toujours en noir, pourquoi j'ai pas de couleur dans le dos, etc. Et il dit il y a des raisons pour ça, et il donne les raisons. Oui. Et il dit que c'est ce qui, t'as compris c'est ce qu'il disait. Et oui qu'il a fait des choses dans sa vie et certainement pas des belles choses. Mais oui, je trouvais que, enfin, des fois la chanson a un peu de mal à comprendre, mais que c'était bien articulé pour moi. J'ai rien compris. La seule chose que je sais à la rigueur, c'est que cette émission est disponible en podcast. Oui. Et où ça, Kevin, avant que je te lance mon stylo de la gueule? Alors non, tu me l'as déjà lancé une fois. Donc oh, un stylo noir. Donc sur indestar.fr, où il y a Spotify, où il y a tous les liens pour aller directement sur les applis de podcast. Mais pas encore ce podcast, Daniel. Non. Pas encore. Donc, oui, on pourra le retrouver là. Et juste pour savoir, Le lundi, il y a une autre émission aussi. Le ah bon, c'est quoi? Au soleil. Sur Indestar, il n'y a que Peck Avenger pour moi. Ah ouais, j'avoue, j'ai tendance à vouloir dire ça, mais bon, vu que je fais partie de Starter aussi. Hey, on fera ça l'année prochaine. Peck le lundi. Peck. Non, peut-être pas, vu que bon, ça ira. Voilà. Non, le lundi, oui. On a Starter pour le coup. On fera 21h à. Émission bagnole. On fera Peck Solite le mercredi. Donc, de quelle heure à quelle heure, t'es dit? De 21h à 22h. D'accord. Et ça sur Indestar, évidemment. Donc, on va parler voiture avec Théo et Antoine. Ah ben la meilleure émission c'était lundi dernier de Starter hein. Parce que t'étais là. Bah bien sûr. Mais oui. Quelle impartialité. c'est pour ça que j'ai zappé. Je trouve ça impressionnant. On a légèrement détruit un monument de enfin un monument le scénique français voilà. On l'a détruit. Et le mercredi il y a une autre émission aussi. Le mercredi alors ça ils ont pas je sais pas s'ils ont détruit grand chose si à part l'open space du studio. Ça par contre ils l'ont bien démoli, ils ont fait un petit parcours et tout, vous aurez les vidéos sur le Facebook et sur l'Indestar. Ils étaient dans la forêt je crois, c'est pas ça? C'est Actu Solite, oui, non. Qui était dans la forêt je crois. Pas cette semaine? Ah non, c'était non. Avec les Blues Brothers? Oui, c'était d'accord. Avec les Blues Brothers. Alors les Blues Brothers, ils ont fait un peu de parcours hein, dans l'open space je crois. Oui. De 21h à 23h aussi. Oui, allez voir, ça vaut le coup de rien comprendre, mais ça vaut le coup de regarder. Wood Mike, est-ce que tu es prêt? Oh mon dieu, mais tu vas faire de la country? Yeah. Il a un harmonica et une guitare. Non, j'ai une musique qui est très très typée country. Mais, tu es presque. C'est pas celle que j'ai prévu. Mais c'est dommage parce que. Tu es presque un homme orchestre. L'homme orchestre, on me le dit souvent. Eh ben, on écoute. Butterfly dance to the light, like the wind that's born. I get up and do look at you till I touch the ground, like a bee in the dark, where you can see your shadow. No matter where I roam, you're on my home. Hey, son, darling, follow me. We'll go in into the wind. Minha querida, entra no meu caminho. Debaixo das estrelas conheço as minhas raízes e já sei onde vou. I like the way you smile and you look at me. When we wake up again to each other, waiting for a new day. I can't stand this feeling. Take my hand, come dance. Oh, I'm crying, rotting, trying, fighting, flying to bear the silence, sing. Hey, son, darling, follow me. We'll go into the wind. Thank you. quel beau concert privé. Si j'ai bien compris un truc, c'est follow me, hein, faut le suivre. C'est ça. Clairement. Faut le suivre sur Instagram, sur partout. On est quand même chanceux de l'avoir en live. Oui. Et puis il faut le suivre dans toutes les langues qu'il manie. Parce que tout à l'heure, tu as dit en off que tu étais d'origine portugaise, mais j'ai entendu plus de langues, même que ça. Tu as manié plusieurs langues là. Tu as fait quoi? Le portugais, l'espagnol, de l'anglais. Anglais, portugais. J'ai coécrit ce morceau avec mon frère. Parce qu'il a entendu cette musique et pour le coup, je lui ai dit il faudrait qu'on fasse. Il faut que je mette du portugais dans cette musique. Elle est trop belle, quoi. Il faut que je mette quelque chose. Et puis là, instantanément, on était le soir après le studio, entre deux jours d'enregistrement. Ouais. Et là, il me connaît, il sait ce que je voulais dire. Et il m'a trouvé les mots en portugais pour le coup. Pour cette musique. Oui, et puis alors, il y avait des paroles côté nature, je crois, se laisser porter par le vent, etc. Tu m'as dit tout à l'heure que c'était très important la nature pour toi, que d'ailleurs au Portugal, vous aviez une vue magnifique. Totalement. Ouais, on est bercé dans les montagnes avec toute cette faune, toute cette flore extraordinaire, une belle rivière. Et ouais, cette musique, elle a pris une tournure de fou parce que je l'ai écrite pendant le confinement. En me disant voilà alors chérie suis-moi on va dans le vent quoi, on va se laisser porter par le vent parce que on savait pas au premier confinement en 2020 on savait pas ce que ça allait donner, qu'est-ce qu'on va devenir après, il y a un avant et un après pandémie Covid super chelou quoi. Donc j'ai écrit cette musique et elle a pris finalement j'ai fini cette musique quelques mois après le déconfinement pendant le déconfinement finalement. Que je vais être papa. Par rapport au vent, moi je me suis dit, tiens, Dylan, la réponse est dans le vent. Enfin, après, moi je te dis ça, hein, je sais pas si ça t'a inspiré, mais bon. ça m'a inspiré parce que je suis tombé sur cette musique aussi à un moment. À ce moment-là, dans le confinement, j'avais mes amis des Blancas, Johan et Guillaume, qui faisaient pas mal de. Qui avaient sorti leur album là, en janvier 2020. Finalement une tournée qui a été annulée à cause de la pandémie et Johan a repris cette musique Blowing in the Wind de Bob Dylan en confinement, je l'avais regardé sur Facebook et ouais ça a fortement inspiré cette musique. Le vent nous portera forcément, un plaisir ouais c'est être ouais partir dans le vent, ça rejoint tout ce qu'on disait tout à l'heure, on se laisse porter on verra quoi. J'aime cette légèreté, mais alors je me dis c'est à la fois léger et intense, mais qu'est-ce que c'est riche, enfin oui. Tous les sons, oui, toutes les langues. Oui. Et alors je disais comme ça en orchestre parce que tu fais aussi plusieurs instruments. Waouh, quelle richesse. Quelle richesse et quel bonheur d'être à côté de toi, de tout recevoir. C'est super. Merci, c'est ce qui donne aussi l'énergie, c'est ce qui fait que. Ouais, donner, c'est un spectacle. L'homme, l'artiste, se doit d'offrir, offrir plein de choses. C'est un partage. Pendant des années, je me suis dit, merde, je fais ça, tu fais de la musique. Il y a un côté très égoïste. Et alors que je suis pas égoïste du tout. Et enfin, je pars pas. Et en fait, non. Oui, un jour, j'ai un pote qui me dit, mais tu rigoles. Pas du tout égoïste à vouloir faire un album. En tout cas, tu dois avoir quand même conscience de toute ta richesse parce que, en fait, même si tu racontes une histoire, nous, pour avoir fouillé ta vie, etc., on se dit, il parle encore beaucoup de choses qui le concernent, une multiplicité de choses. Et puis, c'est très bien d'avoir réussi à utiliser ce que tu avais au fond de toi, ta langue. Quoi. Je confirme, on a joué à Colombo. Hein. Mais pas dans le mauvais sens, on n'est pas non, que curieux au mauvais sens, hein. C'est parce qu'on s'intéresse vraiment. Et... Ça dépend. Je l'attendais de quoi. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore fait le quiz. On appelle ça la merde depuis le début. On n'a pas dit les secrets. Mais on n'est pas tous comme ça. C'est la musique, c'est extraordinaire. Alors, ça a été des années de travail. Mm-hmm. Des années de travail, alors que des fois, je pouvais aller sur scène sans même répéter du tout. Et tu te rends compte que ouais il faut du travail. Là le looper ça a été 5 années de travail juste pour ça, juste pour maîtriser la loop station parce que faut être ultra rigoureux, ultra. J'aimerais te poser une question justement par rapport à ça. Ouais. Loop station, mais qu'est-ce que c'est que ce truc pour ceux qui ne connaissent pas, parce que moi tu vois avant que tu me l'apportes pour moi, c'est un truc. Déjà, ça se posait sur une table, hein, pas par terre. Mais. Il y en a qui font, ouais. Ah ouais. Avec les mains, mais c'est pas évident quand t'es guitariste, finalement, t'as tes deux mains. Eh, c'est vrai, c'est ouais, t'as des mains occupées. Donc, t'as, t'as pas quatre mains, toi, t'es mal foutu. Qu'est-ce que le loop avec station avec tout ce qu'il fait autrement, c'est vrai que. Loop, ça veut dire. Tourner en rond, en rond. Non, le, non le, loop, pense à looping, tu sais, c'est ce côté circulaire, une boucle. Qu'est-ce qu'un loop station? Qu'est-ce qu'un loop station? C'est ce qui m'a permis d'être enfin. Moi-même. Comment dire? Ouais, peut-être ça. Entier. Il manquait quelque chose dans ta musique et. Quand. Pouf, ça te l'a apporté. Il avait quand pas j'avais... fait le tour de lui-même, maintenant il fait des boucles. Non, mais c'est assez perturbant. Pendant des années, j'avais plein de musique en tête. Et quand on joue avec les copains, tout ça, on se prend pas la tête, on joue. Bon, c'est pas vraiment comme ce que j'avais prévu, pensé dans la tête, mais bon, on s'en fiche, on joue ensemble, on est heureux de jouer ensemble, que ce soit sur scène ou en répétition. Et jusqu'au jour où j'ai vu un live de Ed Sheeran. C'était premier concert en. La révélation. À Clermont-Ferrand, au Zénith de Clermont. Et là, je vois ce mec. Je connaissais, j'écoutais. Mais ouais, au Zénith de Clermont, premier concert. Là, aujourd'hui, il va faire le Stade de France, bon, qu'il a déjà fait. Tu te dis que ouais, ça monte. Et j'étais bluffé. J'étais sur le cul. Quoi. T'as un mec qui est seul. Il a un Zénith à lui tout seul. Et il va faire de la musique tout seul en étant en groupe. Seul. Il a un groupe seul, le gars. Et en regardant Ed Sheeran sur scène, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. À l'époque, quand j'étais gamin, je me disais, mais en fait, il faudrait que je me clone. C'est pas possible. Mais comment, oui. On est dans une autre saga, tu vois. Ouais. C'est un autre délire. C'est vrai. Comment je peux... Il faudrait que je me clone pour que je me mette à la batterie. On est dans l'émission basse, futuriste qu'on va faire la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Et voilà, en regardant, en voyant Ed Sheeran sur scène, je me suis dit, mais en fait, oui, c'est possible. Là, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de, voilà, y a pas d'effets spéciaux. C'est vraiment lui, sa guitare, sa loop station. Alors, il a des clones et on ne les voit pas, les clones. Et ça a été... ça peut paraître simple, mais c'est un truc de bête. Ça m'a pris 5 ans, moi, pour travailler vraiment ça. D'accord. Pour avoir... Parce que quand tu fais des loops, tu loops, tu boucles la piste. Donc, qui dit boucler dit, tu vas multiplier le temps d'attente. Et ça a été un... je dis souvent, ma compagne, c'est mon miroir. Et elle me disait, oh là là, mais on se fait chier, quoi. C'est long, ton intro, elle est longue. Elle est longue. Oui. Je fais, bah écoute, je mets en boucle le temps que tu fais tes boucles. Pistes, ouais. Je fais, c'est empirique, hein, tu vois, t'empiles, procédé d'accumulation à fond. Tu peux rien faire d'autre. Hein. Et au bout d'un moment, tu peux... ça y est, t'es lancé. Mais voilà. Et du coup, là, ça a été tout un travail... Déjà la recherche de la loop station, j'avais une plus petite loop station, là j'ai étoffé, c'est la plus grande qui existe aujourd'hui. Voilà, c'est un gros travail de recherche, un gros travail en amont pour travailler tout seul, diminuer les boucles qui peuvent être diminuées, faire les bonnes boucles qui peuvent être bouclées, ne pas en faire trop. Exactement. Ça aurait pu être simple, c'est-à-dire j'aurais pu préenregistrer des boucles. Et les envoyer sur scène, lancer. Mais je déteste et je ne ferai jamais ça, comme faire du playback sur scène. Saveur, bah oui. Parce que voilà, tu prends le risque. Parce que des fois, voilà, t'as toujours des soucis pour mettre en place, en concert. Voilà, c'est jamais pareil. Et t'as jamais tout ce qui se passe et bien là, non plus. Exactement. Et si t'as pas un bon retour, c'est ça. Exactement. Donc il y a toujours l'improvisation, mais voilà, il faut que ça. Il faut que ce soit rigoureux, il faut que ce soit parfait en fait. C'est pour ça qu'on a passé une heure avant pour mettre en place. Quand j'entends la complexité de faire des boucles, je comprends pourquoi c'est difficile d'être coiffeur. Voilà coupé, celle-là. Si en direct, aussi, ils peuvent pas couper les cheveux en playback. Hein. Ça. C'était un gros taf, mais. Et après, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tu fais ton concert, tu sais comment tu vas la faire, la musique. Tu la sais. Ouais. Et pourtant, elle sera jamais pareille. Chaque concert sera différent. Et même en clonant. Toujours, voilà. D'accord. Je veux toujours. Oui, c'est aussi la différence entre savoir et savoir-faire. Tu peux apprendre plein de choses par cœur et être capable de faire un discours que les gens entendent. Oui. Avec le même texte, les gens font des choses totalement différentes. Mais ce qui est magique, comme tu dis, c'est en plus mais tu peux refaire la même chose, même tout calculer. Mais en face, tu as le public aussi qui ne va pas réagir de la même manière. Et même ceux qui t'ont déjà vu aussi. Mais... Carrément. Et là, d'ailleurs, tout à l'heure, celle que là, j'ai pas utilisé la Loop Station, mais tout à l'heure sur le premier titre, j'utilisais la Loop Station et pour le coup, j'ai fait des choses que je ne faisais pas en live, c'est-à-dire j'ai rajouté des choses, j'ai rajouté des petits solos, des choses voilà, qui n'étaient pas enregistrées, que j'ai rajoutées. C'est j'enregistre en scène et j'ai rajouté. Voilà, je fais jamais un truc pareil parce que j'aime pas la routine, je déteste ça. D'où l'intérêt de revenir nous voir et puis on sera plus exigeant. Et on posera des questions encore plus tordues. Voilà. Et tu vas progresser. Attention, vu que ça peut aller loin avec Thierry. Mais là, ce que je te propose, c'est d'aller au restaurant avec Océane après. Ça tombe bien, j'ai faim. Non, il n'y avait pas une petite bricole avant ? Daniel a nous parler de photos avant. Juste pas très longtemps, juste le temps d'aller au resto sur le trajet. Oui. Vous pouvez partir en voiture, on peut échanger par téléphone. On va faire des photos, on va visiter. C'est juste comme il est photographe aussi. On va en parler. Voilà, j'aimerais juste essayer de le cerner un peu plus. Daniel ? Oui. Non, on en parle après. Oui, oui bien sûr. On va d'abord avoir Lindsay Sterling Mascarade. Ah bah voilà, Lindsay Sterling, je l'attendais. Ça faisait longtemps. Évidemment. On va l'avoir sur Indestar. Teddy, le plus boulanger des animateurs de PK Avenger jusqu'à 23h sur Indestar. C'est vrai que Kevin en boulangerie, moins. Ouais, c'est vrai. T'étais obligé de le mettre celui-là. Ouais. Non, mais je confirme. Oui, moi aussi je confirme, hein, moins. Je suis obligé de le mettre. Oui, c'est comme le mien, t'es obligé de le mettre aussi. Ouais, clairement. Vu que c'est souvent quand même les deux. Bon, on va retourner à autre chose. Le vieux couple. J'allais dire le choix de l'aléatoire. Oui, aussi, on peut dire ça. Il n'y a pas de hasard. Daniel, tu voulais, avant qu'on écoute Lindsay Sterling, tu voulais nous emmener voir des photos. Oui, je me suis emballé. Oui. Vous savez comment je suis. T'as voulu aller trop vite. Plus vite que la musique. Et j'ai failli réussir quand même. Mais non. Oui, il y a une raison pourquoi tu veux nous parler de photos. Oui. Parce que Wood Mike est aussi, comme on l'a dit au départ, photographe. Oui. C'est un artiste qui a... C'est bien. Il beaucoup de cordes à sa harpe. Voilà, c'est bien. Alors, je me suis dit que ça serait bien de savoir à peu près quel genre de photographe tu peux être à présenter. Alors, j'ai une liste de plusieurs photographes. J'ai enlevé volontairement les plus connus, genre Henri Cartier-Bresson, Robert Capa et Robert Doisneau. Je ne connais pas. Moi non plus. J'ai dit les plus connus, pas obligatoirement pour Teddy, évidemment. Si c'est pas connu de Teddy, c'est connu de personne. Sachant qu'il connaît rien, Teddy. Ouais, c'est pas faux. Il y en a quand même des connus, mais bon, pour moi, c'est les trois plus célèbres. C'est vraiment trois références. Donc, je vais te donner les noms. Éventuellement, si tu veux noter pour savoir lequel tu veux. Waouh! Ah là, tu. Tu lui donnes un stylo et c'est même pas un stylo Indestar quoi. J'ai que ça. Puis j'ai pas de papier à lui donner, alors maintenant il écrit où il veut. Non, c'est bon. Alors que Indestar, on a quand même investi dans des petites ardoises Velleda avec un petit feutre. Si tu veux, ça sera quand même mieux. La petite Velleda. Bah ouais. Non. Je regardais s'il avait mis des questions du coup. J'ai l'impression d'être au CE2. Quoi. Ah non, mais ça fait bien. T'as vu, sur Indestar, on te fait même voyager en enfance comme ça. C'est génial. Alors, chaque photographe a une spécialité. C'est un peu, finalement, par rapport à la spécialité. Bon, s'il y en a deux ou trois qui te conviennent, tu as le droit, je t'autorise. Okay. Mais prends pas les 8, déconne pas. Hein. Alors, il y a Raymond Depardon, qui est photographe français, spécialiste du photoreportage. Il a photographié des zones de conflit. Il a passé des années à sillonner la France pour essayer d'en faire quand même un portrait de cette France. Hein. Donc voilà, c'est... Accessoirement, il a été l'auteur de la photo officielle de François Hollande. Ça, c'est accessoirement... Hein, voilà. Bon. Pardon ? Bah, pas politique. Waouh ! C'était accessoirement, mais ça. Mais c'est génial ! Voilà. J'avais envie de citer quelqu'un de célèbre quand même. Les conflits genre gilet jaune ou... Non, on passe au photographe suivant. Alors, Sebastião Salgado, qui est un photographe documentaire journaliste brésilien. Tu connais aussi, non ? Bien sûr. C'est vrai. Ouais, il travaillait exclusivement en argentique, noir et blanc d'ailleurs. En argentique ? Argentique, oui, c'était avant le numérique, ça s'appelait l'argentique. Les pili. Allez, boum. Attends, ouais. Ta gueule. Non, mais... Oui, pas en Argentine. Non, mais je connaissais pas. Non, mais c'est pour ça. Il était brésilien, mais il était pas en Argentine. Il était en Argentine. D'accord. Il pensait trop à Argentine. Alors... Non, c'est que je ne connaissais pas le terme. Non, c'est pour ça. C'est qu'il n'a pas confiance en les Brésiliens et en même temps, je comprends. Tu veux dire que t'as... Cette violence. Elle était violente, celle-là. Pourquoi tant de haine? Ça, va falloir y demander. Va falloir qu'on l'invite pour savoir un jour. Hein. Ah ouais, vu qu'elle... Alors, depuis, bon, il travaille avec un process hybride quand même. Mais... Alors, ce qui est surtout, ce que j'ai relevé surtout dans son travail, c'est que lui, il a parcouru le monde pour photographier la vie des gens, leurs conditions de travail, et plus c'était difficile, plus il voulait photographier. Je ne l'ai pas vu dans ma boulangerie. Non, c'est bon, je... Tu ne l'avais pas calé encore, ta boulangerie. Ouais. C'est la fois que tu avais cassé le verre, c'est ça du ouais, la vitre de boulangerie. Ouais, voilà, putain. C'est vrai que ça devait être dur avec le... Ça, c'est... Bah. Il y a Steve McCurry. Ça devait être dur quand tu croquais le pain avec les morceaux de verre dedans. Ouais. C'est les risques du métier. Alors lui, tu vas comprendre pourquoi je te l'ai mis dans la liste. C'est un photojournaliste américain passionné par l'Inde. Ok. Voilà, c'est juste pour ça. Bon, on apprend en 2016 qu'il retouchait une partie de ses photos. Mais bon, qu'il travaille pas avec le numérique aujourd'hui, franchement. Ouais. Petite question d'ailleurs par rapport à ça. C'est important pour toi de pas retoucher ses photos ou pas forcément? Ça dépend du but recherché. Mmh. Est-ce que c'est juste pour styliser le truc? Est-ce que c'est juste pour donner un côté cool? Ou en vogue, parce que ça dépend de la photo aussi. Par peut-être. Ou est-ce que c'est ouais, ça dépend. Par contre, est-ce que tu veux faire de ton expo un compte Instagram ou est-ce que tu veux faire voilà la vérité c'est ça après. C'est... Voilà, si c'est pour faire une belle photo que t'as ratée, c'est peut-être que t'es Au départ. Après, je pense, c'est comme la musique finalement. Tu à partir du moment que t'as une musique avec de la distorsion, des pédales d'effet et tout très rock. Si la musique en acoustique, elle est pas bonne, elle sera pas bonne avec des fioritures. Ce sera pas bon quand même. Ce sera pas bon quand même. Pour ça que même là, c'est très folk, donc c'est vrai, c'est très proche. Mais mes musiques rock, rock and roll, même punk, elles étaient faites toujours à la guitare acoustique, guitare classique. Okay, donc c'est exactement pareil pour la photo. Finalement, si t'as une mauvaise photo, bah t'as une mauvaise photo. Oui. Tu pourras pas en retourner. Comme le mauvais gâteau, tu peux cacher avec du sucre glace, mais il sera pas bon. Exactement. Quoi. T'as beau mettre de la vinaigrette, il sera tout en mais il sera vendu parce qu'il était beau. Exactement. Oui. Alors il y a aussi Vincent Munier, qui est un photographe animalier français, spécialiste de l'hiver. Pardon, excuse-moi, je t'ai pas écouté parce Vincent qu'en fait, Munier. Je me suis dit merde, j'ai pris. J'ai pris une expression à Teddy et là je me suis dit wow, ça y est, je suis en train d'être possédé par vous. Fais gaffe, tu te transformes en boulanger. On est en train de réussir. Oui, tant que tu prends. Je t'écoute, je suis à fond dedans. Tant que t'es pas hanté par les baguettes, tout va bien. Donc Vincent Munier, qui est un photographe animalier français, spécialiste de l'hiver, il est passionné de l'Arctique. Il est le seul à ce jour à avoir pris des photos de loups arctiques. Ok. C'est peut-être parce qu'il y en a plus beaucoup, ça. Peut-être c'est aussi. Peut-être pour c'est ça. C'est au bon moment. Ouais. C'est soit ça, soit que c'est rare. C'est peut-être aussi le seul à avoir pris des dodos. Il y a Ansel Adams, qui est un Américain, qui est connu surtout pour... la famille Adams. Entre autres, peut-être, ça c'est possible. C'est le cousin de pour ses paysages de l'Ouest américain. Et c'est vraiment une référence dans le noir et blanc. Hein. Il y a Ragnar Axelsson, Islandais, avec son nom, vous auriez compris, qui venait un petit peu de là-bas, oui. Qui lui aussi, un petit peu logique, fasciné par l'Arctique, les régions polaires, travaille aussi beaucoup en noir et blanc, et il, à travers ses photos, il témoigne des modes de vie en disparition, par exemple les Inuits, les peuples arctiques. Oui, les peuples qui sont... Bon, je vais le dire comme ça, même si ça peut être méchant, mais qui sont voués à disparaître, non? Oh, ils vont pas disparaître, ils vont juste déménager, on va dire. Qui sont comme les vrais boulangers. Oui, ça va. C'est pas faux, on l'a pas entendu. Si, on l'a entendu, c'est pas faux. Là, j'ai pas fait attention. Pour être plus sérieux, effectivement, c'est vrai que la banque, qui s'en fout. Bah oui, on va pas refaire tout un speech sur le réchauffement climatique, mais oui, ça fond, donc forcément, ils vont partir. Le mode de vie, surtout, c'est surtout le mode de vie. Il va disparaître. Voilà. Alors, l'avant-dernière, Sabine Weiss, qui est une photographe française d'origine suisse, elle photographie la vie quotidienne des gens, surtout des photos de rue. Mmh. Oh, j'ai trouvé une Rolex par terre. Cliché sur les Suisses. Elle l'a pas photographiée, elle l'a pris. Hein, bon. Bah non, c'est une Suisse. Elle passe de police. T'as trouvé une tablette de chocolat aussi avec ? J'ai pas dit ce qu'elle avait fait. J'ai pas dit ce qu'elle avait fait. C'est vrai, c'est vrai. J'ai dit qu'elle ou l'avait un petit pris, Suisse. Voilà. Et tu as encore Saul Leiter, qui est un Américain, et qui lui, vraiment, s'est focalisé sur les routes de New York. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que ça a été un des premiers à vraiment travailler en photo couleur par rapport, bah, pendant très longtemps, la photographie, c'était noir et blanc pour rendre des impressions. Ouais. Et c'est vraiment un de ceux qui a fait de la recherche graphique au niveau de la couleur. Voilà, je t'ai donné la liste. Est-ce que tu as besoin de 24 heures pour réfléchir ? Il y en a... Non. 23. Bon, 23h59, c'est ça. On sera encore là. Non, là, pour le coup, il y en a... Il y en a deux qui... Il y en a deux, trois qui Tu veux que je te donne la 10 ? Après, non, t'inquiète, beaucoup, il a noté. Par rapport à ma roche... Il faut que je réfère à mon travail à moi ou... Non, toi, tes souhaits. Okay. Toi, ce que tu penses, tes envies, ce que tu voudrais éventuellement être, ce que tu admires, ou par rapport éventuellement à des choses que tu as vécues aussi. Ok, bah là, pour le coup, Salgado. Salgado. Ouais. C'est lequel celui-là ? Parce qu'il faut le retirer. Le Brésilien. Le Brésilien qui est argentin. Ah ! Le Brésilien qui se déguise en argentin. Qui photographie les gens. On est perdu. Qui ont des vies difficiles, on peut résumer. Bah oui, comme mais ça. Oui, mais oui. C'est celui qui, pour le coup, je vais faire tout de suite mon expo sur ça, parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu. C'est pas que c'était difficile en termes de. C'est pas moi qui ai vécu la chose assez complexe. Mais je suis allé dans des endroits vraiment très très difficiles. Oui, on connaît New Delhi, Pondichéry en Inde. Vraiment les côtés très très très riches, très très beaux, très touristiques finalement. Là, on était dans le Tamil Nadu. On était vraiment dans une pampa. C'était très aride. On avait du 56 degrés. Enfin, c'était il y a eu des il y a beaucoup de peuples. Il y avait beaucoup de peuples qui étaient très loin en fait. C'était assez complexe et puis t'avais beaucoup de pauvreté et malgré ça nous on y allait pour donner du sourire aux enfants orphelins là-bas et ils nous ont donné mille fois plus. Je suis allé dans des rues, c'est hallucinant quoi, ce que j'ai pu voir, c'est hallucinant. Tout le monde venait contre moi et venait viens manger avec nous quoi, ils donnaient tout, ils avaient rien, ils avaient tout. Et donc là pour le coup c'est vraiment ce que j'ai pris dans mes photos, c'est toujours des moments de vie très très compliqués, mais il y avait de la vie, enfin c'était beau quoi, c'était magnifique. Voilà, donc là pour le coup je me réfère vraiment à ce monsieur. Tu peux commenter quelques photos, genre la petite fille ou des fille au jasmin. Tu peux nous en dire un peu quelque chose. J'ai des choses à vous donner. D'ailleurs, je vous ai emmené des petits marque-pages avec l'histoire, avec des photos. Je lis pas de livre. Même pas de manga. Si, mais il faut que je vous montre ça. Là, pour le coup, la petite fille au jasmin, c'est la photo phare de l'expo. C'est dans cet atelier de jasmin que tout est parti. Je prenais déjà des photos et pour le coup, quand j'ai capté ce regard, la petite, ça a été un moment inouï parce que elle était apeurée, nous aussi. C'était assez bizarre. Ouais. Elle était avec sa maman qui tressait le jasmin. Il y avait toutes ces femmes qui tressaient le jasmin par terre dans cette grande, enfin dans qui cette petite pièce, le jasmin. En fait. Oui, ils prenaient les fleurs de jasmin. Ouais. Ils faisaient des tresses avec des ficelles. Il faisait des couronnes, enfin il pouvait faire des couronnes, il faisait des guirlandes de jasmin. Et ils en faisaient, donc les filles en faisaient des colliers, des couronnes. Ok, donc oui, l'objectif c'était de te permettre de présenter ce que toi, tu aimes la photo à travers ce mini, pas questionnaire. Je voulais, ce que j'aime avec la photo, c'est qu'on piège le temps. D'accord. On piège le temps. Je te prends photo là tout de suite. J'ai piégé le temps parce que le temps est passé déjà. Tant mieux, c'est pas moi que t'as piégé. Non, mais c'est vrai. Tu sais que à ce moment-là, tu seras plus jamais cette personne parce que t'as déjà pris un coup de vieux. T'as pris 3 minutes. Tu vois. Il y en a un qui s'affole d'un seul coup là. 3 wow. minutes et 2 blagues marche, dans la gueule. Ça marche aussi avec les boulangers. Tu y échapperas pas, t'es dit. Et non, ouais, piéger le temps. Piéger le temps parce que ce que je dis tout le temps, vous avez l'heure, moi j'ai le temps. Tu as notamment piégé une cassette et ta petite animation sur ton Insta où ça fait des petites bulles. La démo. Ouais. Ben, c'est très intéressant pour nous qui avons connu les cassettes, peut-être pour ceux qui les ont pas connues aussi. Non, j'ai pas connu. Ah, carrément. C'est bon. Cette cassette, je l'ai. Ça a été des petites démos comme ça que j'ai fait. J'ai fait un teaser de fou, il a duré des mois et des mois, je l'ai toujours pas sorti finalement. Et je vais le sortir là, la suite, je pense, de cette radio. D'accord. Et c'était un riff en fait, un petit riff. Je me suis mis dans le lecteur cassette, enregistré avec des vieux micros Akai des années 70. Okay. T'as un son authentique que j'aime parce qu'il est. T'as pas besoin de trop d'effets. Et t'as une voix de dingue, quoi. Une voix de dingue des années 70. Tu te dis, ta guitare, elle pète. Elle pète grave. Et ça reprend une phrase que me disait mon père sur la country. Il faisait écouter des vieux sons et puis il me disait, tu vois, ce mec-là, ils se baladent de village en village à travers une calèche. Ils ont une guitare, un pied qui rebondit sur le sol, le smile, et puis voilà. Ils ont tout compris. Vu qu'ils sont heureux, ils ont tout compris. Ils ont tout. Ils donnent. Ils ont de la musique. Il me dit, c'est simple. Pourquoi tu vas te faire chier avec plein de trucs? Et voilà, c'est simple. C'est simple. Et puis voilà, c'est l'authenticité que je voulais, comme sur mes photos. Capter l'instant présent. Ça, je l'ai pris. Mes photos, elles sont pas en noir et blanc pour rien aussi. Et ça a marché en plus. Je voulais qu'elles aient un effet peinture. Quand on voit les photos, on a l'impression que c'est une peinture. Une photo de peinture. Mais parce que finalement, quand j'étais. Ça me rappelle quand j'étais étudiant, j'aimais bien être sur les terrasses ou alors au bord de Loire. Et dessiner, peindre avec mon marqueur noir sur blanc, ouais. Toujours. Il y avait des fautes, il y avait des erreurs. Mais voilà, c'était le côté Picasso. Tu fais par rapport à tout ça. Tu ne vas pas effacer. Non, il faut que tu fasses, tu reconstruis. Et finalement, ça donnait quelque chose. Je prenais une photo de ce que je voyais. Donc, ça pouvait être les tours, les deux tours de La Rochelle. Ça pouvait être le bord de Loire, l'île Simon. Ça pouvait être voilà, plein de choses. La place Gordon à Bourges. Et voilà, je voulais qu'il y ait ça, ce noir et blanc, sur les photos qui sont rentrées. Sur ton Instagram, il y a quelque chose qui est intéressant. Nous avons parlé avec Daniel quand on a essayé de sélectionner des photos pour faire l'annonce de l'émission. La toute première qui apparaît aussi tout en haut dans un cercle, où il y a ta signature, la façon dont tu as fait ta signature et dont tu l'as intégrée sur certaines compositions, moi, m'a attiré. Je trouvais que c'était drôlement bien fait et que ça donnait envie de savoir qui était derrière ces compos. On a eu tous les deux la même réaction, je précise. Derrière le logo. Le logo, l'ensemble de l'image, il a très bien été créé. On a eu, Thierry, la même réaction. Qui a fait ça? Pourquoi? Comment? Voilà. J'ai une sorte de mosaïque, enfin composition dans la composition. Ouais, j'ai tout fait d'un trait comme ça. Instantanément, je me suis pas repris pour le coup. Ça a été instantané et je me suis rendu compte. Ouais, donc, c'est aussi le W qui a été le M de Michael. Tu le retournes, ça fait un W. J'ai toujours été captivé par Cassiopée, constellation de Cassiopée qui fait un 3, mais un M, un W aussi. Oui, donc ça correspond bien où on se dit, ça n'est pas que de l'écriture, ça semble représenter. Moi, j'étais pas dans les constellations, mais je me disais, ça représente quelque chose. Il y a quelque chose. Ouais. Mais de toute façon, l'écriture, c'est du dessin. Totalement, c'est ça. Et j'ai toujours été aussi captivé par les étoiles. Ça m'a. Ce truc. Bah, bienvenue sur Indestar. Mais c'est vrai que oui. Non, mais c'est vrai. Et là, pour le coup, quand... Vous n'êtes pas là par hasard. Donc ouais, tout a été imbriqué finalement assez facilement. Et ça a donné cet effet de bouche. Ça, on peut imaginer la bouche, on peut imaginer terre et mer aussi sur ce logo. Que je trouve fantastique. Je l'ai fait en une fois et puis finalement je me suis dit eh ben voilà, c'est tout toi. Ouais. Donc si vous voulez puis on peut le retourner, ça fait la même chose. Bah voilà, c'est si vous voulez essayer de percer le moi, mystère, je vois un Wood Mike, et ben allez voir et retournez ça dans tous les sens. Et puis mettez-lui des likes aussi. Oui. Vous voyez sur Instagram, c'est vrai que il y a le Facebook aussi, mais c'est surtout Instagram. Je suis à fond dedans, j'aime bien ce truc-là. En tout cas, pour partager des photos de base, ta page est vraiment belle. Merci. Ça a été, il y a pas mal de, ça a été cool. C'est ce qui a fait aussi, c'est ça qui est marrant, c'est que dans la musique, j'ai pas montré l'album, j'ai pas fait écouter l'album encore. L'album n'est pas sorti. Ouais. Il y a eu des concerts annulés, etc. J'aurais pu mettre du contenu musical. Et finalement, mais t'as choisi ce pas qu'il y a, faire, c'est ça j'ai voilà, histoire d'avoir ce côté mystérieux aussi en même temps. Mais voilà, sur Instagram, ce qui est bien, c'est que tu peux faire voyager et voilà, faire mêler le voyage, ce que j'aime. Avec la bouffe, avec le skateboard, avec l'eau. En parlant de bouffe, c'est ça. Ouais, finalement, ça, tu as des contenus, tu as des divergences aussi, t'as plein de gens. Quand tu vois que tu mets quelque chose et que tout de suite c'est au Guatemala que t'es liké, c'est hallucinant. Après, t'as Avignon, après, t'as Montpellier, et puis t'as encore une autre destination. Ouais. C'est extraordinaire, ouais. Je trouve ça extraordinaire avec Instagram. C'est monté vite. Vu que tu parlais de destination, je te propose le restaurant d'Indestar comme destination là. Très bien. Le alors, Indestar sur à 3 étoiles. TripAdvisor, ouais. J'ai pas vu d'étoiles encore. Oh, 3 étoiles, logique. 3 étoiles, un macaron. On est au-dessus, oui. C'est pour ça, il y a même pas de classement. Le macaron d'or. Ouais. C'est Océane qui t'invite au resto. Oui. Okay. Et ça, c'est après de la musique, j'imagine. Oui, on peut. Seb Wax, Si V2C on Wax. Si tout si. Oh, on s'excuse de son. Oui, de mon anglais. Mais moi, je ne connaissais pas en anglais. Ça. Mais oui. Non, moi, comment tu voulais que je le pense qu'il faut sévir à un moment. Oui. Oui, bah en tout cas. Bah, il y a le V quand même. On va la voir sur Indestar. Peck Avenger, c'est comme. Dans One Piece. Allez, t'es un homme. Donc de pleurnicher. Je peux pas. Mais en différent. On est sur Indestar, donc pour la dernière partie de l'émission. Non. Bah. Encore une partie. Oui, il y a le quiz après. Chaud. Oui, il y a le petit quiz. Allez, la dernière heure. C'est ça. Mais qui dit dernière heure dit manger aussi. Bah peut-être que vous avez faim, ouais. Ouais, je sais pas. Ouais, alors, je vais pas te mentir, j'ai pas mangé ce soir, donc oui, un peu. T'en penses quoi, Woodmike, t'as faim? T'as faim tout le temps. Ah bah comme ça. Mais franchement, cette émission nous nourrit. Ouais, mais pas en vraie bouffe, pas l'estomac. Pas en miam. Quel bonheur. Ça nourrit le cerveau et les oreilles, mais pas l'estomac. Ouais, mais pas ça en miam. Y est, il fait encore le difficile, lui. Ouais. Mais du coup, je crois qu'Océane a quelque chose de prévu pour ça. Donc, je crois que Océane voudrait t'inviter quelque part, n'est-ce pas, Océane? Ah bon? Mais comment ça, bon? Bah, tu voulais pas fêter ton anniversaire? C'est 20 ans là? Bah, ouais, oui. L'anniversaire. Tu l'as suffisamment dit. Ça fait deux semaines assez. Que tu nous casses les oreilles avec ton anniversaire? Je crois qu'elle nous en parle depuis qu'on la connaît, non? Oui, je crois. C'est un peu ça, ouais. Et oui, tu voulais peut-être emmener Woodmike au resto, du coup, pour fêter ça? Oui, parce que pour une fois qu'elle a un artiste, elle veut en profiter. Mais non, on a eu Zachary aussi la dernière fois. Oui, mais tu l'as pas emmené au resto? Alors je vous propose d'aller manger au Indestar. D'accord. Un macaron d'or. C'est toi qui décides, hein. Si tu veux manger ailleurs, tu vas manger ailleurs. Mais enfin, je pense que le repas, ça sera le même. Hein. Bon, moi, je pense qu'il faut être corpo et dire au Indestar. De quoi? Je pense qu'il faut dire au Indestar quand même, peu importe. C'est pas le Peck Avenger Star? Ah, non, oui. C'est le Indestar. Ah. Ou le Peck Star. Non, c'est bon, on change pas de nom. On a déjà changé de nom. Hein? Raconte-nous une histoire. Allez, vas-y, Père Castor. Non, moi je vais pas raconter une histoire, je suis le serveur. D'accord. Alors vous l'aurez deviné, je suis Teddy aussi. Je joue le serveur. Teddy le serveur. Bonjour, messieurs, dames. Désirez-vous une table? Ouais, ça fait 3 heures qu'on attend. Putain, mais on l'avait calé ça. Non, on l'avait pas calé. Ah non. Non, mais apparemment, ils ont pas réservé. Hein. C'est pas grave, vous pouvez venir sans réservation. Nous avons de la place. Il y a personne. C'est le Covid. On a le droit qu'à. C'est la version Covidée. On a le droit qu'à une table. De deux. Ouais. Voilà. Mais si on mange comme quatre, on prend quoi comme table? Bah tu reviens demain. C'est ça. Donc vous désirez une table, j'imagine. Donc je vais vous placer là, c'est l'endroit idéal. Là, voilà. C'est le meilleur endroit du resto. Il y a des courants d'air. Ouais, il y a des courants froid. D'air, c'est à côté des chiottes. On va se laisser porter par les vents. Ouais. Mais c'est plus proche de la cuisine, donc c'est plus facile pour moi. C'est proche de sa femme. C'est proche de la famille de Woodmick. Comme ça, j'ai pas besoin de me déplacer, voilà. Eh oui, il y a peut-être ton frère, il nous a envoyé un CV, on sait pas si on va le prendre encore. Hé hey Robert, t'es en cuisine. ce soir, je vous propose des amuse-bouches. Carpaccio de saumon sur son lit de ciboulette. Ah non, c'est l'inverse. Oh, je sais jamais avec ces plats de merde. excusez-moi, ça m'a échappé. Carpaccio de saumon en entrée avec une sauce à l'herbe, là, je sais plus ce que c'est. Une sauce à l'herbe ou CBD. Donc ça, c'est la mise-bouche. Vous en voulez un ou c'est... Ouais, ça dépend à quoi. Je vais demander au cuistot. Hey, cuistot, là. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi l'herbe déjà avec le saumon? Et tu m'emmerdes. Ça me dit pas ce que c'est l'herbe, connard. Bah tu devrais apprendre. Bon, tu mets quoi dedans? De l'herbe. Ouais, laquelle? Ciboulette, c'est tout. D'accord, ok, je vais dire. Ciboulette, c'est presque CBD, hein. C'est CBL. Monsieur, c'est une sauce à la ciboulette. Ok, bah je prends. Ok. Le problème, c'est que j'aime pas le saumon. De toute façon, il y a que ça. C'est eh ben, tu boufferas la non, sauce. Non, je mange pas de saumon. Ça va. Ok, je donne que la sauce. La ciboulette. Je vous apporte la sauce, pas de problème. Une assiette de ciboulette. Que de ciboulette. Madame, vous prenez la même chose. Il y a que ciboulette. Oui, ok, que ciboulette, sans problème. La même chose. Ciboulette avec sauce ciboulette. Ok. Eh ben, 200 ciboulettes avec ciboulette, s'il vous plaît. Mais en plus, faut faire autre chose. Mais tu dis oui, toi. Oui, mais non. La ciboulette, non? Ciboulette à ciboulette. Ouais. Ouais. Ah, on peut mettre une tige de ciboulette dans une ciboulette. D'accord. Hein. 25€ la ciboulette. Non, 30. Petit aparté, si vous êtes jamais amusé avec la ciboulette, c'est une tige creuse. Donc vous pouvez très bien mettre une tige de ciboulette dans une tige de ciboulette. Je pensais à des boulettes, en fait, juste des boulettes. Ciboulette. Oh putain, ouais. Ciboulette à la ciboulette. J'aurais dû y penser, cette blague. Il est tard. Ouais, c'est pas grave. Oh, je suis serveur par intermittence, hein, des fois. Ouais. Voilà. Donc voici votre plat, voilà, vous le mangez, c'est génial. Youpi. Ouais, comment je squeeze des passages. N'hésite pas à intervenir, Océane. Ouais. Ah bah elle est complètement défoncée. Non, je crois qu'elle est au bout de sa vie encore. Elle a fumé la ciboulette. Donc je vous propose une entrée. Alors nous avons deux choix pour les entrées. Nous avons saucisson de canard aux truffes de Touraine, recherché par le cochon du cuistot. Il s'amuse le week-end à aller dans la forêt. C'est un rapport avec toi, c'est un cochon d'Inde. Un cochon d'Inde qui va dans la forêt. Wood forêt. Tout est lié. Donc oui, il va chercher des trucs lui-même avec son cochon qui s'appelle... Il s'appelle comment déjà ton porc là? Robert. Bébert. Bébert, ok. Bébert a trouvé des trucs. Donc Bébert le porc. Saucisson au canard. Et en deuxième entrée... Nous entendons Bébert là à l'instant. Coquille Saint-Jacques sur son lit de carottes. Bébert, retourne dans l'enclos. Non, mais ils sont insupportables ces gens. C'est chaud. Non, mais quelqu'un peut ramener Bébert à son enclos là parce ils sont pas censés le ramener. Je sais pas ce qu'il fout là, mais bon, en même temps. Ah, il s'est séparé de sa meuf, le cuistot, et du coup, ils ont des problèmes de garde. Ouais. Du coup, il est obligé de le garder une semaine sur deux, le cochon. Donc, pauvre il Bébert. Est là, voilà, c'est comme ça. Pauvre Bébert. Donc, saucisson de canard aux truffes de Touraine trouvées par Bébert, ou coquille Saint-Jacques sur lit de carottes, et des petits pois. Également trouvés par Bébert. Trouvé par Bébert. Poussé à l'engrais de Bébert. C'est dégueulasse, mais c'est bien plus naturel. C'est bio. Oui, parce que Bébert, tout ce qu'il fait, c'est bio. Hein. Oui, c'est vrai. C'est bio et c'est vert. Alors, qu'en dites-vous? J'ai perdu le fil. Le fil du couteau. Saucisson de canard aux truffes ou coquille Saint-Jacques sur l'île de carottes et petits pois. Ah. Ouais. Oui, mais à part ça. Je prendrais les. Ouais, je mets le canard, je mets Saint-Jacques. Saint-Jacques au saucisson canard. Saucisson de canard. Saint-Jacques au canard, les deux. Ouais. Ah bah. Ah bah je suis un ogre, hein, je mange tout. Pourquoi pas. Un peu comme Bébert d'ailleurs, il a tout bouffé. Non, c'est Bébert qu'on va bouffer. Oui, voulez-vous un verre d'eau pour éviter de mourir? J'ai l'impression que vous étouffez. Non, ça va aller. Vous non, voulez parce... du pain avec votre entrée? Je prendrai la Saint-Jacques. La Saint-Jacques, ouais. Et vous voulez du pain quand même? Tu l'avais dans la gueule? J'ai du pain sec de céréales. Oui, bah c'est très bien. Ouais. C'est quoi les céréales? Alors CBD. Bon, on s'en fout. C'est pas le moment. Voilà. Donc voici vos plats. Et en cuisine, il me faut coquille Saint-Jacques 2 et un saucisson de canard, s'il vous plaît. D'accord. S'il te plaît, pourquoi je te bouge, toi? Oui. Tu mérites même pas que je te parle. Mais tu vas être viré, toi, à force. Mais c'est moi le patron. Non, depuis quand le serveur est le patron? Depuis que j'ai racheté le resto. Bref. D'accord. J'espère que tu l'as bien racheté. Vas-y, file-moi le saucisson. Merci. Voilà, saucisson, coquille Saint-Jacques. Je sais pas faire le bruit du saucisson, moi. C'est très bon. C'est vrai? C'est très bon. Tout est bon dans le. Mais nous, Bébert encore. Oui, tout est bon. Bébert, en Bébert. Ah bah. J'ai perdu Bébert. Oui. Il se trouve que dans le plat. Il est pas loin, Bébert, on l'entend. Bah. Oui, on l'entend plus beaucoup. On l'entend plus beaucoup. Mais à qui est ce porc? Mais Bébert. En plat, nous avons deux choix. Filet de sardines avec ses petits oignons confits. Ou rôti de porc sur son lit d'agate frit. Ah non, thai ah non, thai. Pas rôti de porc, non. Et ben si, je crois que c'est bien Bébert. Faut recyclage. Recyclage. Bébert est pas. Non, non, ça c'est Bébert Junior. Ça. C'est Bébert JR. Ouais. Non, Bébert lui il passait à la casserole pour le coup. Il était trop vieux. Je ne rentre pas dans la casserole. D'ailleurs, il était sur un cuisinier. Donc vous voulez quoi? Un filet de sardines ou un filet oui, un rôti sardines, de Bébert? Sardines. Je prendrai le rôti de Bébert. Océane, que veux-tu? Tu veux les sardines? Oui, oui, oui. Putain, attends, je fais chier quoi. En cuisine, on a encore des sardines? Non. Ouais, c'est bien ce qu'il sort. Ça sera du rôti non, de Bébert. Il y a plus de sardines. Non, non. Ouais, puis attends, et Bébert, on va pas le faire cuire que pour. Bah oui, non, mais quand même. Bah oui. Déjà qu'on a pris un saucisson, donc. Oh, déjà. Et on a invité le serveur. Donc je vous apporte les rôtis de Bébert. Voilà. Le cuistot est un peu triste d'ailleurs, hein. Il aimait bien, mais bon, non, c'est la vie. Il va se débrouiller avec Junior, son fils, maintenant. Ouais, mais bah, il est Bébert Junior, peut-être qu'il cherchera des meilleurs trucs. Ah ouais. Et en dessert, nous avons gâteau d'orange. Rôti de porc. Spécialité du Château Gaillard, le gâteau à l'orange. Avec son petit coulis de chocolat de chez Bigot. Oh là, c'est très amboisien hein, ce que je dis. Oui, plutôt. Mais je ne connais pas. Ah, bah les chocolats amboise, c'est Bigot. Une grande chocolaterie. Enfin, la chocolaterie d'Amboise. Il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, centenaire, un peu plus maintenant. Voilà. Et le gâteau d'orange au Château Gaillard, c'est un château amboise. Et effectivement, ils ont un super bon gâteau à l'orange. Enfin, super bon, je sais que pas. Que tu si as fait. Ouais, j'en ai fait mais, en plus. Amboise, je crois qu'il y a deux chocolateries. Ouais, mais alors l'autre. Oui, mais c'est Bombana, ça compte pas, c'est des chocolateries de café. Ça... Oui, mais. Ça se dit au moins. Mais non, mais c'est pas la même chocolaterie. C'est la même direction de l'autre. Bidou, qui est... Oui, c'est pareil. Ouais. Bon, par contre, le serveur, on s'éloigne un peu là. Ouais, ouais, ouais. Je te paye pas à l'heure pour discuter avec les clients seulement. Je te paye pas, c'est moi le patron. Gâteau du Château Gaillard avec son colis de chocolat de chez Bigot. Ou glace à la bière. Avec rillette de Touraine. C'est pas moi qui ai fait le menu, je vous jure. C'est le cuistot, mais il avait bu, je crois. Non, mais. Bébert, ouais, Bébert. Bébert encore. C'est désolé, j'ai un peu trop hic. Non, mais Bébert, il y avait des restes, fallait les caser. Hein. Bébert, et Henriette, Bébert, en il en a marre d'être c'est découpé. Hein. Bah, qu'est-ce que vous voulez en dessert parce que, Je prendrais le canard à l'orange. Non, c'était pas là. Non, c'était le gâteau. Mais bon, on a la rillette, donc vraiment. Hein. Et vous, madame, vous voulez de la rillette en dessert? Non, non, c'est moi, je prendrais rien du tout. Tu prends rien du tout? Vas-y, c'est quoi? T'es en régime, la merde? T'es venu bouffer au resto, tu prends rien? Oh, sans déconner, je déteste ces gens-là. Non, elle nous casse les oreilles pour manger. Vous savez que vous payerez le même prix, hein, même si vous... Bon, bah, tant pis. Bon, bah, je vous apporte... c'est quoi, déjà? Le canard gâteau, à l'orange. Le gâteau à l'orange, voilà. Voilà, gâteau à l'orange. Et ouais, j'en ai fait, en plus, des gâteaux à l'orange comme ça, pour le Château Gaillard. C'est une recette particulière. Ils versent 2 litres de jus d'orange dans le gâteau, après. Je te jure. On fait cuire le gâteau et on verse 2 litres de jus d'orange sur le gâteau. C'est un genre de moelleux. Tu le manges avec une paille, c'est un baba au rhum ou... C'est un gros baba au rhum. Baba à l'orange. C'est moi qui ai bu tout le rhum. C'est pas mauvais, mais bon, c'est pas ouf. Ouais, je suis pas très fan des moelleux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça vous fait 153€ et plus le supplément pain de madame en entrée. 164€. Service non compris, évidemment. Ça, oh, c'est tout compris. Si, quand même, à ce prix-là. Vu que le serveur ne sert plus à rien. Ah, j'ai oublié de vous proposer des boissons, mais c'est pas grave. Vous avez pas soif? Bah, après tout le jus d'orange qu'il aura pris dans le gâteau. Voilà, bon, c'est bon. Il y avait trop de jus d'orange. Eh ben merci de votre venue. J'espère que vous reviendrez au restaurant Indestar. On aura sans doute une autre carte avec un cuistot moins bourré. Et moins de bébère. Du coup, hein, vous en seulement une bière à la fois. Une bière à la fois, mais bon. Avec deux, on en renverse. Bébert, lui, c'était qu'une seule fois hein, pour le coup. Je reviendrai. Bébert Junior sera peut-être à manger. Non. Voilà. C'était un mini sketch proposé par Inesta. Par les PK Avengers. Oh, qu'est-ce ouais. qu'on est taré. J'avoue quoi. Pourquoi on fait ça. J'avoue que là. Bah, à partir du moment où on déborde quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est vrai, il est minuit 7, c'est pour ça que. Oui, ça fait n'importe quoi. Ouais, oui. C'est ça le état. Bon, c'est Anne. Tu vas t'en remettre. Alors maintenant, il faut. On finit au fast food parce qu'on a rien bouffé. Avant ça, je vous propose de noter sur TripAdvisor une note sur 5 sur la qualité de ce service et de. Je crois qu'ils vont mettre un moins devant. Alors, qu'en as-tu pensé, Océane? Tu mettrais combien pour ce superbe menu? Déjà, l'entrée, on n'a pas eu de saumon. Il s'est fait fumer. C'était pas l'entrée, ça, c'était la muse-gueule. C'était la muse-gueule. C'est pas pareil. Enfin, la muse-bouche. Hic! Mais c'est pas donc on a pas eu de saumon. Non mais une bonne note, pense à Bébert quand même. Mais oui, ah. Bébert, il est pas mort pour rien. Il s'est sacrifié. Ouais. Je l'ai fait griller le on pauvre. A quand même bouffé le cochon qui allait chercher nos truffes quoi. Ouais. Mais oui. D'ailleurs au final on est con quand même. On perd des sous là. Alors combien sur 5? Je crois que vous avez bouffé la baraque. Ouais, je crois. 2,5. Ouais, ok. Bon, ça va au moins on a la moyenne. Et toi Winmike, tu mettrais combien pour ce? Elle est gentille. Parce qu'ils ont perdu des gros clients. On a le droit que c'est la première fois que je venais, mais c'était le gros client. C'était peut-être la dernière fois. Soit. Bon. Et tu mettrais combien du coup? Je mettrais. Ça dépend si on enlève le saumon, si on enlève. Si on enlève Bébert. Si on enlève Bébert. Ouais, je. Il reste plus grand chose. Ah oui, il reste que le cuistot bourré. Il reste 164 boules. Une qualité de service au top. Qualité de service au top, tu parles. Qualité d'encaissement. Le serveur, il s'est tapé Bébert. Ah bah non hein. Oh les cochons. C'est vrai. Oh j'en ai plein le cul de ce restaurant. Merci Bébert. Il nous aura bien servi ce Bébert. J'avoue que Bébert, il en aura vu de toutes les couleurs. Ouais. Par contre Bébert, il peut pas lancer la musique lui. Hein. Moi je peux le faire. Ah. C'est quoi? C'est The Way. Tu t'y attendais pas là. Bah ouais. C'est Fire, The Way It Goes Black. Ouais, c'est ça. Oui. The Red Goes Black. Il l'a bien dit. Oui. Vraiment? Oui, mais est-ce qu'il comprend ce que ça veut dire? Non. Non, en tout cas, c'est sur Indestar. Le rouge qui vire au noir. D'accord. Merci Thierry. Les PK. PK. PK. PK. Bon, laisse tomber Pikachu, je vais le faire. PK Avenger sur Indestar de 21h à 23h. PK. Oh. PK. Le petit c'est Pika. Qui a fait ça? Ben c'est moi. Bébert. Arrêtez les Pika. Non, Bébert. On arrête les Bébert, on arrête les Pika. Bébert, il est passé à la poêle. Mais. Oui, oui, oui. Les Pika, on se calme. Hein. Pika. Ça, c'est nouveau, ça. Oui. De quoi? Les Pika se calmer. Oui, ça, oui. Ça n'existe pas. C'est vrai que oui. On va pas se mentir. C'est dans un monde utopique. Comme à chaque fin d'émission, on fait un petit quiz. On se fout sur la gueule, oui. On se fout sur la gueule, oui, si on veut. C'est plutôt ça, ouais. Non, on va faire un petit quiz en 5 questions, avec 3 propositions de réponses. Et en règle générale, ça tourne autour du thème de l'émission. Là, ce n'est pas un thème, c'est une personne. C'est Wood Mike, donc ça va tourner autour de toi. Ok. Donc j'ai fait des questions. Ça va tourner en boucle, en looping. Peut-être. Laisse la gens touriste, quoi. Il serait loupé après, ça on ne sait pas. Hein. Oui. Ça, on verra bien. Alors, est-ce qu'on va faire un Jolan? Il sait pas ce que c'est qu'un Jolan, faut lui expliquer. Ah oui. D'ailleurs, un jeu quoi? Un Jolan. Faire une Jolan. Un Jolan. Oui, une Jolan. Ça veut dire marquer 0 oui. points en ayant essayé points. De répondre vraiment. Attends, tu peux la refaire? En gros, t'as mis 0 points en essayant de répondre. Ouais. Mais sans le faire exprès. Voilà. Pendant le quiz, ouais. Ouais, mais il est fort ce type. C'est un type, une vraie personne qui existe. Oui, parce que c'est presque une légende pour le coup. Oh, on aurait dit l'entité légendaire qui était au-dessus de tout, qui régissait la totale. Ouais. Bah, il a réussi à perdre tout le temps. je l'ai vu gagner des fois, mais c'est rare. Il perd souvent. C'est pour ça que maintenant, pour perdre, c'est le synonyme de perdre, c'est Jolan. Surtout quand t'as zéro. Mais... Oui. Okay. Et on l'embrasse et on. Donc le but c'est de faire zéro ou pas? Non. Non. Non, non, c'est ce qu'il faut pas faire. Non, justement, faut pas le copier. Ok. Sinon, c'est faire une jolle. D'ailleurs, donc... coucou Jolan. Hein. Oui, ouais, c'est ce que j'ai fait aussi. On t'a bien défoncé la gueule. Oui. Comme à chaque fois. Alors, première question. Dire comme bébé. Ça lui fait de la pub. Non. C'est trop méchant. Pauvre bébé. Je tiens à préciser que je mange presque pas de viande. Presque pas. Presque pas. Tu manges quoi, que le gras? Que le jambon. Bon. Donc, question 1. Que bébé. La première question, ça va concerner Retour vers le futur. D'accord. Nom de Zeus. Évidemment. Comment s'appelait la société? C'était pas Bébert, c'est pour ça. C'est Doc. Oh, c'est raté. Comment s'appelait la société qui a créé la DeLorean? La société, la marque de voiture, si vous préférez. Est-ce DeLorean's Motor Company, General Motors ou Ford? A, B ou C? Putain, non, mais... Vous faites pas chier avec tout écrire, évidemment. Non, mais le pire, c'est que j'en ai acheté une récemment dans Forza Horizon 5 et j'ai déjà oublié. Ah bah oui, c'est triste, hein. J'adore la tête de Théo. Alors, parce que ce que vous savez pas, c'est que Théo est venu, enfin, oui, nous rejoint, il était à côté, voilà. Et donc, Théo qui fait partie de l'équipe Starter, donc forcément, il connaît la réponse. Il a mis la une, hein, bien sûr, évidemment. Et c'est le seul à avoir mis la une. Il y en a qui ont vraiment mis Ford. Pour la blague. Ah, c'est juste pour le trip. Je trouvais ça fun. J'imaginais que c'était ouais, la une, c'était, ouais, c'est ce qui me semblait bien. Mais pour le délire, la Ford DeLorean, ouais, j'aurais tellement aimé la voir. Bah, je trouve que ça sonne bien, Ford DeLorean. Ça va bien. Je crois que le fait de faire une Jolan, ça a inspiré Wood Mike. Oui, ouais, j'ai ça l'impression. Dans tous les cas, il n'y a que Théo qui a marqué un point. Il y a 5 questions, ça va. Oui, c'est vrai. Oui. Tant que tu n'es pas le dernier. Mais tu ne feras pas le perfect, en tout cas. C'est vrai. C'est pas fait. Maintenant, on va aller sur le roi lion. Juste, c'est une petite, oui, précision. C'est moi. Oui. Oui. Son, qui es-tu, jeune inconnu? Théo, pour vous servir. Le mec qui a fait DMC, il a travaillé chez la General Motors avant de... Je sais, mais c'est pour ça que je l'ai mis. Mais fallait pas le dire. Ah, mais c'était une petite précision. Bien sûr. Pour ceux qui ont mis la réponse. C'est une question piège. Totalement. On n'avait pas totalement. On se fait couillonner à chaque fois. Donc on a un point quand même. Non, mais je savais qu'il travaillait chez General. Encore un tour de cochon. Bébert, il est encore passé par là. Bébert, reviens ici. L'impartialité, c'est ça, tu vois. Ouais. Enfin bref, la deuxième question, ça va concerner le roi lion. Dans le roi lion, il y a Rafiki. On a parlé tout à l'heure, oui, c'est le babouin, je crois. Ouais, babouin qui, ouais, soulève Simba, enfin, oui, le babouin, le sage en tout cas. Donc oui, c'est un babouin. Mais il aurait pu être un autre animal. De base, ils avaient prévu un autre animal, pas un babouin. D'après vous, c'est lequel? Est-ce le panda, le guépard ou la tortue? De mer. Alors, allez, j'imagine la tortue qui essaye de soulever. Bah, une tortue lutte, oui, c'est vrai que il y a des nageoires devant, mais derrière, c'est minuscule les pattes de tortue. Juste pour le délire. Mais bon. Juste pour le délire. Le premier, c'est panda. Le deuxième, allez, guépard. Et le troisième, tortue. Donc, nous avons du panda, vraiment. On est en Afrique. Merde. Bah oui. C'est quoi, c'est incohérent. Putain, mais, alors, en Afrique, déclaré, oui. J'ai pas triché. Il y en a qui ont pas compris non plus. Daniel Tortue. Il l'a tenté. Moi, c'est juste pour le délire. Ah, mais les deux forêts sont tentées à tortue. Bah, je trouvais ça sympa, moi. Mais oui, je trouvais ça fun. Je mets le guépard parce que c'est vrai que c'est très africain. Mais en théorie, c'est le guépard, oui. Ouais. Mais le sage pour un. Ouais, c'est bizarre. C'est vrai que oui, bah, c'est sans doute pour ça qu'ils ont changé. J'adorais la mais tortue. Oui. Moi, j'imaginais la tortue. J'imaginais la tortue qui se mettait debout. Après, dans Kung Fu Panda, par contre, tu as une tortue. Il y a un panda. Qui est, oui, le sage, qui est quand même très très beau. Hein. Ouais, d'ailleurs, ouais, ouais, ouais. Petite info, savez-vous ce que ça veut dire, Rafiki? Ah, je l'ai su. Rafistolé? Non, c'est en Swahili, si je me rappelle bien. Ouais. Ça veut dire c'est le meilleur ami. C'est... D'accord. Ah, voilà. Bah, je parle pas le Rafistolé. Non, moi non plus. Voilà. Le quoi? C'est, en gros, c'est le meilleur ami. C'est, non, mais en quelle langue? Je crois que c'est en Swahili. Ouais. Ouais, alors de quel pays du coup? C'est une langue africaine. Ah, voilà. Ouais. C'est tout ce que t'as retenu. Bah, désolé, hein, je suis pas très bon en langue africaine. C'est dommage que tu m'aies pas posé cette question. C'est Bébert, ouais, en Swahili qui devient. Mais il le mange pareil. Bébert de là-haut, si tu nous écoutes, on t'embrasse. De quoi? C'est quoi la réponse? Ah, le guépard. Ah, c'est le guépard. C'est le guépard. Oui, c'est la seule réponse cohérente. Ah, mais ouais, je trouvais ça génial. Je trouvais ça fun, la tortue. Ah, aussi. Ouais, aussi. Attention au guépard. Il avait proposé un suricate. C'est vrai que c'est le suricate. Qui lève le lion quand même. C'est, ouais, c'est un concept. Pourquoi pas? La troisième question va concerner la série Malcolm. D'accord. Eh oui, que j'aime. Bien sûr, c'est pour ça que j'en parle. Alors, il y a une tête qui était exceptionnelle à voir. La tête de Daniel a valu de l'or. Ah, bah, je crois que ça va faire un point en moins pour Daniel. Je crois aussi. Déjà qu'il y en a zéro. Je suis pas loin de faire la Jolane. Hein. T'inquiète, tu n'es pas le seul. T'es bien parti pour le moment. En mettant votre fun. Quel est son prénom à l'acteur qui joue Malcolm? Est-ce qu'il s'appelle Frankie, Franck ou François? Son prénom en vrai ou dans. Son prénom d'acteur? Son vrai prénom? Frankie, François? Non, parce que dans la série, il s'appelle Malcolm. Ouais. Je te spoil. Ouais, désolé. De toute façon, il comptait pas regarder. Comment s'appelle l'acteur? J'en sais rien, j'ai pas écouté, alors je mets la réponse au pif. Frankie, Franck ou François? C'est simple. Vas-y, Frankie, c'est bon. Donc, nous avons du Frankie, nous avons du Franck. Le jambon. Qu'est-ce que t'as mis? Franck et Franck. Bah, c'est Frankie. Ah, merde. C'est Frankie Muniz qui s'appelle. En plus, je savais. Hein. Ouais, donc y a qui a mis la une? J'ai pas suivi. Ah ouais, vous êtes que deux. Alors que Bébert, c'est beaucoup plus simple. Oui, c'est ça. Alors que Bébert, oui, c'est vrai, Bébert. Vas-y, Bébert, c'est bon. Ouais, mais Bébert, il pouvait pas répondre. Bébert, il pouvait être bon, hein, si ça se trouve. Bah, il était bon, mais il tournait, tu vois, et il pouvait pas répondre. Ah, Bébert à la broche. Il sait ce que c'est que le loop. On va parler d'une autre série qui a cartonné aussi, hein, enfin, plutôt. Hein. Game of Thrones. Oui. Tu aimes bien aussi. Ouais, j'aime bien. Ouais. T'aurais bien aimé être figurant sur un tournage de Game of Thrones. Ça dépend quel personnage. Bah, les figurants. Bébert. Non, le. Bébert. Il y a pas mal de cochons quand même. Ah, les salauds. Je disais juste figurant, tu vois. Moi, mon personnage préféré, c'est Tyrion. Tyrion Lannister, c'est celui qui joue le nain. Enfin, le nain qui joue le nain. Voilà, la petite personne. Après, j'adore ce personnage. Dans Marvel, il joue un géant. Il joue un forgeron genre. Tyrion, ouais, je m'y réfère beaucoup. C'est vrai qu'il est sympa. Mais là, on va s'intéresser plutôt aux figurants. Les doublures. Il y a des scènes de combat avec plein de combats, plein de gens. Merci plein Teddy de cette logique à part. Oui. Sauf que ces figurants, ils ont pris du coup des cours de combat à l'épée, à l'arc, à plein d'autres armes médiévales. Voilà. Mais d'après vous, combien de temps ils ont eu de formation? Parce que les figurants ont eu une formation pour le combat. C'est assez étonnant quand même. C'est Pôle emploi qui a dispensé la formation? Non, parce que comme ils sabrent les budgets, ça a pas dû être long. Hein. Sabrer le budget pour des cours de combat. Est-ce qu'ils ont pris une semaine, un mois ou 3 heures? Ah, tu vois, je pense que pour moi, c'était zéro. Genre, pour que ce soit ultra réaliste. Attends, c'était quoi sur la gueule? Les gars, tu vois. Ah non, ils ont c'était quoi, vraiment, quoi, une formation. Ils ont eu vraiment une formation. Une semaine, un mois ou 3 heures? Moi, je pense que c'est Pôle emploi qui a dispensé la formation. Nous avons dû un mois par là. Ça faisait quoi, une semaine, un mois, trois heures. Si tu peux écrire une semaine, un mois ou 3 heures. De toute manière, écrire 3 ou 3 heures, ça revient au même. Ouais. Oui. Pour une fois, il va simplifier les choses. Nous avons une semaine. Ouais, des 3 heures, vraiment. 3 heures non, ouais. Non, c'était bien une semaine. J'ai mis un point. Ça allait, alors ça dépendait de certains figurants, mais le minimum c'était une journée. T'avais obligatoirement une journée de formation, jusqu'à une semaine. Une journée de 3 heures. En tant que figurant, c'est quand même pas mal. Hein, ouais. Une formation d'une semaine pour juste mourir. C'est ça. C'est triste. En tant que figurant, c'est énorme. Ouais, c'est vrai. C'est ambitieux. Non, mais pour avoir les bons gestes au bon rythme, enfin, comme tu disais, comme. Pour que ça soit réaliste. En réalité, mets les points avant que tu oublies. D'accord. Mets les points. Moi, je vais mettre les points parce que j'ai déjà oublié qui a mis ça. C'était moi, Thierry, je crois. Non, moi j'ai déjà un point, attends. Non, toi t'as mis 3 heures à peine. Oui, il y a que vous deux qui avez mis un. Je pense. Bah, je crois. Apparemment. Ouais, vous êtes vraiment mauvais. Ouais. N'empêche, tiens, féliciter les autres qui ont été très honnêtes de pas dire oui, moi j'ai mis alors qu'ils avaient pas mis. Eh, mais c'est pas grave, je l'aurais pas accordé. C'est aussi simple que ça. Je fais ce que je vois. Oui, c'est. Tu vois la règle? Il y a qu'une règle, Teddy fait n'importe quoi. Je suis le patron. C'est ça. On en a parlé au début de l'émission. T'es parti en Inde. Ouais. Il y a une langue officielle là-bas. Ouais, tu ne me le dis pas. D'après vous, c'est laquelle? L'hindouille? J'écris quoi? L'hindouille? L'hindouille? L'anglais? Ou le télélongou? Non, je sais plus ce que. Je l'ai mal écrit, je vous avoue. Télélongou. Télé Lougou. Télé Magouille, oui. Télé Magouille. On en a plein, ouais. Je l'ai pas inventé, je précise quand même. C'est de la magouille, ouais, ça. C'est une vraie langue. Alors remarque. Alors c'est pas partout. Ça. Pour moi, il doit y avoir plusieurs langues officielles. Mais bon. Oui, c'est pour ça. Mais parmi ce que t'as cité. Parce qu'en fait, alors. Pour dire les choses simples. Moi, je mets par élimination. Hein? Tu as dit quoi? Alors, l'hindoui? L'hindi? Non, alors attends, hindi. Si, si, c'est bien, on dit comme ça. Alors, hindi, c'est différent si tu dis ça comme ça. Parce que. H-I-N-D-I, oui. Ouais. Alors, ouais, ça ressemble à ça, je crois. Ouais, ça doit être ça. Bah, l'hindi, l'anglais ou le télélongu. Il y en a deux. Alors, il y a qu'une seule langue officielle. Il y a qu'une seule langue officielle. C'est pas une question piège. Il y a qu'une seule langue officielle. Par contre, il y a des langues qui sont parlées presque à 50-50 quasiment. Et comment dire ? C'est-à-dire sur tout le territoire. Elles ont beau ne pas être la langue officielle, elles sont parlées massivement. Le télélongu, par exemple, ça en fait partie. Ce n'est pas la langue. Si vous, quelqu'un a mis 3 ? Vraiment ? Non, personne ? Non, c'est bon. Bon, vu que t'as dit qu'une, je mets la réponse 1, mais normalement il y en a 2. Non, il y en a pas 2. Non, j'ai vérifié. Moi aussi. Est-ce que tu comprends le mec ? C'est Bébert qui m'a donné la réponse alors. Moi je dis, c'est vous le mec qui va trancher. D'après toi, il y a 2 langues officielles ? 2 langues officielles, pas 2 langues parlées. Moi j'ai entendu le tamoul, ce que je disais tout à l'heure. Ouais, bah là je voulais le mettre, mais je m'en rappelais plus. Et je l'ai pas trouvé sur internet. Là pour le coup, c'est une vraie langue. Dans le sud de l'Inde. Ouais. Alors ah bah après, c'est sur tout le territoire. Peu importe la région, finalement, ils parlent tous anglais. Ils apprennent l'anglais, du moins. Ouais. Il y a beaucoup après c'est les colons, hein, c'est. Alors colonie c'est anglaise. Ouais. C'est l'Indie, là. Ouais. Ça, oui. Prononcé comme tu l'as prononcé, oui, ça ressemblait à la religion parce que hindouisme. Oui. L'hindouille. I-N, ça fait 1. C'est l'hindouille de Berbère. Mais bon, c'est vrai que l'hindi, du coup, si c'est bien l'hindi que ça. C'est l'hindi, C'est la langue officielle. Ça veut pas dire que c'est. Si ça se trouve, bientôt, ça sera peut-être même plus la langue officielle, hein, déjà. Ouais, ou ça sera. Ou c'est peut-être déjà plus la langue la plus parlée. C'est possible. Ça peut. C'est juste de plus en plus l'anglais. Après, nous, on avait aussi ce côté de leur apprendre l'anglais, parce qu'ils n'avaient pas forcément les professeurs. Oui, c'est sur le papier, l'hindi, on va dire. Voilà, c'est pour réconcilier tout le monde. Bah, c'est sur le papier. C'est ça. Et même, moi, j'attendais cette réponse-là. Langue maternelle, mais quand tu vas à l'école pour apprendre un métier, on doit t'imposer l'anglais. Quoi. C'était l'hindi. Enfin, j'aime pas trop cette question parce que c'est un peu ambigu. Hein, mais, c'est vrai, mais j'ai dit la langue officielle. J'ai et en plus, vu comment c'est prononcé. Ce qui est possible, c'est qu'ils aient retiré l'anglais il y a très peu de temps, peut-être. Ça, c'est peut-être possible. Ils l'ont pas mis ? Non, mais. C'est pas la langue officielle. Ça y était avant. Mais ils ont peut-être retiré, c'est possible. Pas de ce que j'ai lu, mais peu importe. Ah. On creuse. À tes souhaits. Voilà. putain. Tu vas pas y arriver. Contredis pas Wikipédia. C'était pour dire de la merde en plus. Oui, c'est ça. C'est triste. Qui avait dit l'hindi du coup? Nous avons Théo, nous avons Océane. Ouais. Oh putain, tu vas pas faire une Jolane. Ouh, tu l'as frôlé. Hein. Nous avons Daniel, nous avons. C'est tout? Ouais, bon, ouais. Ouais, ça va. Ouais. Moi j'ai mis l'anglais. Alors. Je rebouchonne mon petit stilo. Parce que il fait du suspense. Je sais que je suis dernier en théorie donc. Oh la misère. Il y a trop d'égalité là. Hein. Alors Kevin et Océane, vous êtes éliminés. Ouais, d'accord. Ouais, pour faire une voilà, j'aurais été sûr. Vous avez qu'un point. Et mon point vous avez fait une presque Jolane. Et mon point compte quand même. Bah non. Ton point compte quand même. Mais t'as fait une presque Jolane. Oui, ton point compte, mais tu ne peux pas répondre pour la question d'après. Bah non. Voilà. Ça ne marche pas comme ça. T'as le droit mais ça compte pas. Oui voilà, j'ai le droit mais ça compte pas. C'est qui les équipes? Il me faut une question. Bah c'est toi aussi qui est éliminé. On fait gagner l'invité. Oh c'est un peu fait. T'es d'accord avec ça? Non. Tu vois, d'accord. Il est joueur. Et on lui donne l'obligation de revenir. Ouais, voilà. Tu vois, Thierry a lu dans mes pensées. Ah putain, j'ai pas de questions, j'ai pas d'imagination. Je suis mauvais. Ouais, ben ça, on s'est mauvais. Pas d'imagination, ouais, c'est pas de nouveau. Hein. Kevin parle en attendant, je réfléchis. Quoi non, puis si c'est pour nous inventer une question sur la cuisson de la farine ou je sais pas trop quoi encore. Oui. Bon. En tout cas, si vous avez raté cette émission, n'hésitez pas à aller sur indestar.fr pour écouter le podcast, que ce soit sur Spotify, Deezer et ainsi de suite. 11h et minuit. Voilà. Et ce qui est exceptionnel, c'est que Deezer marche toute la journée. Alors moi j'ai une question, je peux la poser? Non, parce que t'auras la réponse. Pourquoi? Tu participes? Mais bah justement, justement, c'est pour ça. Justement. Il aura la réponse. Je suis en train de chercher. C'est qui les égalités déjà? Théo, t'as une idée? J'ai des vrais ou faux. Ah, vas-y. On va faire un vrai ou faux, c'est bien. D'accord. Ouais, mais prends une autre question vu qu'il l'a vu. Ah, ton téléphone fait des trucs bizarres. Il bouge. Il m'a affiché ça. Oh là là. Comment je fais derrière? Alors, Teddy et la technologie, ça fait deux. Ferme Pornhub et. Ça va beaucoup mieux. Ah, bah oui, mais c'est qu'il est tactile derrière. Qui ça qui est tactile derrière? Merde. On veut savoir. Alors. Ça part souvent comme ça à un moment. Sur son dernier album, Ma Maison Favorite, Paul Daresch interprète une chanson signée Adamo. C'est qui? Adamo. Adamo, ça va. Pour le reste. Je la connais pas. Je veux autre chose. Véronique Labbé. Quelqu'un connaît? Pierre. Labbé Pierre. Ok, bon, bah on la passe. Parce que je la connais pas. C'est pas ça le jeu. Je pense qu'il est en train de rentrer dans notre move là. Oui, je crois. Il va finir sur une des stars. Je crois, ouais. Isabelle Boulay, ça, ça me parle. Oui, ouais, c'est un boulet. C'est un boulet. C'est celui qu'on lance. Ouais. Ah. En 2012, Isabelle Boulay a fait paraître un premier album country. Oh, c'est vrai. Putain, mais ça doit être bizarre ça. Ouais, à écouter, à mon avis. Les Grands Espaces, il s'appelait. Non, non, elle est très doux, Isabelle. Les Grands Espaces. Mais n'a pas rencontré. T'avais un accent un peu africain. Mais, oui, ça mélange. Ça mondialisation. Ouais, attendez, j'ai compris le vrai ou faux. Isabelle Boulay a fait paraître son premier album country, Les Grands Espaces, mais n'a pas rencontré le succès escompté. Vrai ou faux? C'est trop méchant cette question. Oh, c'est tellement méchant. Bah, c'est vrai, ça n'a pas rencontré le succès. Disons qu'Isabelle Boulay, elle est pas connue pour ça. De toute façon, le reste marche bien. De toute façon, elle avait qu'à sortir avec Bébert. Hein, mais du coup, c'est vrai. C'est vrai qu'elle n'a pas eu le succès. Non, mais c'est... Il n'y en a pas un seul qui va répondre faux. Vraiment. Non. Parce que c'est faux. Allez, le truc, j'y crois pas moi-même. Allez, disque de platine en France. Et bah tant mieux pour moi. Et disque d'or au Québec. Alors oui, c'est bien pour que... Déjà, rien parce qu'à partir Isabelle du moment où t'es disque d'or au Québec. Cartonne, mais je pense... C'est pas on l'entend pas parler. Je pensais pas l'associer à la country. La country hein. Alors, oui, moi non plus, mais je pensais pas que Cartonne... Après, alors, là, tout le monde se met à en faire de la country moderne. C'est pas aussi bien que ce que tu nous fais. Allez, on en refait une, parce que... Une dernière pour la route. Manon Bédard. Oh là, qui sait encore. Ouais, est aussi connue sous le pseudonyme de la Bébert. Reine québécoise du yodeler. Yodel. Oui. Vrai ou faux? Yodel, ouais. Le surnom de Manon Bédard, la reine québécoise du yodel. Mais on s'en tape. Putain, ils vont tous répondre vrai. Alors là. Alors moi je dis rien, puis j'ai tout okay. vu. Ok. Bon bah c'est vrai hein. voilà hein. Bon bah tout le monde est encore en course. Non, celle-là je la connais pas. Je peux en profiter là, pendant que tu cherches pour faire une petite précision. Vas-y. Quand vous réécouterez le podcast de l'émission, essayez de faire attention par rapport au fait de la petite musique de fond, parce que par moment il y a des extraits de musique des chansons. Faut pas de... le dire, c'est l'easter eggs. Faut le trouver ça. Faut pas le dire. Trop tard. C'est secret. Chut. Non, mais que les gens quand même cherchent. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ils se disent à quel moment on entend. Voilà, soyez curieux dans le bon sens du terme. Absolument. C'est ça. Restez ouverts. La musique country francophone est apparue dans les années 1940. C'est tout court comme question. La musique country. Ouais, francophone. C'est un concept. Francophone, aussi. Francophone, ça peut être dans le monde. Ouais. Bah ouais, je vous avoue, ça peut être. C'est pas un bonhomme, c'est pas francophone. C'est déjà, du faux ça. Faux, déjà il y aura vrai, un éliminé faux. Ah bah faux vrai faux. Donc là Woodmike va mettre vrai du coup. Ou faux. Sinon ça fait ou les deux ça, comme quand il répondait à mes questions au début. Il voulait bien les deux. Bah non c'est faux. C'est faux. Oh putain Daniel. Ouais. Ouais t'as gagné. Ouais. Ouais bon enlever le micro de toute façon ça sert à rien hein. Ouais je crois. Et ah, ça veut dire que c'est arrivé c'est le Québec. Alors francophone, presque, oui, ouais, comme tu l'as dit, Thierry, c'est ouais, un piège. C'est arrivé pratiquement. Ça aurait temps, pu être en Afrique aussi. Hein. Si j'ai bien compris, ça aurait pu être partout. C'était le country, ouais. Le Québec l'a nié. L'a nié pendant plusieurs années. C'était sur la country québécoise. Et ça va finir à l'Eurovision. Ouais. C'est la country québécoise. c'était un top de dog. Ouais, et c'était un quiz de fou. Au Québec, ils ont des radios parce qu'ils ont vachement plus de culture country que nous, mais ils ont un mélange de country anglophone et de country francophone, ce qui est très marrant à écouter. Si vous tombez sur une radio québécoise qui joue de la. Faut l'écouter, c'est ça. Faut que je teste. Ça vaut son. Faut que tu testes, ça fait d'accord. Donc Wood, bah t'as perdu. Oui. T'as perdu sur la dernière marche du podium, c'est Daniel qui a remporté. C'est trop simple à la dernière. C'est obligatoire, il y a un piège. Pareil, en fait. Puis je t'ai incité à dire vrai en plus. C'est pas au Canada. Oui. Alors, je voulais pas spécialement gay, Daniel, je voulais juste le monde francophone, c'est-à-dire le français c'est parlé partout. Oui. Ah quand même. Bah ouais. Wood, c'est on apprend tous les jours. Si on veut écouter des musiques, on doit faire quoi? Finir en concert. Ouais. Mais t'en as un prévu bientôt concert, ou pas là, encore là c'est un peu compliqué. Là je suis concentré sur l'album. On va redémarrer. Ouais. D'accord. On va repartir parce qu'il y a eu du repérage il n'y a pas si longtemps. T'as une idée de la sortie? Enfin de la date de sortie. Enfin pas la date. Non prime, la date de sortie. La période on va dire. Non, on avait prévu 2021, on avait tout prévu, et puis finalement on s'est dit si 2022. Tu peux pas promouvoir sur scène, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais cet album. Je te propose de faire un tour en DeLorean dans le futur, savoir quand c'est le meilleur moment pour sortir l'album. Mais pas en réfrigérateur. Pour sortir l'album, non, là ce sera. Là je prévois, j'aimerais une année 2022 pleine de concerts, de festivals. D'accord. Plein de moments, sachant que l'expo va repartir là, c'est sûr. Ouais. Sur plusieurs l'expo choses. L'expo pour l'avoir, il faut aller où? Alors là, ça va repartir sur Bourges. Ouais. Ça va repartir sur Bourges, j'ai pas encore la date. Mais voilà, il y aura un lieu d'exposition. Ou... Ouais. Alors ça va être un tout nouveau lieu d'expo dans une brasserie pour le coup, ça va être la première fois. Mais c'est top, c'est cool parce qu'on va pouvoir. Voilà, ça va mêler pas mal de choses. Et je serai le premier artiste qui sera dedans en termes de photographe. Mmh. Et sinon, ouais, l'expo, elle va être. J'ai été pris dans le réseau Canopé. Donc, réseau Canopé, c'est tout dans l'éducation nationale. Tous les professeurs de France pourront prendre mon exposition pour la partager avec les élèves, travailler sur ça. Sachant qu'elle va prendre une autre dimension avec toutes les histoires, avec un nouveau voyage, à aller redynamiser cette expo. C'était déjà un voyage sensoriel. Là, pour le coup, on va avoir une dynamique extraordinaire. D'accord. Et les concerts, ouais, ça va repartir. Ça va repartir, là. En tous les cas, j'imagine, pour suivre toutes ces actualités, il suffit de suivre ton compte Instagram, s'abonner. Le compte Instagram, à fond, il y aura pas mal d'infos, là, le fait qu'il y ait la radio, là, clairement, ça va se lancer. C'est quoi ton Instagram, Woodmike? Oui, justement, c'est ce que j'avais demandé. Et ouais, Woodmike. Woodmike, tout simplement avec. Vous mettez Woodmike, vous tombez dessus. W-O-O-D-M-I-K. W-O-O-D-M-I-K. Et il y a le trait du bas. Mais voilà, vous mettez Woodmike et ça va. Direct. Et on sera directement. On dessus. Trouve assez facilement. Après, sinon, woodmike.com. D'accord. Aussi, ça, c'est pour ton site. Ça lance. Donc, c'est le site, mais il y a aussi tous les trucs Instagram, Facebook. Et on trouve la diversité de tes arts. C'est ça, oui. Ça s'appelle Many Faces of Woodmike. Donc, encore des regards. Exactement, exactement. Donc, ouais, si ça vous plaît. Non, lancez, mais. je l'attendais de connaissant. Mettez-vous bien sûr. Soyez aussi, dans l'aventure. Parce que, soyez aussi bienveillant que l'artiste. Oui. C'est vrai. Et ça vaut le coup. Et si vous savez pas pourquoi, et ben réécoutez le podcast. Oui. Parce qu'il a chanté deux fois et franchement. C'était génial. Ouais, vous voyez pas le geste, mais moi je le fais. Oui. J'embrasse mes doigts parce que c'est bon, c'est goûtu. Et a fait comme quand tu fais un bon plat. Mamma bon. Mia, voilà, c'est la mamma italienne. C'est dans la bonne. Donc, oui, effectivement, écoutez Woodmike sur PK Avenger, sur Indestar, ça vaut le coup dans l'émission. En podcast sur Indestar.fr, sur Spotify, Deezer, Podcast Addict, ainsi de suite. Il y en a tellement qu'à la fin. Partout qu'il y a du podcast, il y a Indestar, voilà. Voilà. Et vous pourrez retrouver Woodmike là-dessus. Yes, I. Venez nombreux. Oui. Plus on est oui. Plus on rit. C'est vrai, pareil, c'est vrai. Ouais. On confirme. En oui. Parlant d'être nombreux, bah on l'est pas le lundi dans Starter. J'adore cette. le lundi, on est non, on est que 3 en règle générale, hein, voire 2,5 des fois. si Antoine est des fois est absent, ça arrive. Starter de 21h à 22h le lundi et le mercredi. Actu solide de 21h à 23h. Ouais, ils sont un peu plus nombreux pour le coup. Légèrement. Ouais. Non, mais c'est pour être gentil avec Starter. C'est pas le nombre qui fait la qualité. Hein. Nous, avec un wood mic, on les explose tous. Hein. Voilà. En même temps, il n'y a même pas match. Hein. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Sur ce, on va se quitter. Oui. On se quitte comment, wood mic? En musique? Ouais. Oui. Ouais, c'est j'avais cool, trop ça. Envie de dire ça. Ouais. On se quitte en musique. Oui. Ouais. Les Daft Punk, ouais, ouais, ouais. Ça te va pour eux? Bah, il va faire avec, oui. C'est pas country. Oui, oui, non. Prompteur, mais non, là, ah oui, non, il est non. Pas sur le il y a que moi qui l'ai là. Ah bah, vas-y. Oh, putain, on avait dit qu'on que tu faisais un lancement. Tiens, vas-y. Bah, tu vas pas faire un lancement, tu vas faire une fin. Oui. Un lancement de fin. Ouais, c'est ça. Lancement de fin. Donc, oui, effectivement. Le commencement de la fin. Allez là, la musique. Alors. Ok. Et sur ma musique en plus. Juste derrière. In yourself. Strange Man, man. Je suis perdu, non. Alors. Alors vas-y, tu es prêt? Vas-y, tu nous dis quand t'es prêt. Et on se quitte avec Get Lucky des Daft Punk. Oui. Remix des Daft Punk. Ouais, c'est ça, c'est un remix. C'est ça. Ok, c'est ça, et bah c'est cool, et bah c'était un super plaisir, les gars. Sur Indestar, et on vous dit à jeudi prochain. Salut! Salut tout le monde! Salut tout le monde! À bientôt dans le futur! Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.